Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sananas. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto. Vous pouvez poser les pinceaux, l'idée c'est de ne rien faire et de vous laisser faire. Au make-up bar de Sephora, de super pros sont là rien que pour vous. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour le smoky de vos rêves et être au top du top niveau. Être encore plus belle sans bouger le petit doigt, moi je valide. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora. Au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. C'est facile, moi j'ai trouvé. Là, la sonde. Oh yeah. C'est bien. On continue, Pietre. Yeah. Imagine si je l'avais fait. Et même moi, je reconnais pas, mec. Non plus. Et même Bob, il reconnaît pas. Arrête avec ton appareil photo, je te fous dans le cul, toi, je te jure, j'en peux plus. Putain, mec, bah, fait chier toute l'année avec son cri. Ah, everybody's free, feel good. Ah ouais, ouais, bah, c'est ouais. Bah, sound of freedom. Voilà. C'était long, hein. On va en faire un dernier. Allez, il est facile celui-là, il est facile. Celui-là est facile. Ah oui. Ouais, je suis obligé de le faire. C'est moi celui d'après. Celui d'après, on va se marrer. Celui d'après, on va se marrer. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Faire l'amour du côté de Chatou. Enchaîne l'autre. À faire l'amour du côté de Chatou. Roxy, c'est parti. First party. First party. Il marque le rythme avec les mains, il a peur de rater le beat. C'est ça, il dit. Mais non, mais ça, c'est qu'il est très concentré. Le temps que ça arrive, sinon c'est. Il est bon quand il le fait. Juste pour voir comment tu le ferais. On dirait un western. Il chante sûrement le couplet. On attend le refrain. Tu siffles comme un vieux. Tu siffles comme un pépé. Ouais. On a l'air con quand on siffle en fait. Feel the vibe. Ah là là. Feel the vibe. J'adore. T'es bon celui-là. Feel the vibe. T'es bon ce morceau. Hein. Moi j'adore le passage fait. Tu t'étais mis bien avec les vidéos là-dessus, toi. Hein, où tu faisais toutes tes vidéos dans les lagons, là. Do you feel the vibe? Do you feel the vibe? Ah, il y en a qui se pètent bien. C'est tellement dur. Il sera Ibiza tout l'été. Mais nous, on sera Walibi, nous. Ouais. Parce que toi, là, avec ton Ibiza, tout ça, là, c'est quoi, tous ces culs contre nous, on sera en Belgique. Voilà. Et oui, mais oui. Tu vois, on a failli être à Miami. On nous a dit non. Walibi. Et les mecs, ils ont dit c'est pareil, Walibi, Miami. Ils ont dit, les auditeurs, ils ne verront pas la différence. Oh là, il faut un Miami, Walibi. C'est pareil. On a failli aller là-bas, mais finalement, on a Walibi. Tu connais ou pas? Tu veux que je te ramène? Est-ce que tu veux que je te ramène un Walibi Gaufre ou une Walibi Crêpe? Avec plaisir. Ça te ferait plaisir? Parce que nous, on y va vendredi, c'est que ça va être la fête. Hein. Ça va être quelque chose. Hein. On va se mettre bien, ça va être cool. On va être bien avec plus de 300, 400 invités, auditeurs. Inscrivez-vous. Comment ils font les auditeurs pour venir nous voir, Julie? Ah, ils nous envoient un mail à koyetenergie.com. Mais ceux qui sont en Belgique, comment ils font? Ah, il faut jouer dans le morning. Ah, et toute la journée sur les sites internet aussi, les réseaux sociaux. Et gagnez pas des places. Gagnez pas des places en mode ouais, on vient puis on vient pas. Vous venez au parc, vous venez nous voir. Ah oui, c'est important. Nous on est chaud patate et j'emmène Julie dans toutes les attractions. Ah non non. Ah si. Ah non, commence pas. Ah ma chérie, je t'emmène dans tout. Je ne veux pas. Il y en a vraiment les nouvelles, je peux pas. Eh ben pourquoi, tu veux faire que des anciennes en bois? Non mais. Il faut quoi, les petits chevaux de bois? Oh. Pêche au canard les gars. Oh, c'est un peu violent là. Non, faites beaucoup de bruit pour celui qui était notre invité, Bob 5, là. Merci mon pote. Bon été. Kiffe bien. T'as intérêt à m'envoyer des photos une fois de temps en temps, je te le dis. Bienvenue sur Énergie. Et je vous laisse avec Guillaume parce que nous on va s'en aller. On vous souhaite une bonne nuit, c'est notre fête de la musique. Avant la fin de la semaine, Kinvé, Amir, Slimane sera notre invité. On en aura encore plein d'autres. On en a les Little Mix qui vont venir jeudi. Il y aura Ritz à vendredi. Bonne soirée tout le monde, bisous. Soyez sages. Et bonne révision, hein, je compte sur vous. Koé revient demain dès 19h sur Énergie. Guillaume Radio 2.0 est la seule émission de radio du monde à rendre les gens sympas. Je le coupe en... avec la hache, je le coupe en mille morceaux. Vous voyez, je vous ai pas menti. Guillaume Radio 2.0, 22h01 sur Énergie. Allez à l'antenne sur Énergie, 22h02, Guillaume Radio 2.0, on est parti hein, sur Énergie jusqu'à 1h. J'espère que ça s'est bien passé, ceux qui ont eu des examens aujourd'hui, ceux qui sont partis en cours, etc. Je suis désolé, j'ai pas trop de voix, étonnamment. C'est bizarre parce qu'on on aurait dû la perdre à Rouen et en fait, on a tellement peu dormi en 3 jours que 2 jours après, c'est parvenu totalement. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée, les potos. On se retrouve là comme chaque soir. Peut-être que vous êtes en voiture pour aller à la fête de la musique dans votre ville, ou peut-être de retour de la fête de la musique pour ceux qui vont un peu tôt. Mais en tout cas, bon courage à tout le monde. Il y a certaines villes qui ont décalé la fête de la musique, c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas. Dans la plupart des grosses villes, ça a été décalé d'une journée ou deux en fonction du foot, en fonction du bordel, en fonction des supporters de certains pays. Mais bon, et nous on est là en direct, en tout cas il n'y a pas d'embrouille, hein, c'est vraiment du direct comme chaque soir, 22h pile, jusqu'à 1h du matin. On se fera Justin Timber avec le nouveau tout à l'heure, Can't Stop the Feeling. Ok. Justin Timberlake, on se fera Gims aussi. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Salut l'équipe encore présente et toutes avec vous toute la soirée. Alors envoyez-nous du lourd, coucou à la team RCEA et à la CQF de Ghost 18, salut gros. Bonne vacances au 6ème D de Loki D, salut Martin. Guillaume et votre message à 612 hein, salut les beaux gosses, trop contente de vous écouter tous les soirs, je vous aime fort, gros bisous. Demain là, le soleil enfin lisse du 95. Salut au transport Rosette et aux touristes qui feraient bien de se sortir les doigts du cul. Bisous à l'équipe, j'ai pas compris pourquoi tu dis ça parce qu'il y en a pas assez. Peut-être salut aux chevelus, y a pas de problème. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de mon cousin, mais il est en couple, on est super proches, je sais pas quoi faire. Eh ben, laisse ton numéro si tu veux, on va t'appeler. Venez raconter hein, si vous arrive comme à toi qui nous a écrit ça, à l'une d'entre vous là qui a nous écrire ça. Vous êtes tous les bienvenus si vous voulez venir nous raconter une histoire un petit peu. Voilà, il vous arrivez un truc un peu marrant, il vous arrivez une galère, il vous arrivez un truc bien, bah, on se le raconte, on en parle le soir sur Énergie. Il y a Maxime qui vient d'appeler de Canet en Roussillon. Bonsoir Maxime. Ouais Guillaume, ça va ou quoi? Ça va Maxime? Eh bah tranquille, ouais, l'équipe qui s'installe aussi, on va les accueillir ensemble, un GM stagiaire. Ouais, salut Guillaume, salut tout le monde. GM du standard. Salut Guillaume, salut à tous. Tout le monde est là, Amina ouais. Du standard aussi. Ça va bien Amina, oui, du standard. Oui, ça va, salut Guillaume, salut tout le monde. Amina, c'est ça qui a oublié de se coiffer en venant. Ouais, non, mais aujourd'hui, c'est la grève. Ah ouais, mais c'est la fou, grève hein. De la beauté. La grève du maquillage. Ah ouais, rien à foutre. La grève. Elle est en chantier. Ah ouais, là, c'est les travaux. La meilleure émission de la Terre commence. Salut Guillaume, mes voisins cassent les couilles avec leur musique de merde. Ah, c'est la fête de la musique. Et t'en as rien à branler si tu travailles le lendemain matin avec ton voisin. Aimer de la musique, t'en as rien à branler de la fête de la musique. Bah ouais. Allez, bon courage, hein, les mecs, profitez bien. Est-ce que c'est bien les fêtes de la musique? Est-ce que vous avez kiffé Bah pour sortir, ça va. Non, non, mais il y en a qui sont très bien, mais est-ce que ce soir vous avez kiffé là? Après, est-ce que dans certaines villes ils ont fait un peu moins bien que d'habitude? Est-ce que c'est aussi bien que d'habitude? Dites-nous là par message. Guillaume au début du texto, et vont me balancer le 6, 11, 12. C'est comme ça que vous faites, hein, si vous voulez balancer un message à l'antenne avec plaisir. Guillaume et votre message au 6, 11, 12 pour être avec nous à l'antenne là. Fin des cours demain, je vous kiffe. Dédicace à 3ème A du collège Louis Pasteur à Noyon. Alan du 69. Salut mec. Salut à tous les mecs des entours de Lyon, etc. Là. Bon courage, hein, fin des cours demain. Bon courage pour le brevet, là, J-2 avant le brevet. Ah, c'est jeudi. Ceux qui sont au collège, là, ça va être jeudi et vendredi. Et Maxime qui est de Canet en Roussillon. C'est énorme, t'es à côté de Barcarès quoi. Ouais. Ah, c'est drôle. Attends, j'ai habité 7 ans à Barcarès aussi. Ah, il fait beau chez toi, Maxime, du coup. Ouais, bah ouais, j'ai habité 7 ans à Barcarès, bien sûr. Attends, Toreille, Sainte-Marie de la Mer et tout. C'est un peu la maison, quoi. Ouais, bah bien sûr. Oh, ça va. Et toi, tu fais quoi dans la vie à Canet, Maxime? Bah là, actuellement, je suis étudiant en GEA. En GEA? Gestion, entreprise et administration, en fait. Ouais. D'accord, ok. Ah, c'est bien. Faire des papiers, quoi. Et donc, c'est pour plus tard, t'aimerais gérer une entreprise à toi? Ouais, plus tard, je vais aller dans une école de commerce, je pense, et ouais, je vais m'ouvrir un propre compte, je pense. Ah ouais, d'accord, bah c'est cool, vas-y, hein, trop fort. Et t'habites où à Canet, exactement? Derrière la rue de la Soif. Ouais, d'accord. Tu vois aussi? Ouais, bien sûr, avec la Luna et tout, ouais. Ouais. Ouais, il y a le ice bar. Ah, le bar où il fait froid. Je te dis, j'ai habité 7 ans, gros. Je connais le McDo quand t'arrives à gauche au rond-point. Là-bas, avec le baguette. Attends, avec le paradisco, le para et tout, les boîtes. C'est le para à l'entrée. T'as, c'est énorme. Ouais, c'est la base, le para. Ah ouais, c'est la base. C'est marrant comme nom de boîte. Non, mais c'est le paradisco. Ouais. On dirait parachutiste. Ah, c'est vrai, ouais. Ça fait un peu au para. C'est ouais. C'est l'armée. Et le problème du paradisco, c'est que c'est vachement bien, mais c'est vachement trop petit, je trouve. Il y a la piscine, non, c'est pas ça. Il y a la piscine, pas du tout. Non, c'est ailleurs, la piscine. le Marina. Ah, le Marina, voilà. Ouais, le Marina, c'est à Barcarès même. Ouais. Attention, on dit pas des bêtises là. Et après, ça s'est appelé la tentation. Ouais. Ah, voilà. Je vais à la tentation. Ouais. Mais en fait, tout le monde dit toujours, je vais au Marina, en fait. Tu sais, quand ils changent des noms et tu gardes un peu l'ancien nom, quoi. Tu vois, c'est comme mes parents, ils ont jamais dit France 2, ils me disent toujours, t'es sur Antenne 2 là. Ah, ouais. Et FR3, France 3. Ouais, exactement, FR3, c'est mon daron, ça. Et les grands-parents, ils disent, t'es encore sur Europe numéro 1, là. Ah ouais. Au lieu de dire Europe 1, ils disent Europe numéro 1. Parce qu'à l'époque, il y avait Europe numéro 1 et Europe numéro 2. Avec Coluche. Et exactement. Europe numéro 1 et Coluche. Ouais, c'est énorme. Et en fait, avant, c'était Radio Monte Carlo aussi, ma grand-mère, elle disait. Mais maintenant, ça parle trop de sport sur Radio Monte Carlo. Ouais, il n'y a plus ça. C'est vrai, c'est vrai. Et bon, bah, c'est cool d'appeler en tout cas, Maxime. T'es déjà passé avec nous à l'antenne ou jamais? Jamais, c'est la première. Ah, bah, c'est le dépucelage. Tu me dépucelles là. Ouais. Eh bon, vas-y doucement. Hein. Eh ouais, t'inquiète. On va y aller en douceur. T'inquiète pas, on est là. Et d'ailleurs, la fréquence à Perpignan, c'est 105.9, hein, fréquence perpignanaise d'énergie là. Voilà, ceux qui suivent un petit peu le truc là. Comment tu connais l'émission, toi d'ailleurs, hein? Ah, ben moi, c'est du bouche à oreille, hein. Ça fait 2 ans que je vous écoute maintenant. Ouais, ah, c'est vrai, bah, c'est gentil, merci gros. Et c'est qui en a parlé à ton oreille alors? C'est vrai, c'est vrai, c'est des potes, c'est quoi? C'est pas une blague. C'est des collègues, ouais. Parce que JM du Standard, il prend tout en littéral. Alors, tu sais, tu dis, c'est du téléphone arabe, c'est qui l'arabe? C'est le mec qui prend tout l'expression et il essaie de. C'est un concept. Il comprend pas l'expression, quoi. Bon, ça va, Flo des Canaux, quoi, là? Salut Guillaume. Ça va bien dans le couloir, ça? T'as passé une bonne journée, gros? Ouais, tranquille, hyper bien. Bon, bien, on dirait qu'il y a Disney le mec. Ouais. Non, c'était bien aujourd'hui. Ah, c'est vrai, t'as dit pourquoi. Ouais, t'as bien mangé, ouais. Ouais, il y avait une bonne ambiance. Flo des Canaux, du pain et de l'eau, il est content. Ah, il en faut pain peu. De l'eau, une cellule, et c'est parti, on est dans 40. Bon, il y a des PS4, des télés, il y a des enceintes Bluetooth Bose, des nouvelles, les Sounding 3, les tablettes Arcos, énormes là, vous filez aussi. Il y a les double 8 qui vont tomber ce soir. On a des places pour Justin Bieber à vous offrir. Il y aura des places pour Beyoncé, il y aura des places pour Rihanna, pour Selena Gomez, il y aura des places pour Maître Gims, pour Muse, pour Farrell, Muse, pour l'UN. Voilà, on vous filera tout ça. Et bah, ça va tomber avant la fin de l'émission. Et puis, on fera les pervers, hein, comme chaque mardi. Ah, bah oui, c'est mardi soir. Je me ferai passer pour une femme tout à l'heure. Et donc, on va appeler en se faisant passer pour une femme sur Internet. On va appeler des hommes qui sont chauds sur des chats de cul. Je vais appeler. Alors, t'as eu des trucs un peu marrants, JM du Standard. Ouais, comme d'hab, ouais. C'est lui qui leur a parlé. On a eu Papa Célibataire. Ouais. On a eu Homme 66. Tiens, c'est peut-être ton père, Maxime. Voilà. Imagine. Ou ton grand-père. Rien de la famille ou le frère. Ou lui. On a eu Phil qui nous a parlé tout à l'heure. On a eu le Père Noël, on a une bien dure. On a eu Jeff, je te mets en cloque. On a eu Lotto à qui le trou. Qu'est-ce qu'on a eu? Giclette, la perfection masculine. On a eu Omar, ma prostituée. On a eu La Crotte Hôtel Arena. Voilà. Ah oui, on a plein de trucs. Et ben, on va essayer de les appeler tout à l'heure. Voilà, JM du Standard en train de le chauffer, le mec. Ouais. Tu continues, on va se faire Vita. Salut, moi je suis en vacances aussi, Guillaume. Eh bah, bonnes vacances. Y'a pas de problème hein, sur Twitter. Hashtag Guillaume Radio, toute émission là. On va suivre. On suit le message hein, en direct. Hein, hashtag Guillaume Radio, donc toute la soirée. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Dédicace aux militaires en patrouille, loin de leur famille. Salut Guillaume, j'aimerais bien parler d'une histoire chelou. Y'a pas de problème. Bah voilà, Guillaume et le texto hein, au 6-11-12. Moi y'a des kékés qui chantent comme des quilles. J'ai le seum, vous êtes là, je vous aime. Salut Pauline, 59. Bah bon courage. J'ai attendu toute la journée, ça fait du bien, vous êtes les meilleurs. Bah merci beaucoup, gros bisous à toi aussi. Alors qu'est-ce qui t'arrive, Maxime là? Tu as bossé cet été, tu vas faire quoi un peu là? Bah en fait, en gros, là actuellement, je travaille dans un bar. Et en fait, je fais. Près dans quel bar? Je peux pas dire parce que je fais du black en fait. Ah ouais, t'es comme ça toi. Ouais. D'accord, ok. Tu m'es payé, hein. Ah, y'a pas de problème, ouais, il paraît. Bah oui. Je vais pas encourager le black à la radio, mon Maxime, tu comprendras pourquoi. Hein. Tu vas réfléchir et tu vas comprendre que sinon dans 5 minutes j'ai un giro bleu. Okay, donc ils vont me déposer une lettre du CSA, il y aura marqué vous devez payer 40 000 euros. Ah ouais, j'imagine. Pour comment ça s'appelle le vrai mot. Ça s'appelle du travail dissimulé, non déclaré, ouais. Voilà. Oui, bah, oui. Pour incitation, enfin, travail non déclaré sur un média national. Ouais. Et là, mon poste, je me fais fister, mais alors. Ah ouais, on est en vacances. Le journal, il veut me faire un toucher arrêtel direct. Hein. Avec ses gants. Bon, et alors, vas-y, donc toi, tu travailles au black dans un bar, on dira pas le nom. Dans un bar un peu genre. Un bar où tu joues à Rapido. Un bar lounge. Ou plutôt un bar un peu stylé, comme dirait JM du Standard. Un bar lounge. plutôt un bar un peu lounge ou plutôt un bar. Est-ce que tu peux te mettre dans un endroit où il n'y a pas de vent, Maxime? Parce que ça souffle beaucoup à l'antenne. Ouais. Ouais, attends. Ouais. Dans une voiture, il y a un peu de tramontane dans le sud, hein, ouais. Tout le temps. À Perpignan, ça souffle tout le temps. Quoi. Pourquoi t'es où là, en fait, mon con là? Je suis calé sur mon balcon là. Ah oui, d'accord. Okay. Ah bah oui. Alors, ouais. Apparemment, chez moi, on m'entend mal, donc je suis sur le balcon. Ah ouais, en fait, c'est soit on t'entend mal, soit on entend le vent. Quoi. Ouais. Voilà. L'un ou l'autre. Bon, alors, on prend le vent alors du coup. Ce qu'il faudrait que tu fasses, en fait, c'est que tu prennes ta couette, tu la mettes sur ta tête et t'es sur ton balcon. Ouais, tu restes. Non, mais c'est pas du tout une blague, hein, mais attends, ça ferait un rempart contre le vent. Les voisins, ils vont kiffer. Tes voisins ne vont pas. Ah, ça va, il fait nuit quasiment. Bon, alors vas-y, vas-y. Donc explique un peu. Alors, entre la toux, le vent et le cap des mal, Maxime, la connexion est difficile, gros. On va y arriver. Voilà, et c'est un bar comment? C'est genre un bar un peu stylé ou c'est un bar un peu de merde? C'est un bar festif pour les jeunes, en fait. Ah bah c'est bien, ouais. Avec des bières et des ricards. Tu peux rencontrer des gadjis. Ah ouais. Rencontrer des filles. Ah ouais. C'est bien ça. Ça compte deux, hein. De quoi? Ça compte deux en été. C'est ça qu'on veut. J'ai pas compris. C'est ça qu'on veut en été. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qui t'arrive au Max alors? Bah en gros là, bah, je travaille dans le bar, mais ouais. Les horaires ça me plaît pas du tout puisque je travaille 7 jours sur 7 en fait. Ah ouais, bah c'est sûr, bah, les boulots d'été c'est souvent comme ça. Ah bah ouais, pas de dimanche t'as rien. Ouais. Ouais, mais voilà, justement le problème c'est que voilà, je pouvais faire aucune soirée. Et là en fait, avant-hier il y a Auchan qui m'a appelé. Ouais. Et en fait il me propose un travail. Et ça serait plus pendant la journée, donc j'aurai mes soirées de libre. Ouais, à Auchan. Et en fait, et le problème c'est qu'à Auchan je suis vachement moins bien payé qu'au bar. Pourquoi? C'est-à-dire genre ils te payent combien et combien au bar? En gros, à Auchan, je paye un SMIC. Ouais. Et au bar, je fais 1009 par mois. Combien? 1009? Ouais, c'est bon. Pour le bar, hein. Ouais, 1009. Ah ouais. Et pourquoi t'hésites? Je comprends pas trop pourquoi t'hésites. Bah parce qu'en fait, c'est soit je vais à Auchan et je profite de mon été, soit je vais au bar Carès pour vraiment faire que des sous. Ouais. Ouais, mais ouais. Le problème, c'est quoi? Alors vas-y, j'aime du standard. C'est que si tu vas travailler au champ, tous les sous que tu vas gagner, tu vas les mettre dans le. On aurait dit Vandamme, quoi, elle est. Ah, mais le problème, c'est vrai, ouais. T'as marqué, ouais. Grave, ouais. Non, mais le problème, tu sais, c'est quoi? C'est 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 11. L'argent que tu vas gagner. Après, il n'y en aura plus. Voilà, l'argent, l'eau, il n'y en aura plus. Ouais. J'adore l'eau. Non, mais c'est vrai, si t'as du temps de libre, en fait, tout l'argent que tu vas gagner, tu vas le mettre dans les soirées. Si t'es fêtard et tout, t'as l'air de vouloir faire la fête, c'est pour ça. Ouais. Non, en fait, le problème en vrai. Non, mais en fait, le problème en vrai, c'est de savoir ce que tu veux, c'est tout. Est-ce que tu veux pas plutôt travailler, gagner 1009, charbonner un peu et à la rentrée t'auras 4000 boules quasiment sur ton compte. Et tu pars en vacances en septembre. Et tu feras un petit peu ce que tu veux le jour où tu veux faire une pause ou avoir plus d'argent à la fin de l'été, mais avoir profité. En fait, il y a que toi en vrai qui peut savoir ce que tu veux. Toi. Ah ouais, tu te connais. Hein. Et c'est deux plaisirs un peu différents. Il y en a qui travaillent plus mais qui gagnent plus. Il y en a qui travaillent moins et qui gagnent moins. Il y en a qui sont contents pour les deux. Il faut juste savoir ce que t'as envie. Il y en a quand même les petites bites, il y en a quand même les grosses bites. Sans doute. Hein, c'est vrai, stagiaire, on sait ce qu'il aime. Il aime quoi? Voilà, il aime pas les bites. Il est plutôt de la première catégorie. Pas du tout. Non, je veux dire, après, ça dépend ce que tu veux faire. Tu vois, il y en a qui se satisfont de faire du sport, il y en a qui ont un peu envie de faire du sport, il y en a qui aiment pas être debout, il y en a qui aiment bien être debout, il y en a qui sont timides, qui aiment pas parler aux gens. Tu vois, peut-être que caissier, s'il y a pas de monde, pendant une demi-heure, tu vas un petit peu t'ennuyer. Je sais pas le Auchan, je vois pas lequel c'est, mais. C'est un Auchan, t'as dit? Un Auchan. Ouais, Auchan, ouais. On va proposer Auchan. Mais t'as dit Barcarès, il n'y a pas de Auchan à Barcarès. Ah, mais c'est celui de Perpignan. Ok, à côté de Décathlon, ouais. Comme tous les Auchan, en fait. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais c'est vrai, en fait. Tous les centres-villes sont pareils. Hein. Aurel s'est mobilisé dans une musique, mais. Les zones commerciales. Ouais, c'est complètement vrai. Et donc, mon Maxime, donc tu te retrouves à faire un job d'été, mais tu sais pas trop si tu dois changer ou en faire un autre. Est-ce que vous avez déjà fait un job d'été un peu intéressant? Est-ce que ça vous est arrivé, vous tous, chez vous, l'équipe aussi, on va demander. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un job d'été un peu, un boulot d'été un peu stylé? Mais un peu original, ou alors un bon plan, vous avez gagné un petit peu d'argent, JM du standard, on le connaît, hein, voilà. Il y a plusieurs fois qu'on en parle. Ouais. Les légumes. T'avais déjà fait les fruits et légumes, les pizzas, voilà. Flo des cadeaux, est-ce que t'as déjà fait un boulot d'été là? Ouais, j'en ai fait plein. T'as fait quoi? Bah, j'ai bossé sur les paquebots à Saint-Nazaire. Et ça, c'était plutôt stylé parce que c'était assez original. C'est en beau fait. Un paquebot de près, c'est gros. C'est et, gros. Puis, et puis là, on montait dedans et tout pendant qu'il était en construction, c'est assez haut quand t'es dessus. Ouais, c'est sûr. Bon, c'était assez physique, mais du coup, c'était. Mais tu faisais quoi sur le paquebot? J'ai pas compris. Bah, en gros, il était en construction, donc moi, j'étais manutentionnaire dessus, donc je m'occupais de bouger tous les matériaux et de sortir toutes les poubelles et tout, quoi. Ouais, d'accord. Ah, c'est physique. Manutentionnaire, ça veut tout et rien dire. Certains chantiers, tu fais pas du tout le même boulot que sur un autre chantier en tant que manutentionnaire. Manutentionnaire, c'est un peu filer un coup de main. Ouais, les gros bras, quand même. Gros, tu transportes, voilà. Mais ça dépend parfois un peu les tâches. C'est pas un métier précis, quoi. Il y a pas du savoir-faire précis, quoi. Et alors, t'avais aimé faire ça, ouais? Bah, du coup, ouais, c'était physique, mais ça fait de beaux souvenirs, quoi. Attends, t'avais fait ça combien de temps? J'ai fait ça un mois. Ah, ouais, d'accord. C'est pas mal, quand même. Ouais, c'est rigolo, ça fait des souvenirs. Bah, ouais. J'étais dessus. Et puis après, quand tu le vois partir, c'est marrant, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Amina du Standard, t'as déjà fait un boulot d'été un peu original, non? Bah, pas vraiment originaux. J'ai fait quoi? J'ai fait caissière, j'ai vendu des fringues chez Mime, j'étais caissière à ED aussi, et j'ai fait duty free à l'aéroport, ouais. Ah oui, c'est à duty free, ça c'est pas mal. C'est un bon plan, duty free ou pas? Alors honnêtement, moi c'était le pire job. Hein. J'ai mille fois préféré caissière à ED chez Mime. C'est vrai? Ah, tu pouvais pas avoir des trucs pas chers? Des parfums? Non, j'avais, je crois, 20% de réduction, c'est pas non plus fou. En vrai, t'as le droit d'en acheter juste un par mois. C'est pas non plus. Un par mois, tu bosses deux mois, t'as deux parfums. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu gagnais 20 euros. Ouais, mais tu peux parfumer gratos quand même. T'as pas le droit de t'asseoir et tout. C'est hyper dur. Ah, t'as pas le droit de t'asseoir? T'as un code vestimentaire. Moi, j'avais un petit foulard à mettre. Ils se sont foutus de ma gueule parce que moi, je l'avais mis à l'arrache. Tu vois, je m'en foutais. Je vais bosser, c'est pas grave. Elle l'avait mis sur la tête. Tupac. Amina Jaco. C'est comme Tupac, quoi, le rappeur. À l'époque, il avait un bandana sur la tête. C'est à ça que je pensais en plus. Non, j'ai pas mis sur la tête, j'avais mis autour du cou, mais dans comme ma tronche. Comme les ninjas, c'était fait un bandeau noir. Le patron, il disait sérieuse. Moi, j'ai pas compris pourquoi il y avait le bandeau. Non, mais j'arrêtais pas de me faire engueuler par la responsable. Elle s'est fait une culotte avec le bandeau. Mais c'est comme les sumo, elle s'est fait un truc comme les sumo. Un gros truc, ça qui pendouille. Sur son pantalon, tu sais. Pas du tout, c'est un elle marchait comme le sumo. Bah oui, évidemment. Elle s'est fait une muselière avec. N'importe quoi. Elle faisait dans la bouche. Ah, là. Et donc? Et en fait, du coup, je me faisais engueuler grave. À chaque fois, j'allais chez la responsable parce que quand j'arrivais, ils me disaient non, c'est pas réglementaire, là, le foulard, tu l'as mal attaché. Mais il faut le faire. En fait, dans les duty free, pour expliquer, c'est les magasins qu'il y a dans les aéroports qui permettent d'acheter des produits soi-disant détaxés, parce que t'as pas les taxes, les TVA, tout ça. Et en fait, à l'intérieur, c'est vrai que les vendeuses, elles ont les foulards de la même manière que les hôtesses de l'air. C'est réglé, quoi. C'est bien. Ce qu'on appelle un juste au cou, quoi. Non, Un peu ras du cou, mais t'as un nœud réglementaire. Coup, c'est un juste au corps, plutôt. Moi, juste au cou aussi. C'est un mélange. Non, c'est abusé. T'avais pas aimé, quoi. Non, être en talon, fallait tirer à quatre épingles et tout. Les vrais chiffres. Amina du Standard a beaucoup de mal à parler depuis deux jours. Ah ouais, ça va plus là. C'est la fin. Depuis qu'elle est arrivée, en fait. Hein. Ouais. Hier, c'est marrant parce que. Non, avant-hier, quand on était à Rouen, elle a dit. Non, j'ai voulu dire salut, puis je me suis rappelé que j'ai toujours tout à la bienvenue. Elle arrive plus à parler non plus là. C'est drôle. Demain, dernière épreuve du bac. Et pareil, bon courage à vous les gars. Là. Et alors, ceux qui ont la dernière épreuve du bac, on se fait juste Gian Peretta et Drake juste après. La One Dance. On se calera James B. Deoro. On vient vous voir à Bastia en Bretagne samedi soir là pour l'énorme concert. Encore. J'ai dit quoi en Bretagne. Bah, si tu veux, mais. Contagio. Bastia, c'est pas en Bretagne. C'est vers Rennes. Non, mais. On est à Rennes. Parce que je viens de lire un message en fait qui dit Big Up de Bretagne, etc. En fait, j'ai les SMS, c'est quand je me concentre. Voilà, il y avait Salomé de Rennes de Bretagne. Salut à toi. Salut. Et bah, gros bisous. S'il y en a qui sont à la fête de la musique, salut, c'est Kylian et Salomé. Ah non, Big Up à Kylian, salut Salomé. Bon, voilà, rendez-vous en tout cas à Bastia en Corse. samedi soir, Gian Peretta. Et on prend toutes vos réactions. Est-ce que vous avez déjà eu des boulots d'été un peu originaux avec un truc un peu marrant, avec de l'argent, sans argent, les mauvais plans, les bons plans? Guillaume et votre message avec votre numéro là. 6 11 12 et je vous appelle maintenant sur Énergie. OK. So emotional, come we make a truce. Cause I cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water.

on a les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé, on a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, font comme analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh non, non, non, non, non. Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Ceux qui passent sur mon dos. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Ceux qui passent sur mon dos. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle et ça rigole. On tient nos promesses de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Nous on va d'où on vient? Nous on va d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils passent sur nos dos. Nous on marche à la parole. Tous les soirs, de 22h à 1h, Guillaume Radio, ouais. Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne. Stop. Sur Énergie là. Non, j'ai voulu dire salut, puis je me suis rappelé que j'ai toujours tout la bienvenue. Ah, les bugs, on peut se les mettre toute la nuit. Bonsoir à vous sur Énergie, si on est d'arriver là. Il est 22h28, nous sommes en direct. Et... je suis sur Radio Classique. Passez une exceptionnelle soirée. Merci d'être avec nous. Je suis avec Brigitte qui coanime l'émission avec moi pour la soirée. Alors je vais lui demander de venir m'apporter le café. Nous nous relayons toute la nuit. Il est 22h29. Dans un instant, nous allons écouter l'album complet, le concerto qui a eu lieu à Berlin, à Berliner en 1974 pour la venue de Pierre Moscovici en compagnie d'Abraham Lincoln. Ils ont pu fumer le calumet de la paix ensemble lors de ce concerto qu'ils ont appelé Brigitte. Vous vous rappelez vous aussi? La chanson d'Helmut Kohl, ancien chancelier allemand qui grandit à Port-de-Brandebourg, voilà. Alors, je vais continuer l'émission, je vais aller vous chercher à mon tour la boisson. Oui. Brigitte, je vous laisse animer. Mais alors, pardonnez-moi et permettez-moi de vous dire merci pour vos calissons que vous m'aviez offerts tout à l'heure. Ils vous ont plu? Oh, même trop. Ah, mon mari sera ravi quand je lui dirai ça. Quel bonheur. Merci beaucoup. Par contre, je ne sais pas si c'était nécessaire de les emballer dans un emballage géant de flageolets. Ah, c'est familial. Ma grand-mère faisait ça jadis, c'est pour ça. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez ensemble, s'il vous plaît. Avec grand plaisir, fortuitement. Comment ce grand... j'ai envie de dire ce beau Van Gogh. Oui. Car sur Radio Classique, nous parlions aussi de peinture. L'artiste. Comment le grand Van Gogh en est venu à se couper l'oreille? Eh bien écoutez, il était chez lui lors de la fête de la musique il y a maintenant 28 ans. Et sa femme, lors d'un jeu sadomaso, lui a pratiqué la section de l'oreille droite, tout à fait. Et il n'a pas que coupé l'oreille droite, ça c'est la partie plus intime de Vincent Van Gogh. Oui. Que nous allons vous expliquer maintenant. J'aimerais que vous disiez... avec quel couteau il a coupé son testicule droit? Avec la réplique de 100% de MacGyver, un ancien acteur américain qui grandit du côté de Neuchâtel en Suisse. Et bonne journée à vous. Merveilleuse fête de la musique. Merveilleuse fête de la musique. Et sur le dancing. À quel moment MacGyver? Le couteau MacGyver. Bah là j'ai pensé MacGyver. En fait c'est parce que j'ai essayé, il connaît pas de marque de couteau aussi. La gueule. Voilà. La gueule, ouais. La gueule. La gueule. La gueule. La gueule. La gueule. Je me laisse aller, ces graines arrivent au hasard. Donc pourquoi aller? Je fais ce que je peux pour mes potos et ils font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment je peux sauter, je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là? Alors imagine-moi. Je suis prêt à rater au vent. vendredi, merci de me remonter le moral. Ah ouais, c'est pas grave. Non, ça arrive. Relou. Bon, non, c'est relou quand la fille tu es amoureux. Il faut relou. En parler. Il faut en parler. Ouais, et c'est pas grave. Tu tomberas sur une autre, mais bon, c'est une connasse. Voilà, il faut se dire ça. Bah, et oublie-la vite. Hein, voilà, il faut se dire que c'est pas grave. C'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Sinon, après, t'es un petit peu triste. Quoi. Efface les photos, tout. Non, mais même, c'est peut-être que t'es pas sorti avec tout court. Mais enfin, il faut penser à autre chose. On parle des boulots d'été. Est-ce que vous avez déjà fait un boulot d'été un peu originaux? J'ai un stagiaire, toi, non? Bah, Décathlon. Voilà, c'est le seul. Ouais, voilà. T'avais rien fait sport de raquette, sport co, c'était mon rayon. Voilà. Ouais, t'avais rien fait de bien exceptionnel. Non, désolé, que Décathlon. Est-ce que vous avez déjà fait un bon boulot d'été? On en parle. Jérôme qui est là de Saint-Etienne. Est-ce que tu m'entends, Jérôme? Oui, bonjour Guillaume. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va, mon Jérôme? Salut, Jérôme. Salut, salut. Ça va, vous? Eh bah, très bien, hein, Jérôme. Hein. Est-ce que t'as pu entendre l'émission dimanche soir? Dimanche soir. À Kinvé. Tu sais, quand on était en direct de Rouen. Ouais. J'ai pris. T'as déjà fait du bateau ou pas, toi, Jérôme? Du bateau, oui, quelques fois, oui. Est-ce que t'as déjà besoin de tirer une énorme fusée de détresse comme il y a sur les bateaux? Non, jamais, non. Alors, on a fait en direct les fusées de détresse. Juste, écoutez en 10 secondes si vous n'étiez pas là à Rouen. Là. Le plus gros pétard du monde. Écoutez, d'abord, on jette le. Ah non, là, c'est la fusée de détresse. Écoutez, quand on en tire deux, écoutez. Vous pouvez venir. Alors, regardez bien, surtout à l'extérieur, tous ceux qui habitaient à Rouen, même si vous n'avez pas pu venir, vous êtes en pleine révision. Regardez par téléphone. Ah oui, il crachine un petit peu, ouais. Ouais, c'est pas putain, grave. C'est dingue. Ça va être carnage. Attends, allez. Oh putain, allez, 1, 2. Vas-y. Parti. Ah, oh, putain. On entend le bruit, ouais. Oh, merde. Ça part là. Oh. On sentait que j'étais content. Ouais, ouais. Et là, on tire une deuxième. Les volets du studio. Attends, parce que nous, on a la fenêtre, là. Attends, vas-y, fais-le, ça part fort. Oh, le bruit, il est ouf. Ah ouais. La deuxième, on l'entend mieux. Ouais, en fait. Et après, on a tiré le plus gros pétard du monde devant la radio. On a fait ça devant le studio d'énergie Rouen. C'est le seul pétard avec un effet de souffle au monde. Voilà. Attends. Ah, décalez-vous. Arrête. Ça fait peur, hein. Tombe dessus sans savoir que c'est un pétard. Ah, c'est clair, c'est un peu limite. Ah, t'imagines. Après, on a demandé à Kinvé de faire du Bilibili. I done the done. What feel it then? I believe the vibe then. So I come darling, feel it. I ain't the love for why the jams and forget me, baby. Turning the road a liar, and as a god a liar. For the main business is that the word it up. If I your baba burn be the night silly gap. He like the white and for long time, so we be re-rap. If I be done for it, I done with the man a giant. So long for him, do them big. On sent que c'est son métier quand même. Ah ouais, c'est fluide. Hein, nous, quand on a essayé, ça marchait non, pas pareil. La merde. Bon, mon Jérôme, alors. Et toi, tu travailles dans quoi, Jérôme? Tu m'as dit. Chauffeur routier, très bien. Et t'as eu un boulot d'été un peu original, alors on parlait des boulots d'été pour tout le monde là. C'est ça, quand j'avais 16 ans, en fait, je suis parti pendant 2 mois et demi avec des forains. Ah, c'est énorme. Ils sont arrivés un week-end en fait chez moi et ils cherchaient quelqu'un pour la saison d'été. Ouais. Et je suis parti avec eux en fait, donc sur un tir à la carabine. Ouais. Et c'est voilà, rigolo, donc, ouais, ça change. J'aurais peur qu'il y ait un abruti, moi, qui me tire dessus pour rigoler avec la carabine à plomb. Ah non, personne ne fait ça. Ça a déjà dû arriver. Bah oui. C'est certain. Des plombs par le retour, mais. Ouais. T'as pas eu peur qu'il y ait un mec qui te tire dessus, non, pour rigoler? Non. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui pète un câble et qui s'amuse à tirer sur un foin avec la carabine? Le truc, c'est qu'il y a la guerre, il faut rien autour, quoi. Ouais, un babysitting. Ah oui, exactement. Un babysitting, à un moment donné, ils se font attraper par les forains. C'est ça, ouais. Et alors, attends, et ça valait le coup de le faire, alors, bosser pour les forains comme ça? Honnêtement, ouais, à 16 ans, quand vous passez pendant 2 mois et demi à faire la fête tous les week-ends, parce que tous les week-ends c'était une fête foraine différente, tous les manèges étaient gratuits pour moi. Bah, tu voyages, ouais. Ça payait pas grand-chose, et puis tu voyages un petit peu, donc ouais, c'était. Et toi, t'es de la famille de forains ou pas du tout? Pas du tout. En fait, ils cherchaient quelqu'un. D'habitude, ils prennent des mecs dans chaque ville, à chaque fois. Avant. Moi, quand ils passaient chez moi, ils prennent pour 2 jours. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Là, t'installes le manège, tu les aides. Il y a toujours des permanents, en fait. Et après, quand ils sont sur place, ils cherchent des gars pour donner un coup de main occasionnellement. Mais ils ont toujours après un gars ou deux en permanent qui lui suivent sur toute la saison. Ouais, ça, c'est cool, ça. C'est un métier, quoi. Et t'étais payé combien? Alors à l'époque c'était 500 francs par mois, donc c'était pas énorme. Ah ouais, ça c'est vraiment. Mais la bouffe non? Ouais, c'est une miette. Hein. J'étais logé, nourri, blanchi, voilà. Après ses la parents. Jambe, ouais. Voilà. T'es sorti, t'as pêché une foraine ou pas? Les foraines, faut pas trop t'amuser, mais après oui les minettes qui venaient soit. soit tirer à la carabine ou alors surtout dans les autotamponneuses quand on avait les petits crayons gratuits après. Oui, ça permettait de draguer aussi. Ouais. Ça, c'est rigolo, quoi. Ah ouais, et il faut mieux pas approcher des foraines. Pourquoi ? C'est un petit peu comme les gitans, quoi. C'est chasse gardée, quoi, on va dire. Bah, si chasse gardée, faut bien qu'ils ils vont pas sortir entre cousins. Si la meuf, elle veut être chaud. Ah oui, si la meuf, elle a envie. Ouais. Ah, c'était chaud, t'as pas osé y aller ? Ouais, je me suis pas amusé. Ah, c'est, ouais, c'est clair. Moi, j'irai, hein, si je. Il y en a un qui dit salut Guillaume, salut à toi, poteau. Moi, mon job d'été, c'était au manège de mon oncle à Arromanche. C'est vrai qu'on l'a vu, on y était. Ce week-end, il y a un petit manège sur la place à Arromanche. Un petit. Comment ça ? Un carrousel. Ouais, c'est ça. C'est comme Amina du standard, on sait pas si préfère les merguez ou les saucisses. Je suis en vacances depuis vendredi, ça fait un an que je vous écoute, vous êtes les meilleurs, continuez comme ça. Salut, gros, là. Salut. Alors, boulot d'été dans une fête foraine. Est-ce que vous avez fait un boulot d'été ? Tiens, Julia, qui est en stage chez nous, là, pendant un mois avant l'été, là, ça va ? Salut, salut, Guillaume. T'as mis un militaire aujourd'hui ? Ouais, un petit peu, ouais. Et s'est fait arrêter par la police. Ah ouais, oh là là. Ils ont été sympas, les mecs, ou pas ? Non ? Très sympa, franchement. Pourquoi ils t'ont arrêté ? Alors, c'est le motif le plus nul du monde. Vraiment, mes phares avant n'étaient pas, ne marchaient pas, j'avais pas mon gilet jaune. Non, non, non, ça c'est pas. Alors, ça va, j'avais juste pas allumé mes phares, bah, ça c'est normal. Ah, ouais, pourquoi ils t'ont arrêté au départ ? C'est ça le motif le plus nul du monde. Exactement, parce que ma vitesse était anormalement lente. Arrêter parce que tu vas trop vite. Et on l'arrête parce qu'elle avance pas sur le périph. Excès de lenteur, quoi. Voilà. Tu roules à combien sur le périph parisien la nuit, hein? Je rappelle, on roule un peu vite la nuit, on est tout seul. Il y a personne. Ouais. Absolument. Non, je roulais à 50 à l'heure. Ah ouais. Ouais, c'est 70. Bah, c'est opération escargot. Bah, en même temps, ils veulent le mettre à 50 le périph. Et ils t'arrêtent. Après, ils se sont peut-être dit que t'étais complètement bourré, que tu roulais défoncé. Ça peut être dangereux. Alors que pas du tout. Et pourquoi ça peut être dangereux, feu et cadeau là? Bah, quand tu roules pas vite au milieu des gens qui roulent vite, ça peut. Ouais, mais la nuit, quand t'es tout seul, bon. Mais justement, à 50 la nuit. Non, il y a pas de vitesse minimum du tout. Sur l'autoroute, ouais. Mais pas sur le périph. Non, non, pas sur le national non plus. C'est que sur l'autoroute. C'est 80, je crois, la vitesse. Et personne ne respecte. Ah, c'est pour pas que tu te le prennes dans la gueule. Et bah si, personne ne le respecte. T'as personne qui roule à 50 sur l'autoroute non plus. Bah voilà, c'est pour ça. Mon job d'été, c'était un manège aussi. Bah attends, on va t'appeler. Moi, j'ai fait un stage dans une entreprise de recherche pharmaceutique. J'ai travaillé 3 semaines pour 1 800 euros. Ah ouais. J'ai cassé le game, mort de rien. Salut, Manon. Ah, c'est le bon plan. C'est vachement bien, 1 800 euros pour 3 semaines. Ouais. Alors, toi, Julia, t'es étudiante et tout. Ouais. Est-ce que t'as fait un boulot d'été un peu marrant, un peu original ? Ouais, bien sûr, parmi mes boulots d'été, j'ai fait un boulot d'été. Je devais avoir 15 ans. J'ai vendu des perruques et des postiches pendant un mois. Ah, c'est avec mon cousin. Ouais, ouais, non, très drôle. Et du coup, on l'a embauché pour Julien Stéphane. La blague facile. Je l'attendais pas. Qu'est-ce que c'est qu'un postiche? Alors, les étudiants, ceux qui connaissent pas. Tu sais que j'ai un stagiaire ou pas? Bah oui, je le connais, t'inquiète pas. Un postiche, c'est une petite moumoute. Exactement, oui, oui, oui. Voilà. Souvent pour hommes. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est un peu démodé, non? Si vous avez un peu de cheveux en moins et tout, ça permet ouais, de. Ouais, mais maintenant. Non, il y en a qui passent. Malheureusement, maintenant, t'as les implants. Il y a des postiches de luxe. Un implant capillaire, c'est beaucoup plus stylé qu'un postiche. Il y a des postiches avec des vrais poils. Ah, mais excuse-moi, il y a un coup de vent, elle tombe la postiche. Hey, mais tu mets pas un morceau de gazon découpé. Non, mais bon, il y a des postiches. Non, c'est bien fait ou pas? Ah, il y a des postiches de qualité, cheveux naturels. Et ouais, tout, mais tu vois, ça coûte cher, non, la postiche? Bien sûr, bien sûr. Il y a des perruques à 2 000 euros. Il y a pas des postiches mulets pour Jésus. Moi, j'assume. Si qu'on lui fasse un mulet. Je suis bien, moi, dans ma tête. Le violon neuf. Non, ça serait pas mal, ça, qu'on t'achète un postiche une fois pour essayer. Fallait qu'on fasse venir un mec qui vend des perruques pour voir. Ah ouais. Les coupes de cheveux lui auraient de mieux. Et t'as vendu des perruques? J'ai vendu des perruques. Effectivement, à tous les gammes de prix, mais même dans les pubs, hein, les filles, c'est des perruques qu'elles portent. Ouais. Quand c'est vrai, des shampoings, des trucs comme ça, ouais. Ah ouais, c'est des faux cheveux. Et ça coûte jusqu'à combien une belle perruque? Une belle perruque, genre qu'on voit dans les pubs et tout, c'est 2000 euros quoi. Ouais, bon, ça me choque pas parce que c'est des vraies filles qui sont coupées les cheveux. Ouais. Quoi. Oh, 2000 euros. Et c'est long pour avoir des poils, comme ça. C'est des rajouts, hein, bien. Et t'étais bien payé et tout, c'était marrant à faire. J'étais pas super bien payé, j'étais avec mon cousin, bon voilà. Ah, c'était pour faire plaisir. Exactement, mais bon, c'était un job d'été original quoi. Et ça vend de la perruque dans la famille alors. Exactement, voilà, vendeur de capillaire. Vendeur de perruques, c'est bien de vendre des perruques parce qu'il y en a pour les concerts, etc. Exactement, et ça permet aux nanas et aux hommes d'avoir un peu de cheveux voilà, quand tu fais ça. Donc c'est surtout pour ça, non? Ouais, bien sûr. En fait, vendeur de perruques, c'est plus pour ça. Ouais. En fait, maintenant, comme tu dis, je vais s'agir, les hommes se font des implants. Ouais. Ceux qui se dégarnissent. C'est propre après, tu vois. Et ça coûte moins cher qu'avant, c'est pour ça. En France, c'est cher. Mais j'ai un pote qui en a fait des implants. Avant, ça existait quasiment pas. Ouais. Ah, je vais s'agir. Ouais, j'ai un pote qui est parti en Colombie. On l'appelle le gang des chauves à Boulogne. Tu rigoles, mais mes potes à moi, ils sont tous comme ça. Bah, c'est très choisi, voilà, on se mélange pas. Non mais rigole, je te jure, c'est vrai. On fait ses amis en fonction des gènes. Et partout, hein, c'est au-dessus et un peu l'information. Donc en fait, tu te mets ami avec les gens qui te ressemblent le plus en fait dans les gènes. Du coup, on parle de cheveux, tu vois. Et il est parti en Colombie pour le travail. Et là-bas, il a fait 1000 euros. les implantations. 1000 euros pour tout. Ouais. C'est pas très cher. Hein. Non, 4000 euros en France. 1000 euros, bah si 1000 euros ça te change la tête et que t'es moins complexé, ça vaut le coup de le faire. Après, je pense qu'il a, il a abusé. C'est comme les opérations du nez. Hein. Si t'es très complexé par un nez, parfois ils t'enlèvent juste une petite bosse, ils te la liment. Tu vois, enfin, j'aime ça. Tu t'es jamais posé la question que t'allais te faire refaire le naso. Franchement, jamais. Jamais, ouais. Vraiment. Même ce soir là, quand on en parle. Non, non, vraiment, mais ça n'est jamais passé par la tête. T'as pas un gros nez. Je suis pas complexé en fait. Faut pas, faut pas. Je m'en fous en fait. Il est pas gros, il est un peu grand, mais. Les gens ils sont pas contents. Il n'y a pas un grand nez. Il est pas petit. Il a un nez. Quand on est au champion du monde, il y a un mec, il a gagné le championnat du monde là. Il a le nez le plus long du monde. J'ai des potes qui ont des gros nez. JM du standard, il a pas un gros nez. Je peux te ramener mes cousins aussi. Vraiment, ils ont des tarés. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Et une charentaise. Il y en a qui sont bien plus gros que d'autres. Non, franchement, on va dire qu'on a des grands nez, mais pas des très grands. Limite. Et voilà, ouais. Il est gros quand même. T'aurais eu 3 cm de plus. Ah ouais, là. T'aurais eu 12 cm. En fait, t'aurais eu 3 cm de plus, t'aurais fait une bite. Ah ouais, en fait. Deuxième bite limite. Je viens de te dire, t'avais jamais pensé à te faire limer le nez, non? Ah non, moi ça va. Raccourcir le nez ou quoi, non? Mon nez, ça va, il est normal. Et les implants, t'y penses ou pas? Bah, j'ai regardé, ouais, je t'ai dit sur le site. 4000 euros c'était. 4000 et pas remboursable, donc. Ah bah non. Ouais, ouais, donc 4000 euros, faut les sortir. Ils les prennent d'où les poils sur tes fesses, vraiment? Ah, je sais pas. C'est des vrais poils de cul. Non, c'est une matière spéciale. Maintenant, tu peux refaire des vrais cheveux naturels. Ah, il paraît, ouais. En fait, ils te mettent tes bulbes de cheveux et c'est limite pas ta rose, mais bon, tu mets un peu des produits, tout ça. Et après, c'est ça limite pousse. Quoi bah, c'est presque. Ouais, limite ta rose. Comme des plantes. Ta rose, et après, ça pousse, ouais. D'accord. Et c'est bien foutu quand même. Comme des graines, quoi. Ouais, ouais, ils prennent tes cheveux et après, ils font pareil. Et ça marche bien, ouais. Ouais. 4000 boules, GSTJ. 4000 boules, c'est ça le problème. Et franchement, moi, c'est un jour de. Enfin, tu vois, il n'y a pas de raison, mais bon. Ouais, moi, il y a une raison, tu vois, maintenant. Moi, je suis prêt à payer cher. Pour avoir des cheveux quoi. Ah mais moi j'ai bien ça te ferait chier si un jour tu devenais comme GSTJ. Ouais, de sa fière croche comme lui. Bah c'est pas grave. Franchement ouais un peu ouais. Ouais c'est vrai. Franchement ouais, ça me casserait un peu les Tu fais l'opération ou pas? Tu fais l'opération? Ouais parce qu'en plus ma sœur tu vois elle travaille dans une clinique et ils le font cette opération. GSTJ tu mets un tampon et j'ai grave mais je veux bien savoir le prix, c'est moins cher. Demain brevet, je m'emballais que vous êtes les meilleurs. Ah non, c'est demain déjà. Non, jeudi le brevet, non. Jeudi et vendredi. Énorme merci pour samedi à Caen, même si tu n'es. J'ai toujours pas eu de réponse à mon message sur Instagram, c'est que je l'ai pas vu ma chérie. Excuse-moi, j'ai beaucoup de messages en privé et que je vois pas filtrer là, machin, je vais aller voir. Dédicace à tous les traiteurs qui tapent les mariages, grosse galère pour se réorienter. Salut à toute l'équipe, Clément de Saumur. T'as fait quoi d'autre Julia qui est en stage avec nous là? Et t'as fait le boulot pour vendre des perruques et des postiches, qu'est-ce que t'as fait d'autre? J'ai vendu, mais ça c'était pendant une semaine, j'étais à Londres. J'ai vendu de la drogue. Pas du tout, je vendais des coffees aux Anglais pour apprendre un peu l'anglais quoi. Attends, des quoi? Des coffees? Des coffees, des cafés. Ice coffee et tout, ouais. Des cafés quoi, des anglais quoi. Excuse-moi l'anglaise, Starbucks. Un Starbucks quoi, oui, c'est ça? Voilà, elle se la raconte Starbucks, trop, là, mais un plus petit truc, mais à Londres quoi. D'accord. Voilà, ouais, pour améliorer mon anglais. T'as fait ça pendant une semaine? Ouais, une semaine. J'ai mis en et des ice tea. C'est pas long quand même bosser une semaine pour un boulot d'été. Ouais, je sais, mais bon, comme mon anglais c'est pas un boulot terrible, d'été, c'est un boulot de semaine quoi. Ouais, voilà, c'est vrai, c'est pas. Ouais, je sais. C'est pas très long quoi. Et ça t'a plu ça, ouais? Ouais, non, c'était cool, j'ai appris des trucs, j'ai appris l'anglais quoi, tout simplement. C'est le seul boulot que t'es fait d'été, ouais? Les ouais, deux seuls. Ouais, c'est les deux seuls. Ah, ouais. T'as bossé un mois et une semaine, non? Elle me bat. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Ah, c'est ça, ça fait une semaine par an. Voilà. C'est mignon, ça fait 6 semaines. Tranquille, le rythme. Et j'ai stagiaire, t'en as travaillé combien d'années toi? Décathlon, 3 étés, 18 ans à 21. Ouais. À 3 étés, ouais. T'étais payé, ouais. Ouais, mais pas beaucoup. Hein. 800 et quelques, c'était. Ah bah, c'est pas mal. Moins Oui, mais c'était pas le SMIC, c'était en dessous. Ouais, mais tu travaillais moins que la journée complète. Ouais, ouais. Tranquille, un petit. Moi, j'ai travaillé, je connais Jules Stagiaire. Faut pas mentir. Moi, j'ai travaillé un été avec des forains à tenir aussi au ballon. Ah bah, on va t'appeler, gros. Il y a Youssef qui vient d'appeler, 22 ans d'Épinay sur scène. Bonsoir, Youssef. Salut. Ça va, gros? Salut. Enchanté, mon Youssef. Salut. Ça va, Youss? Tranquille, hein. On se connaît, Youss? Non, mais c'est pas une vanne en plus. Je me suis rendu compte quand je le disais. T'es déjà passé avec nous, non? Comment? T'es déjà passé avec nous? Non, pas du tout. Jamais passé avec nous, d'accord. Non. C'est le dépucelage radiophonique alors. Ah, t'es jamais ouais, passé. Pas trop stressé, gros, pour ta première? Non, t'inquiète, jamais. Ah bah écoute. C'est ça que je fais, jamais. Bon, c'est toi qui as inventé le mec qui dit à l'année prochaine le 31 décembre alors qu'il te voit dans deux minutes. Ah ouais, mais c'est marrant. Allez, à l'année prochaine, Guillaume. Amina du Standard, elle le fait tous les ans. Vrai. Au réveillon, quoi. Jamais. Ah là là. Elle me dit l'année prochaine je serai une cougar, tu crois? Mais ça va pas, bah, bah non, pas encore, enfin, quel dommage. J'ai des petits jeunes. Mais ça va pas, j'ai 24 ans. J'ai travaillé durant un été dans une carrière de pierre à 150 mètres de fond dans le sol. Je cassais des gros blocs de pierre apportés par les camions, j'étais le premier maillon de la chaîne sans aucune qualification. Et j'ai gagné 3400 euros en deux mois. 1700. Ah ouais, c'est bien, bravo. 1700 par an. Attends, et 1700 par mois pour bosser à 150 mètres sous le sol à casser des blocs de pierre, c'est pas donné. Oui, non, c'est sûr. Il y a la risque. C'est difficile, non? Pardon, j'étais il y a le risque, pas la risque. Comme dirait j'étais, il y a la risque. Il y a un risque. Non, mais, risque. Franchement, il y a un risque. Même au-delà du risque, c'est dur physiquement. Ah bah, quoi. Ah, oui. Tu dois te retrouver sous le sol. On se fera le nouveau DJ Snake. On se fera Amir. Et on se fait Drake maintenant là. Et tu nous racontes juste après Youssef, mon pote, tu vas nous raconter ton job d'été qui était énorme, d'accord? Okay, il est énorme, il va nous raconter ce qu'il a fait, truc de fou. Guillaume et votre message avec votre numéro de téléphone dedans au 6 11 12. On se raconte les boulots d'été qu'on a fait sur Énergie là. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Take it slow. D'amour que vous lui envoyez. Un gros con, un enculé, voilà. Enfin, quand je dis lettre d'amour, je me comprends. Guillaume Radio 2.0, 22h, 1h, en direct sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne, là. Ne me laissez pas seul, parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. Durant un été dans une carrière de pierre, on va t'appeler, ouais. Message de Florian, moi j'ai travaillé 2 saisons d'affilée dans un hôtel-restaurant au fin fond du Vercors dans la Drôme. Ah. Endroit sans réseau ni internet, détox complète, mais des patrons au top et un salaire et des pourboires bien mérités. Salut Flori. Ah, ça change, c'est bien. Hein. Ouais. Joli comme prénom, Florian, Flori. Ouais. Ouais. Florine. Florine. Mignon, Florine. Florine, ouais. Ou Flori. Flori, c'est joli aussi. Grave, ouais. Salut à vous. Vous avez fait une émission à ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles quand je dis Fleury, c'est joli? Ouais, c'est joli, c'est parce que j'aime bien ce prénom aussi. Ah, ouais. Parce qu'il y a une fille qui s'appelle Fleury. Voilà, exactement. Ah, ne me laissez pas seul, parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. J'ai fait un stage dans une entreprise de recherche pharmaceutique aussi, on va t'appeler là. J'ai travaillé deux mois dans un abattoir. Alors on parlait des boulots d'été. Ça va, Guigui de la régie là? Ouais, ça va, ça va. Dans le couloir, il nous fait écouter toujours ce qu'il trouve sur internet un peu marrant et tout. C'est ça. T'as trouvé des bons trucs alors? Ouais, y a pas mal. Ah, y a pas mal de bon, trucs. Très bien. Et en plus, il nous a mis un t-shirt très sobre. Ouais, avec un dragon aussi gros que lui dessus. T'as trouvé des trucs un peu marrants, ouais? Ouais, carrément. Est-ce que tu trouves toujours des trucs un peu marrants sur internet? C'est toi qui m'a trouvé. Qui m'a trouvé genre le nouveau Alonso, qui m'a trouvé le nouveau Snake aussi, qui m'a trouvé le nouveau Gims, qui m'a trouvé le nouveau Jul. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Et là t'as trouvé des trucs un peu marrants alors. Ouais, carrément, carrément. Qu'est-ce que t'as trouvé aujourd'hui alors? Bah pour commencer, juste après la pub. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Landu, notre stagiaire, va nous parler de ses vacances, si j'ai bien compris. Et je commence par un petit trophée personnel que j'ai eu en été, puisque j'ai déjà pécho Miss Camping. Ouais. Wow. Et je vous ai pas tout dit, parce qu'en fait c'était avant son titre, et quand elle a été élue, elle m'a largué. Ah. Ouais. Ah, c'est problématique. Nico? Et attends, parce qu'elle avait quel âge? Parce que parfois, il y a des Miss Camping, ils font des trucs pour les femmes un peu plus mûres, quoi. Ben, elle avait 61 ans. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle t'a pas largué, elle est décédée. Rendez-vous demain, 6h, 9h30, sur Énergie. Leclerc. Papa, c'est toi qui as fait le plein de glace Ben & Jerry's? Je veux, oui. Chez Leclerc, c'est la fête des surgelés, avec des promos sur tout le rayon. 40% de réduction immédiate sur les Ben & Jerry's. Mais c'est génial, c'est mes préférés. Et je déclare ouverte la saison des glaces à la maison. C'est parce qu'on pense à tous les gourmands que du 15 au 25 juin chez Leclerc, le pot de crème glacée Ben & Jerry's, 425 grammes, avec 40% de réduction immédiate, est à 2,24€, soit 5,27€ le kilo après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. Oh, celle-là, elle est trop bonne. Écoute-moi ça. Mmh. Pour votre santé, bougez plus. Partez à New York pour la sortie du film Ninja Turtle 2 avec Énergie. Ouais, carrément trop mortel. Connectez-vous sur la page Facebook de Manu dans le 6-9 et gagnez un trip pour deux à New York. Ninja Turtle 2, un max d'humour et d'action au cinéma en 3D. Ça va être génial. Le 29 juin avec Énergie. It's music only. Et j'ai cogité toute la nuit. Black M est de retour. Et j'ai cogité toute la nuit. Découvrez La Nuit Porte Conseil, le premier extrait de son prochain album. Maintenant disponible. Du lundi au jeudi, c'est Guillaume Radio 2.0. De 22h à 1h sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne sur Énergie, Lucas Graham. Courage à vous en mode révision là, je sais que c'est un peu la période un peu casse-couille cette année là. Peut-être que vous avez des boulots d'été pour cet été, peut-être que vous bossez aussi tout court hein, toute la soirée, là 22h53, vous êtes peut-être au boulot. Bon courage à vous, tous les mecs qui sont dans les camions, tous ceux qui roulent, tous les pompiers, toutes les infirmières. Bon courage à tous les boulangers aussi qui bossent de nuit, tous les mecs de sécu, dédicace à tout le monde. Merci d'être avec nous en tout cas de 22h à 1h du matin. Première radio de France hein, sur Énergie, on sera Amir. C'est Bailar. Despacito, mami, yo sé que te va gustar. On se l'écoutera en entier après. Alors Guigui de la régie là, qui était avec nous ce soir. Nous sommes en direct, je m'appelle Guillaume. Guillaume Radio 2.0, Julien le stagiaire est avec nous. Ouais, je suis là. JM du standard. Ouais, salut tout le monde. Amina qui est au standard. Oui, coucou. Flo des cadeaux. Salut. Qui est là aussi. Et alors Guigui de la régie qui passe dans le couloir régulièrement, qui nous découpe tous les sons, c'est lui qui me fait les nouveaux jingles, etc. C'est ça. T'as trouvé des trucs un peu marrants sur internet alors? Ouais, ouais, carrément. Avec quoi? Bah pour commencer, c'est un prêtre en fait sur France 2. En fait, lui il fait sa petite cérémonie tranquille, son petit serment. Et pour changer un peu, il veut parler de l'euro. Du coup, il parle de Didier Deschamps. Et après, bah, justement, en fait, pour finir un peu son discours sur Didier Deschamps, ouais, il va prendre un raccourci mais complètement improbable. Du coup, ça fait une comparaison très bizarre quoi. Est-ce que vous connaissez Didier Deschamps? Je vois que la plupart acquiescent. Vous savez tous que c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Alors attends, j'ai pas compris. Ça c'était où ça? Ça c'était sur France 2 dans le Jour du Seigneur. Ah, le Jour du Seigneur. Ouais, dans le Jour du Seigneur. Dimanche matin. Mais pourquoi il parlait Didier Deschamps? C'est justement en fait, c'était pour changer. Ah d'accord, d'accord. Après, est-ce que vous connaissez Didier Deschamps? Ça c'est dans une messe. Je vois que la plupart acquiescent. Vous savez tous que c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Vous le connaissez, mais est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Est-ce que vous avez parlé avec lui? Est-ce que vous avez pris un repas avec lui? Autrement dit, est-ce que c'est votre ami? Eh bien, il en est de même avec Jésus. compare Jésus à Deschamps. Ouais. Il compare. C'est ouf. Il y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Vas-y. Alors après, c'est une autre ambiance. C'est en Chine. En fait, il y a un patron chinois qui a aussi un petit rituel. Lui, tous les mois, il réunit tous ses employés dans une même salle avec une petite estrade et il va punir les employés qui ont été le moins performants. Oh, et du coup, pour ça, en fait, il les met sur l'estrade. Il les met face à tous les employés. Du coup, et en fait, il va sortir une grosse règle de 1 mètre en bois. C'est comme les professeurs. Les Chinois, c'est mes héros. Les Japonais, les Chinois, c'est mes héros. Et le truc, c'est qu'avec cette règle, il va leur mettre des fessées. Mais des vrais ? Bah oui, des vrais fessées. Mais non. Ouais, il a le droit de taper ses employés. Mais non, non. Tranquille. Ça fait un peu dictature. Là, un peu. Franchement, c'est chaud. Parce qu'il repasse en plus. Il va plusieurs fois, il va fort. Non, mais ils sont d'accord, les mecs ? Bah, ils bougent pas. C'est leur patron en même temps. Donc, En Chine, t'as la peine de mort. Y a pas Facebook là-bas. Dans certaines villes, t'as des patrons, ils sont très puissants. Et c'est vite fait de. En Chine, c'est le pays qui exécute le plus au monde avec l'Arabie Saoudite, je crois. Ah, mais c'est une autre mentalité aussi. Le travail là-bas, c'est autre chose. Non, mais c'est surtout que c'est un peu. C'est très strict. Ah, oui. Et tu peux avoir des. Je pense que tu peux avoir. Et je pense qu'ils ont peur de leur patron. Il y a des gros taux de suicide. Bah, de toute façon, à partir du moment où t'as le droit de te prendre une fessée cul nue devant 500 personnes, c'est bizarre. Salut Guillaume. J'ai un stagiaire comme travail. D'été, il a fait vente Godemiché à Soulette. Énergie féminine à domicile. N'importe trop quoi. Bien votre émission depuis Saint-Tropez. Heureusement, vous êtes là. La fête de la musique est pas top ici. Ah merde. Salut, on se raconte un peu les. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes en pleine fête de la musique, si c'est bien ou pas. Guillaume et votre message aussi sont douces. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Guillaume? Pour finir, c'est vraiment la vidéo qui a le plus tourné ces derniers jours. En gros, c'est une parodie qui a été faite par Vinza, c'est un mec sur YouTube. Et en fait, il a fait une parodie. C'est comme Ginza, mais en vrai. En fait, il a fait une parodie de Kaamelott. Donc, en fait, il a repris une scène avec le roi Arthur. Du coup, pour expliquer Kaamelott, c'est le roi Arthur qui est avec ses chevaliers pas futurs. Ouais, c'est une série télé en fait sur M6. Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que là, justement, pour la parodie, il a pris une scène avec le roi Arthur, du coup, qui explique ce que c'est une catapulte. Et pour changer, et en fait, il a remplacé les chevaliers pas futurs avec François Hollande. Nous allons parler de la catapulte. Tu connais bien cette réalité parce que j'ai été, dans une vie qui n'est pas si lointaine, président de conseil général. Attendez, je vais faire avec vous. Faire quoi ça? Mais c'est pas moi qui l'ai fait ça. Ce sont des personnes, c'est ça? C'est... J'en sais rien, qui sait? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors, je vais aller plus loin. J'ai proposé. Est-ce que vous allez finir, oui ou non, par la fermer? Merci beaucoup. Donc, voici une catapulte. Comme vous pouvez le constater, et à la différence de certaines autres armes de jet, celle-ci est munie de roulettes. Ce qui la classe dans la catégorie... Les armes... D'accord, j'ai compris. De taille intermédiaire. La classe dans la catégorie des armes mobiles. Ouais, c'est mignon. On a du mal un peu à se rendre compte à la radio, mais c'est mignon. Mais en fait, la vidéo, elle est tellement bien faite. C'est-à-dire, il est vraiment dans le décor, en fait, François Hollande. Ah, ils ont intégré le truc. Mais complètement, complètement. Alors, la prochaine fois, il nous fera écouter un mime. Le truc il est énorme mais on comprend rien, mais c'est énorme. Merci beaucoup mon Guy. De rien. D'ailleurs il avait été l'heure d'appeler les pervers dans deux minutes. On va se faire aussi l'énigme, on a des cadeaux. Flo, des cadeaux, qu'est-ce qu'on a à offrir ce soir? Rappelle-nous les cadeaux là. Alors il y a des PS4, des télés, des enceintes Bluetooth Bose Soundlink 3 et des tablettes Arcos. Putain mais tu t'es entraîné tout. Bravo. On offre quoi comme enceinte? J'ai pas compris là. Des enceintes Bose Soundlink 3. En fait, c'était une chance. Non. Moi, je peux donner des cheveux à un stagiaire s'il veut des bouclettes. Non, mais j'ai pas envie de bouclettes. Océane, à tout de Rennes. Merci. Bisous, Océane. C'est gentil. Salut. Guillaume, le plus grand nez, c'est l'autre. Tromblon, le nez sur la pelouse, le cul sur son canapé. J'ai pas compris. Oula. Salut. Hein. Si JM du standard se tape un raid de con, qui va aspirer le dealer avec. Elle est très drôle, je la note. Faut que tu la notes. Je travaille en tant qu'éboueur en job d'été. Ah, c'est bien ça, comme ça, il paraît, ça change bien payé pour l'été. Là. Ouais. J'ai déjà, t'as une épipe, pas de pierre dans le fond, j'ai pas compris. Romain, je travaille 3 mois à trier les DVD, magazines de cul de nuit. Salut l'équipe, j'adore votre émission, je t'embrasse, mon pote. Merci pour ton message, il nous fait plaisir. On se fait l'énigme, il y avait Romain qui triait les DVD de cul. Tu m'entends, mon Romain là? Ah, c'est bien ça. Ouais, salut à tous. Ça va ou quoi, tranquille? 22 ans à Rennes, hein, c'est ça, Romain? À Nîmes. À Nîmes. Pourquoi je dis Rennes, moi? Pas loin, c'est pour ça. Ah, mais parce qu'en fait, vous êtes nombreux. Moi, je suis fatigué, gros. Je suis fatigué. J'ai trop voyagé. voyagé, je te jure. On a fait trop de villes, trop de. Tu vois ce que je veux dire, putain. Et je comprends pourquoi Johnny Hallyday, quand il est dans certaines villes, il fait ça à Poitiers alors qu'il est à Nantes. Parce qu'en fait, tu sais, tu dors, tu te lèves et les mecs, ils enchaînent et tout. Et il y avait Youssouf aussi, hein. T'es parti, Youssef? Non, je suis toujours là. Ah, d'Épinay, là, sur scène en 93. T'as 22 ans, toi, Youssef? Ouais, exact. Et bah comme Romain, vous avez le même âge. Avant qu'on se fasse l'énigme en direct de Bastia ce soir, Pascal Bastia qui nous a appelé. Mais d'abord, Youssef, t'as fait un job d'été un peu original. Ah ouais, je travaillais en fait au parc Astérix quand j'ai commencé à 18 ans. Ouais. Du coup, je faisais que les week-ends, j'étais à la fac et ensuite bah, j'ai pris goût et je suis resté et je suis passé assistant manager. Ah, c'est vrai, c'est bien, ouais. Bravo. Ah ouais, franchement, c'est un truc de ouf. Mais t'es resté pas que deux mois pour devenir assistant manager. T'as dit quoi? T'es pas resté que deux mois du coup? Non, bah au début, ouais, je comptais rester que 2-3 mois pour l'été, mais après, j'ai continué. Et pourquoi? Parce que t'avais fini tes études ou en fait c'est parce que ça t'a tellement fait kiffer que t'as arrêté? Ouais, voilà, ouais, j'ai arrêté mes études et je me suis concentré que sur ça. C'est vrai, et là tu travailles encore? Ouais, je travaille encore, ouais. Ah, énorme! Donc, si vous voulez passer, il n'y a pas de soucis. Trop sympa. Ah ouais, bah on avait été invité par le directeur. Ah, c'est trop bien. Comment il s'appelle le directeur déjà? Kramer. Nicolas Kramer. Ah, je sais plus. C'est notre, je crois. Sébastien Rotaglio. J'ai le prénom. Ah, Sébastien Rotaglio. Ah non. Il vient de le dire. Nous, on avait un autre contact en fait. Ah oui, on avait un autre contact. C'était une nana, non? Ouais, c'est ça. Une meuf. Et nous avait donné une petite écharpe avec une petite clé USB. Ouais, c'est gentil. Et surtout, on avait un truc extraordinaire, vraiment. On avait été accueillis, mais vraiment, vraiment très sympathiquement. Non, il faut le dire. Il avait été gentil, Astérix. Ah non, mais franchement, non, mais attends, on avait été accueillis, il nous avait donné un pass. Ouais, un truc de ouf. Et on passait par les sorties des trucs. Et les bracelets bleus. Bah, moi, je suis responsable de l'attraction. Du coup, on a dû se croiser. Ah, t'étais quoi? T'étais responsable? Ouais, moi je suis assistant manager, c'est en gros t'es responsable des attractions et des deux. Mais nous c'était il y a déjà 2 ans, je crois. Ouais, nous c'était il y a 3 ans. 4 ans même, 2012. Ah, j'étais là. C'est vrai? Ah, énorme. Ah, ouais. On s'est vu alors. Et on avait fait Osiris plein de fois. Ah, ouais, ça ouais. Et JM du standard, au bout il de 2 fois. Il a pleuré, non, au bout de 4. J'ai arrêté à la carrière. Il y en a qui étaient, il était tout bleu, il fait Guillaume, je crois que j'arrête. Ah, il a lâché le groupe, mais c'est pas grave. Je crois que là, il me dit comme ça, il m'a fait Guillaume, je crois que là. C'était la fois de trop. Ah ouais. Non, mais le maillon fois, faible. Tu peux faire Osiris une fois. Manu, on a vraiment fait 15 fois. Je vais stagiaire aussi, non? T'étais non, pas. Non, je l'ai fait 5 fois, moi, je crois vous. Attends. Moi, je lâche pas. Hein. Et après, au bout de 5 fois, j'ai stagiaire. Je crois que c'était aussi la fois de trop. Non, non, non. Non. Autant, j'ai peur au début. Des cadeaux. Il y a un nouveau truc en plus qui vient de sortir. Ah oui, Disco Bélix. Ouais, c'est ça. C'est de la merde, non, franchement, non, c'est bien. Non, il va pas cracher sur son parc. Ah, c'est clair. Et jusqu'à aujourd'hui, tu étais assistant manager. Non, mais ça a l'air c'est plus pour les enfants, non, Youssef? Non, franchement, Disco, c'est pour tout ce qui est familial. Ça, c'est l'attraction. Oui, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de sensation. Non, mais je plaisante. Mademoiselle Amandine. Je fais. De quoi? Tu te reconnaîtras. De quoi? J'ai pas compris. Non, je fais une petite dédicace à Mademoiselle Amandine qui se reconnaîtra. D'accord. C'est mon attraction, elle. D'accord. Qui est la cousine de Mademoiselle Valérie. De Kinvé. T'aimerais trop qu'elle t'aime. Non mais après je comprends Youssef. Ah, mais en plus je fais exprès pour dans l'embarras pour rigoler hein, pour te foutre dans la merde et tout en disant c'est de la merde. Les non ça a l'air très non, bien ça. Osiris, en plus j'aime beaucoup le parc Astérix et Dédicace. C'est mieux Disney pour moi. Ça dis pas ça parce que t'es là. En fait moi je il y a la magie Disney quand t'as des gosses. Oui, ouais. Mais moi si j'y vais avec mes potes Disney ça les fait plus rêver Minnie et Mickey. Par contre à partir du moment où t'es plus un enfant, le parc Astérix c'est chambé. Bah ça dépend. Ah mais Amina du standard elle a encore 8 ans. C'est elle a 8 c'est elle a 8 ans dans un corps de vieille. Non mais non mais tu fais vieille dame un peu maintenant. Vieille dame. Non, mais je rigole. Mais t'es dégueulasse. Elle est marrante parce qu'Amina ça, elle est très crédule et croit tout ce qu'on dit. Non mais je prends trop mal. Là j'ai vu un poil blanc de sourcil là tout à l'heure. Je trouvais ça m'a mis. Non mais c'est vrai, elle a un peu plus une tête de mamie que quand j'ai rencontré. Surtout avec son gilet aujourd'hui. Je trouve pas Flo des cadeaux qu'elle a pris un coup de vieux. Ah bah là, il est gonflé. Bah on dirait que t'as un chandail, ouais. J'ai un gilet. Excuse-moi, la prochaine fois je vais en bikini, ça ira bien comme ça. Je vais essayer, je trouve pas qu'elle a pris. Bah par rapport au début, on l'a connu, ouais. Ouais. Non mais c'est par rapport. Si je mets deux photos, j'ai remarqué ça l'autre jour. Avant, après. C'est, ça a tapé quoi. Ça fait après. Ça a rien tapé. Je recroise des gens, donc il va être plus Milan. C'est pas vrai, Guillaume, on m'a dit que j'étais belle hier. Bah non, mais attends. On m'a dit que t'es bonne dans le bus, Guillaume. Tu ne sais pas, Guillaume. Non, mais j'ai pas 50 ans, c'est ça que je veux te dire. Tu ne sais pas, Guillaume. Tu ne me connais pas. Non, mais ça va, on voit pas les marques du temps sur mon visage, c'est ça que je veux dire. On voit les marques des saisons. Voilà. On voit les marques des saisons. On sait à quoi tu ressembleras dans 20 ans, conne. Tu peux parler, toi. Rigole, ça. Ah, c'est bon, ça. Et là, attends. Après, on vieillit tous, mais il y en a certains plus que d'autres. Non mais on dirait que le temps va plus vite avec toi. Mais ça fait vraiment pas. On dirait que t'es rentré dans un cul et que le temps s'accélère avec. T'es dans le turfu. Mais toi, mais c'est vraiment de la honte de dire ça. Hein. Espèce de jaloux. Va. Oh non. Non, attends, Amina, dis standard. Non, non, non, non. Non, non, non. Non, on dirait que t'es dans Retour vers le futur, mais dans le. Non, non, non. Mais vous êtes dégoûté, mais moi je suis toujours fraîche, jeune, tout va bien. Oh. Hein. Bah ouais. Non, mais... Dans le futur du futur. Bah si tu veux. Non, mais attends, on a pas des grains plus fraîches. Comment je vais rigoler quand vous allez perdre vos cheveux et tout, ça va être tellement. Moi, c'est déjà fait, donc. Bah voilà. C'est pour ça que je rigole déjà. Mais... Je me sacrifie pour le groupe. Ça y est. Les gars, vous êtes tranquilles avec moi. J'ai la chute pour l'énergie. Ah putain, je sais ça, les gars, vous faites marrer. Mais, salut Jordan des 71. Gros bisous, les gars. Vous changez d'horaire la semaine prochaine. J'ai bossé 4 ans en carrière. Ouais, on change d'horaire la semaine prochaine, ouais. Je l'ai appris tout à l'heure, là. Ouais. Au coin, on fait le 6-9, c'est quoi, non, j'ai pas compris, on fait quoi. Ça serait marrant, quoi. Non, on fait le 6-9, ouais. Non. Ah ouais. Franchement, ouais. Putain, on fait le 6-9 de l'été. Non. Ça serait marrant, ah, qu'on passe une semaine le 6-9. On va doubler des salaires. Ah, on va se tromper de salaire. J'aimerais bien, moi, doubler grave, salaire. Ouais. On pourrait faire le fugitif. On en envoie un quelque part. Ça fait plaisir. C'est vrai, on pourrait faire. C'est toi qui m'as envoyé. Je vais me promener un peu. On va te voler ton passeport. On t'envoie dans une ville. Et vous, tu tiennes 2 heures. Personne viendra. C'est ah putain de merde. Eh hey, Guillaume, salut, énorme. Vous changez d'heure la semaine prochaine. J'ai bossé 4 ans en carrière à porter des cailloux pour des barbecues et cheminées. 10 ans de ménageur spécialiste, porteur piano max 400 kilos. Salut. À deux. Salut Babar. Moi, je termine les cours demain, mais j'y suis dégoûté. Il y a une fille trop belle dans ma classe, mais j'ai jamais su lui dire, trop triste. Guillaume, pourquoi la photo de Julia qui est en stage chez vous sur Facebook? Ah ouais, c'est vrai que j'ai jamais mis une photo de toi, Julia. Ouais, c'est vrai. Je peux être une photo ou pas, non? Bah oui, quand tu veux, bien Vas-y, sûr. Vas-y, on va faire un... Alors attends, est-ce qu'il faut, il faut 2 heures pour prendre une photo? Ah, ouais. les nanas, c'est ça. Hein, elle va aller se recoiffer, se remaquiller. Parce que Amina du standard, je sais que à chaque fois avant de se faire un selfie, ah oui. Et bah chez le coiffeur. Je suis hyper naturelle, c'est bien ça le problème. Et bon, c'est vrai, là, là. En vrai. Mais attends, regarde tes photos sur Instagram, t'es quand même pas nature. Mais tu fais ma gueule ou... Attends, je me maquille quasiment jamais et tout. Non. Moi, je suis pas une meuf naturelle, c'est en vrai. C'est oui, c'est filtre. Bah oui, évidemment, ouais. Nos filters. Ouais, j'ai embauché une toute une entreprise. Amina du standard, environ en général, quand elle a envie de faire un selfie, tout de suite, et s'y met pour le jeudi. En général, ouais, il y a un jour d'avance. C'est ça. Elle attend qu'il fasse 1000 poils le bon rayon de soleil, la bonne lumière, et se met le nouveau t-shirt Zara. Il y a encore l'étiquette derrière. Je ressemble tellement à rien que je m'adapte. Moi, je termine les cours demain, mais j'y suis dégoûté. Il y a une fille trop belle dans ma classe. Ah bah alors attends, on va t'appeler aussi. Salut Wam du 21. Ah bah vas-y, salut, salut. C'est cool en tout cas. On viendra te voir un jour, Youssef, au parc Astérix alors. Bah ouais. Ouais, bah y a pas de soucis, hein. Franchement, avec plaisir. Avec plaisir. Et toi, tu t'y plais et tout, ça te plaît comme boulot? Ouais, bah honnêtement, franchement, c'est le seul top où j'ai vu mes responsables au top du top. Si je peux citer quelques noms, si tu me permets. Oui, bien sûr, c'est pour dire du bien. Ouais. Bah alors, du coup, une grosse dédicace à Bruno, Jamila, Michel, Dilel qui est au top du top, Andy, Kumba, Didou, et Virginie, Amandine, Sarah, tout ça, voilà. Et donc tes patrons, ils sont hyper cool avec toi, tout ça? Ouais, franchement, Bruno, il nous a un peu laissé, il est parti dans un autre parc, ce traître, mais je pense que ça Est-ce qu'il est parti dans un parc où il y a cette musique quand tu rentres? Un vieux parc. Alors attends, non. C'est ouais, le mercato, hein. Ouais, transfert. Ouais, il y en a deux de toute façon. Il est parti à Disney, non? Il y a Walibi, il y a plein de parcs ouais. En France. Ah oui, et en Belgique, ouais. Il y en a plein. Ouais, ouais, Pour Aventura. Oui, ça c'est pas en France. C'est à Barcelone pour Aventura. Ah, mais je pensais qu'elle avait aussi ailleurs. Allez, va trop coiffer. Alors, mon Yous là. Et donc, toi, ton boulot, il consiste en quoi alors exactement? Tu sers à quoi en gros, par Castellation? Moi, je sers à courir partout, je t'explique. En fait, je m'occupe de tout ce qui est attraction. Quand il y a des problèmes techniques, c'est moi qui me rends sur place. C'est une panne, ouais, et tout. Ouais. Voilà, quand il y a un des accident. Conflits visiteurs, alors là, je vais passer un message à tout le monde. S'il vous plaît, votre enfant, il ne fait pas la taille. Il ne fait pas la taille. Ça ne sert à rien d'insister. Ah oui, votre enfant ne fait pas la taille. Ah oui. Ça ne change rien. Ah, est-ce que tu as déjà eu des mecs, genre, où limite, ils voulaient casser la gueule d'employés parce que leur enfant, il passait pas? Mais moi, on a failli me casser la gueule déjà plusieurs fois. C'est vrai? C'est vrai? Ah pourquoi? Ouais. T'as pas l'Astérix de ces gueules? Une bonne blague de ringard. Oh là là. de temps en temps, c'est bon ça. Bah oui. Et de temps en temps, moi je regarde pas les autres s'ils rigolent ou quoi, je rigole de bon cœur. Bon, j'emmerde tout le monde. Moi, si la blague elle est marrante, elle est marrante. Ah ouais. Et voilà, et attends, il faut se laisser aller un peu. Bah ouais. Qu'une vie, pas hein. Pas trop, se retenir, faut pas se retenir. Pas trop. Ouais. Et donc mon Youssef, alors tu kiffes ton pas. Et donc tu t'as déconfié, tu dis on a déjà failli casser la gueule alors. C'est un mec de business. Ah ouais, pas, c'est sûr. Non, même pas. Des mamans, des papas, ils ont 45, 50 ans. Mais enfin, il lui manque 1 cm, 2 cm, mais on a des règles, on suit les règles. Hein. Bah, 1 cm. C'est vrai que c'est énervant quand même. Bah, donc après, ça veut dire que l'assurance, si jamais il y a un truc, bah, t'auras un problème toi, quoi. Voilà, exactement. Du coup, moi, je prends pas la responsabilité. En plus, le pire, c'est qu'on leur explique calmement. Et ils savent très bien que leur enfant, ils sont pas à la taille, mais ils forcent quand même. Bon, ouais, ils essayent quand même, ouais. Bah, ils ont payé, ils veulent, tu vois. Attends, et il y a des mecs de sécu dans ce cas-là, au cas où t'as des embrouilles et tout? Ah, oui. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Mais attends, je me débrouille tout seul, moi. Ah, c'est vrai. Ah ouais. Non, ça serait mal vu si jamais tu te... manager qui se bat. Non, il y a toute l'équipe, même quand il y a des problèmes techniques. Heureusement, on a une équipe de maintenance qui est au top. Du coup, je fais une petite dédicace aussi. Je profite à Alex. Et attends, vous avez déjà fait ou pas, Youssef? Genre, vous faites des nocturnes pour les employés ou il n'y a que vous qui pouvez en profiter? Ouais, mercredi, là, on a une soirée du personnel, mercredi le 29. Et du coup, nous, vu qu'on est responsable en fait attraction, on fait tourner l'attraction pour les employés. Putain, c'est fou là. Putain, il faut que tu nous invites un soir, Youssef. On veut une soirée aussi. Ouais, c'est donnant. Tu m'offres un petit cadeau, je te donne une soirée. Toi, t'es pas manager pour rien. C'est Darius, je le connais. Quand je suis arrivé devant le parc. Ah bah, c'est cool, mon pote. En tout cas, profite bien du parc Astérix. Il y a pas de et puis va bien te faire enculer, on va acheter nos tickets. Salaud. On a pas besoin de toi, les connards. Non, plaisante. Hein, non, mais en tout cas, on va t'envoyer un cadeau même sans avoir de ticket Astérix. C'était une blague. Hein. Ouais. Un petit Mickey ou un truc comme ça. Ça nous fait n'importe quel Mickey. Ouais. Mais du coup, genre, est-ce que toi, tu te fais. C'est une vraie question, mais est-ce que tu te fais genre appeler par Disney pour te faire débaucher? Bah, j'ai déjà sur LinkedIn, en fait, j'ai un compte et ouais, j'ai déjà reçu une offre. C'est vrai? Ouais. Ils te recrutent. Et t'y es pas allé? Ouais, le réseau social là. Non, franchement, je préfère les Gaulois. Ouais. Il paraît que c'est bien géré quand même. Ah ouais, c'est les, les Américains, ils sont bons aussi. Hein. Pour le divertissement, les Américains, ils sont meilleurs que nous. Pour le show, quoi. En général. Mais c'est bien en tout cas. Sois un bon Gaulois, Youssef. Ouais. Sois un bon résistant Gaulois. Je t'embrasse, mon Youssef, en tout cas. Salut. Bah, merci, bonne soirée à tous. Ah, bisous, ciao, Youssef. Et puis il y avait Romain. Alors, Romain de Nîmes, avant de se faire James Bay. On s'est pas fait James Bay là. Pas encore, non. Eh ben, on s'écoute James Bay, c'est à toi, mon Romain, d'accord? Ouais, il a travaillé dans les magazines de cul, on a raconté pour l'été. Ah non, la chance. Est-ce que vous avez déjà fait pareil, hein, des boulots d'été un peu originaux qui payaient bien, qui payaient mal aussi, des bons trucs, des mauvais plans, on va en parler hein, juste après. James Bay, Let It Go. Amina du Standard qui a déjà fait des passes l'été. Hein. Ah, non, pas foot l'été. On embauche après James Bay sur Énergie. Staying up and waking up with you. And I was sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it anymore? I used to recognize myself. It's funny our affections change, and we're becoming something else. I think it's time to walk away. Come on, let it go. Just let it be. Vous écoutez Guillaume Radio 2.0 parce que vous adorez Guillaume Play. Et vous lui dites souvent: petit connard, un petit con, un merdeux. Voilà, c'est un merdeux. Guillaume Radio 2.0, 22h01 sur Énergie. Allez à l'antenne sur Énergie, toujours avec Pascal qui est avec nous ce soir. Pascal de Bastia, représente. Tu m'entends, Pascal de Bastia? Oui, c'est bon. C'est qui, Bastia? Vous allez bien? Vous allez bien? Salut, enchanté. Salut. Ça va ou quoi, Pascal, à Bastia là? Ouais, ça va nickel. Oh là là, t'as un temps de bâtard, toi, là, j'ai vu là, sur la météo, là. Quelle chatte, quoi. Bon, ça va, mon pote, ou quoi? Et on se voit samedi, du coup, pour le concert ou pas? Eh oui, je suis en VIP, donc autant je viens prendre une photo avec toi. Ah, très bien. Bah écoute, avec plaisir, mais je vais pas faire que des photos avec ceux qui sont dans le VIP. Hein. Ah non. Ouais, moi, je vais me jeter dans la foule cul nu. Non, mais on va rigoler, gros. Et t'as eu des places où, alors, pour le concert? Bah, ma mère, elle est photographe bénévole pour le Energy Party Tour. Ouais. Et du coup, j'ai des places VIP avec elle. Du coup, j'ai assisté à toute la représentation. Et je viens exceptionnellement pour toi. Ah, c'est vrai. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Il y aura plein d'artistes en plus ce samedi. Là. Il y aura Ritza qui sera là. Et puis, c'est tous ceux que je connais. Attends, il y a Momi. Gian Peretta, Momi aussi. Imani aussi. Ouais. Imani. Chris Cab. Ce qui finit en I. Ah, il y a Chris Cab aussi. Vita, il y a Vita. Aussi, voilà, il y a Vita là. Il y a Nemo. Nemo, Neuda, Souf. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. C'est qui Nemo? C'est Nemo Schiffman? Peut-être. C'est pas Nemo de. Nemo, il me follow, Nemo en plus. Ah ouais? Ouais, il suit l'émission. Ah, c'est cool. Salut, on l'embrasse. Salut, ouais, Nemo Schiffman, l'acteur prometteur de The Voice. Ah ouais. Eh ben, Nemo Schiffman, on l'embrasse, on lui fait une bise. Il écoute l'émission, il like tout le temps nos trucs en plus. Ah, cool, ouais. Sur Twitter, Nemo Schiffman qui a fait The Voice. Alors, Pascal, alors donc on se voit samedi, gros. Oh, tu nous fais visiter ta ville ou quoi là? Ouais, pas de soucis. Ah, attends, parce qu'on vient pas. Moi, je viens, je suis trop content. Je connais pas Bastia. J'étais déjà descendu une fois à Porto-Vecchio dans le sud. Il paraît que c'est super bien, Bastia en plus. Ouais, c'est très bien. La mer. Attends, je vais venir avec toutes les musiques corse et tout. Rigoler, mon pote. Ah ouais. Oh là là. Attends, et donc, tu t'es déjà baigné cette année à la mer ou pas, Pascal? Non, pas à la mer. Moi, j'aime la piscine, c'est mieux. Ah ouais, tu t'es déjà baigné ou pas à la piscine cette année là? Ouais. Bah, je pense. Hein. Eh, on a vraiment pas la même vie, gros. Ouais, on est d'accord. À Paris, on est encore avec les blousons. Ah, là, ça y est, la chaleur vient d'arriver. Il y a une vague de chaleur qui est arrivée il y a 2 heures. Il fait chaud, tout à l'heure. À 9h, il faisait chaud dans le bureau. Truc de fou. Là, il fait chaud. Il faisait 18 degrés quand on est arrivé avec JM du Standard. Grave. À 19h à la radio. 18 degrés dans ma caisse. Et là, 28 maintenant. Et là, d'un coup, bah non, mais c'est vrai, il fait très chaud dehors. Ah, bah, c'est vrai. Et on enfin, ça, attends. Non, mais ça reste que 2 jours. Le 21 juin, c'est l'été. Franchement, à Paris, les copains, vous vous rendez pas compte dans le sud et tout, mais je vous jure, on a eu un temps, mais c'est jamais vu, quoi. Venez pas à Paris. On n'a pas eu un rayon. Franchement, c'est insupportable. Les touristes qui viennent. Je me suis jamais senti aussi oppressé par le temps, quoi. Sur Facebook, j'ai tous mes potes du sud, ça y est, qui sont baignés aujourd'hui, ouais. Ah, piscine et tout, c'est parti, ouais. Bon, et bon, Pascal, et toi, quelle classe, Pascal, toi, Bastia là? Moi, je suis en 4e et je passe en 3e. Eh ben, vas-y, bravo, bah, écoute, on va se voir merci. Là-bas, en tout cas. T'es en vacances alors, du coup, là? Eh oui, depuis mercredi dernier. Oh là, très bien, bah, écoute. 2 mois et demi, quoi. Les ceux qui ont les plus longues vacances de l'année, là, 2 mois et demi, c'est énorme. Hein. Dans leur mère, tu connais. Aminette du Standard, quand elle met le filtre vieux sur Snap, elle rajeunit de 20 ans. Alors lui dites pas qu'elle fait vieille, parce que alors là. Ah ouais. Mais non, mais je m'en fous en vrai, parce que enfin moi je trouve pas. Non, non, non. Non, c'est vrai, c'est pas vexée. On sent qu'elle est vexée, quoi. Ouais. Mais vraiment pas. Non. Ah, pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Tu vois, il y en a un qui dit Matt, la grosse voix là, qui dit Amina, si tu te trouves vieille, ne t'inquiète pas, dis-toi que moi je fais plus âgé au point qu'une fois on a cru que j'étais carrément le père de ma mère. Oh merde. Oh là là, le père de sa mère. Salut à toi là, salut, Matt, ouais. La grosse voix. C'est le meilleur job d'été à Europa Park, nourri, logé dans le parc. Ah bah oui, en Allemagne. Park, c'est trop bien là-bas. Le top le matin, on teste les attractions avant les clients pour 2 500 euros dans mon cas maintenant, c'est de grosses attractions. Ah, t'as prévenu ta mère que tu passais, Pascal? Non, il y avait quelqu'un en voiture, il s'est arrêté. Ah, bon, eh ben, en tout cas, la Corse, on arrive samedi. Ouais. On va rigoler, pour l'énergie. Énergie Corsica Party. Ah bah il y a Bernard, le patron de la Corse, ouais, qui est en écoute. Bernard Mosca. Ah, et... salut Bernard. Salut Bernard Mosca. Ouais. Salut, salut. Comment tu connais le nom du patron de... Ouais. C'est une star, il parle. Ah, ouais. En Corse, Bernard Mosca. On le salue. Il est très sympa, Bernard Mosca. Un peu, c'est là parce que c'est un peu comme, c'est un peu notre JM du standard pour Marseille. C'est pour ça qu'on va bien s'entendre, Bernard. Il a, Bernard Mosca, il a encore plus l'accent que tous les Corses. Et JM du standard, il a plus l'accent de Marseille que les mecs qui habitent là-bas. C'est quoi. Ça. Ouais. J'ai des potes qui habitent à Marseille, ils ont moins l'accent que JM du standard qui habitent à Paris. Ils le cultivent. Ah là là, c'est énorme. Bon alors, on y va, Pascal, on fait tourner la roue des phrases. On va voir combien tu vas donner de phrases. Ça peut s'arrêter entre 1 et 10. On va voir combien tu vas en donner. Pour offrir plein de cadeaux, Flo, des cadeaux, est-ce que tu peux rappeler ce qu'il y a à gagner ce soir, s'il te plaît, là? Alors, il y a des PS4, des télé LCD, des enceintes Bluetooth Bose Soundlink 3 et des tablettes Arcos. Allez, entre 1 et 10, le nombre va s'arrêter et va nous sortir un chiffre, la roue. C'est 8. 8 ah, c'est phrases beaucoup. Ouais, ce soir. Guillaume, vous envoyez Guillaume au début du texto, un espace, et vous mettez le mot que je cherche avec votre numéro de téléphone dedans. Avant de faire de fêter les vacances, hein, tous ensemble, après le brevet, après le bac, pour tout le monde. Mon Pascal, on t'écoute pour la première phrase de l'énigme, s'il te plaît. Il peut être sans faille. On peut souhaiter ses vœux. C'est du hasard quand il est au petit de la chance. Certains objets le portent. On peut nager dedans. Il est dans le pré. Le malheur défait celui des autres. Qui suis-je? Excusez-moi. Le malheur des uns fait celui des autres. Le malheur des uns fait celui des autres. Réfléchissez bien. L'argent ne le fait pas. L'argent ne fait pas le quoi, on dit Guillaume. Et le mot au 612. Oh les gars, ça va aller vite. Hein. Allez-y maintenant, vous prenez votre portable par texto. On fait un tirage au sort, c'est pas une course de rapidité. Guillaume et le mot avec votre numéro au 612. Télé LCD, PS4, enceinte Bluetooth Bose, les nouvelles Soundlink 3 qui déchirent et valent 500 balles. Les tablettes Arcos, on vous file tout ça juste après le mot. Ça, là, c'est pas si Koy, sur Énergie. Ça, je trouve ça magique. Ouais, c'est très drôle. C'est des profs qui ont retenu ce qui a été écrit dans des copies ou ce qui a été dit dans une classe. Qu'est-ce que de l'eau potable? Il y a un petit qui a dit, c'est l'eau qu'on peut mettre dans un pot. Ah bah oui, elle est potable. Elle est potable. Que peut-on faire la nuit pour éviter les moustiques? Il y en a un qui a dit, il faut dormir avec un mousquetaire. Oh. 19h-22h sur Énergie. Justin Timberlake. Justin Timberlake revient avec un nouveau tube, Can't Stop the Feeling. Can't Stop the Feeling, maintenant disponible. Gagnez toute la journée votre compil Énergie Summer Hit Only 2016. Tous les hits sont réunis sur 3 CD avec en exclu David Guetta et Zara Larsson, Slimane, Deoro, MHD, Amir, Elisa, Koons, Pitbull et Magassi, Sia et Sean Paul, Fifth Harmony, Kinvé, Tal, Vita et Jules, Era Istrefi, Avicii. La compil Énergie Summer Hit Only 2016, vendredi dans les bacs. Votre vie est faite de joie, de peine, mais aussi de surprises. Pour ne plus subir le destin, envoyez par SMS Avenir au 7212. Nos équipes de spécialistes en astrologie et voyance se tiennent à votre disposition pour éclairer votre avenir. Avenir, AVENIR, au 7212. Envoyez Avenir au 7212. 65 centimes plus prix du SMS, iEnergie. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. Baywatch. I met her at Playhouse. Bought 10 bottles, bought 10 more. 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Shit though. Really, is you really with the shit though? Shit though. We got champagne and vodka. Vodka. Goons with me if they need a problem. Whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckers that. Let me drop it to the ground like yes, bitch. Shit. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. Yeah. We'll come home. nothing right. Break a cup, she a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan like a sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club, me introduce them to each other. Other, other, man a gal is, I'm in stanza forever. C'est à la maison, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez à l'antenne, sur Énergie. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mis la photo de Julia, notre stagiaire. Comment tu trouves Julia? Tiens, on a une nouvelle stagiaire jusqu'à l'été là. On a pris un petit selfie là, on s'est fait plaisir. Il est marqué sourire forcé là en dessous. Oh là là. Ça y est marqué. Alors allez. Et, par contre, soyez gentils dans les commentaires. Tiens, il va les voir après. Voilà. Salut Guillaume. Son 06 s'il te plaît, ton canon. Je la baisse. Voilà, il y a que des messages sympas. Ça va. Que des messages d'amour. Voilà. On avait mis une photo de toi, Mina du Standard. Tu te rappelles? Bien sûr que je me rappelle. La première. Ah, bah, Oui, c'était horrible. On dirait horrible. Ah non, mais c'était. Laisse tomber. C'était la cour des miracles, les messages. Attends, t'as passé, je me rappelle, les sœurs à regarder. Ah ouais. Oui. C'était horrible, tout le monde parlait de moi, Guillaume. Ah, non, mais en vrai, il y avait des trucs très méchants. Sur le coup, j'étais pas habituée. Non, c'est vrai? Ah ouais, j'étais vraiment. Méchants, ah ouais? La première photo, ouais, j'ai pris cher. Pourquoi il y avait. Ah ouais, mais c'est abusé. Déjà, j'ai aimé prendre cher, Guillaume. Non, ouais. À base de. Je la prends dans toutes les pièces de la maison, donc il y avait toutes les variantes. Oh là là. Ça que pas se reprendre. Non, bah non, on peut pas parler correctement. Ouais. Attends, ça va, franchement, ça va. Moi, je suis une meuf, je le prends bien. Ah bah, moi aussi, attends. J'ai t'as vraiment de lit, je te prends dans toutes les pièces. Ouais, franchement, non. Si je suis une fille, ouais, bah oui, c'est flatteur, c'est-à-dire que je suis belle. C'est flatteur, arrête-toi, on parle pas comme ça aux filles. Bon, il y avait Pascal qui était avec nous, Team Piscine de Bastia, là. Ouais. Team Corsica. Team Corsica. Ah ouais, alors putain, et c'est énorme, tu sais quoi, parce que toi, tu profites depuis quand la piscine, là, cette année, à Bastia? Moi, je profite depuis la semaine dernière. Ah oui, depuis ça va, t'as pas trop l'accent, toi. Ouais, ça va. Il y en a qui ont un accent énorme et tout. J'aime bien l'accent corse, moi je trouve ça joli. Un peu tranquille. Attends, pourtant, je suis corse. Hein. Attends, là, tu l'avais là. Attends, tu me dis. Attends, vas-y, fais-moi l'accent corse un peu forcé pour voir. Au Fradé, comment ça va? Ça va. Au Fradé. Ouais, il faut allonger les paroles. Comment ça va? Attention à toi. Attention à toi. Non mais dans même temps j'arrive pas à le faire, qu'est-ce qui m'arrive quoi? Il y a le concert à Basse, toi. Sur la place Saint-Nicolas. Ah ouais, c'est la Corse. Salut les Corses, j'ai trop hâte de venir vous voir les potos, on va trop rigoler. Ça va être samedi, hein, le Energy Corsica Party, on va se marrer en Corse avec vous, j'ai animé le concert, on va trop se marrer. Attends, je cherchais ma piscine, je trouve plus, j'avais un bruit de piscine. Ouais, je voulais... 14, 15, je crois. C'est vrai, merci. Ouais, au début, je crois. Non, mais la piscine. Ouais. Ah là là. Putain, et j'ai hâte d'entendre ça l'été. Ce bruit là. Ah ouais. Ah putain. Ah j'avoue, c'est avec l'odeur du chlore. Ah putain. Ah là là. Je pense au truc le plus désagréable, l'odeur du chlore. Ah c'est vrai. Ah j'aime bien, c'est les vacances. Ouais. Bah, c'est stylé. Oh putain, et pense au bruit des cigales qu'il y a derrière. Ah, et là tu te jettes dans la piscine. Allez, je fais un plat. Tu mets des cheveux en arrière. Ouais, je peux pas, mais bon. Enlève l'autre. Je sais déjà, tu mets rien en arrière. J'ai un bonnet de bain au pire. Ah putain, c'est vrai que ça fait du bien, j'ai hâte. Tous les jours une couille, où t'es mon dieu, où t'as pas de vol. Ouh nanana, ouh nanana. paroles, Jules, là. Ah ouais. Non, il sort. Le passage, il est long. Tu fais en karaoké, le truc. Non, mais en vrai. Oui, nanana. On adore Jules, en plus, ton artiste, je veux dire. Et là, c'est vrai qu'il a les paroles, il s'est pas embêté. Tous les soirs, une couille, demander où t'as pas de. Et après, c'est parti. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Six fois. Sept fois. Alors, dix fois. Huit fois. 9 fois. 10 fois. Il va faire 15 fois. 11 fois. 12 fois. 13 fois. 14 fois. 15 fois. 16 fois. Mais non. Et puis je suis bon. Ah, faut pas trop manger dedans. Mais tu fais des courses poursuites. En perte des dents et par amour on s'engueule. Fais semblant d'être ensemble. Je me suis fait seul, il me semble. La conne de ton oncle. Posé au soleil. Plus tard, je me peignais les bonnes loups. Et que la personne de loups. Je prends la confiance, bombe le. Je lance un sale délire, de l'envirir. Du shit, de la veuve, du vol, de l'alcool. Malgré tout ça, j'ai du mal à m'endormir. Je pense aux coutrettes qu'on m'a fait. Je sens qu'on parle et qu'on bavait. Ce que j'aurais dû faire, j'ai pas fait. Je sens que j'aurais dû pas fait. Perdu, alors ça va me charger dans le sac à main. Allez, on finit le, on finit les lignes. T'écoutes quoi d'ailleurs, Pascal, encore? C'est quoi ta musique préférée, toi, en ce moment là? Bah moi ma musique préférée c'est Soeli. Sorry. Ah Soeli, non, Soeli. Ah, Soeli. On l'a mis hier. Non mais à part la musique corse, bien sûr, je sais bien la musique corse. Attends, Soeli, je l'ai en moi plus. C'est Faded. Ah oui, Faded. Toi t'aimes bien Soeli? Ah ouais, j'aime bien. Attends, toujours. Tu connais les paroles ou pas de Soeli? Pas trop. Ah Soeli. Après il y a quoi? À part la musique corse. Non mais moi je les connais les paroles de Soeli. Ouais bah oui. Ah ouais. Bien sûr. Attends. On est bilingue. Tu veux que je te dise les paroles ou laisse quoi? Laisse-moi deux secondes. Et non mais attends. Le temps que le CD démarre. Sur les cadeaux, c'est moi. Mauvaise langue. Attends, t'es pas vrai ça. Tu veux que je chante Soeli ou pas? Vas-y, chante. Hein, est-ce que tu veux que je chante Soeli? Avec l'accent de Bastia. Hein, dis-moi Pascal. Il est pas chaud, je crois. Oui. On dirait, je chante Soeli. Soeli. Figlioli di sustole, si iniziale a surrenze. Non, c'est pas ça, je sais pas pourquoi. Ah, j'ai pas les bonnes paroles. Tu t'en souviens plus? Ah non, mais je crois que je suis au mauvais couplet là. Eh bref, Pascal de Bastia, on va redonner l'énigme, hein, si tu veux bien, 30 secondes. On essaie de trouver la bonne réponse pour vous filer ce soir. Il y a plusieurs cadeaux, des PS4, des télés, des enceintes Bluetooth Bose et des tablettes Arcos. Ceci des beaux cadeaux à gagner ce soir avant minuit. Parce qu'on fait l'énigme maintenant et avant une heure, avant la fin de l'émission. Vous envoyez Guillaume maintenant votre texto. On prend un gagnant direct, Amina du Standard. Ouais. On va choisir un numéro avec le logiciel. Ouais. Guillaume, un espace et vous prenez le mot que vous voulez, que vous pensez avoir trouvé, et vous me l'envoyez au 6 11 12 et vous marquez bien votre numéro de téléphone dedans. Hein. Guillaume, un espace, le mot, votre numéro au 6 11 12. On t'écoute, Pascal, tu viens redonner les 8 phrases de cette énigme. Oui, bien sûr. Il peut être sans faille. On peut souhaiter ses vœux. C'est du hasard quand il est au petit la chance. Certains objets le portent. On peut nager dedans. Il est dans le pré. Le malheur des uns fait celui des autres. L'argent ne le fait pas. Qui suis-je? Le soutien. Non. C'est pas le soutien. Qui suis-je? Alors, Guillaume est la bonne réponse au 612 avant de se faire les pervers dans deux secondes. Est-ce que c'est le manteau? Non plus. Est-ce que t'as des bons pervers pour ce soir, Guillaume? Ouais, ils sont énormes. Ah, très bien. Ah, bah, vas-y. Apparemment, il a trouvé des mecs bien sales sur le net. Est-ce que c'est la roche ou la montagne? Essaye encore. Il peut être sans faille, on peut souhaiter ses vœux. C'est du hasard quand il est au petit la chance. Certains objets le portent. On peut nager dedans, il est dans le prêt. Le malheur des uns fait celui des autres et l'argent ne le fait pas. Qui suis-je? Donc Guillaume est le mot au 612. Est-ce que ça serait les droits? Ben non. La piscine, on en parlait avant. Est-ce que c'est la piscine? Encore pas ça. Non, c'est pas la piscine. Est-ce que ça serait la rivière ou les vêtements là? Toujours pas. Non plus. Est-ce que ce serait le loto ou le jeu? C'est pas ça. Non plus. Il y en a qui dit le 1er janvier. Et pas encore ça. Non, je sais pas pourquoi tu dis ça, mais salut en tout cas. On peut souhaiter ses vœux. Ah ouais, oui, bonne année. Deuxième phrase. Il peut être sans faille. On peut souhaiter ses vœux. C'est du hasard quand il est au petit la chance. Certains objets le portent. On peut nager dedans et il est dans le prêt. Le malheur des uns fait celui des autres et l'argent ne le fait pas. Voilà, Guillaume donc est la bonne réponse au 612 si vous l'avez trouvé. Avant de se faire d'Hero Bailar, on essaie de trouver la bonne réponse ce soir. Alors qui suis-je? Est-ce que c'est la vache? Non plus. Et c'est rare qu'il y ait autant de gros cadeaux, les gars. PS4, télé, enceinte Bluetooth Bose, les nouveaux. En plus, il est... alors, elles ressemblent à quoi, les Soundlink? Ah, elles sont énormes, ouais. Ouais, ouais. Il paraît, on a reçu Flo des cadeaux, là. Ouais. Parce qu'en fait, Flo des cadeaux, ce con, il emballe directement les cadeaux. On les voit pas après. Ah là là. Non, elles sont grises, elles sont un peu rétro. Un peu rétro, attends. Ouais, attends, ouais, attends, c'est les grosses. Enceinte Bose Soundlink 3. Ouais, c'est les 3. Soundlink 3. Allez voir Soundlink, en fait, il manque un L sur la feuille. Soundlink. Oui, c'est Soundlink. Ouais, c'est le lien. Il n'y a pas le L, non, j'aime sans. Si, j'ai essayé. Entre le D et le L, il y a un L. Ah, mais c'est tellement loin que je vois pas. Ouais. Ah, ouais, ah, elles sont. Ouais, putain, elles valent cher. Ouais, elles valent combien? Ah, ouais, bah. Elles marquent bien, surtout. C'est marqué dessus. Ouais, hein. Ah, ouais. Putain, c'est. Ah, oui, c'est très cher. Bon, on vous file ces cadeaux. Donc, la PS4, la télé, l'enceinte Bluetooth Bose, les Soundlink 3 et la tablette Arcos. Ça sera à vous de choisir dès que vous avez. Si vous allez être tiré au sort par le logiciel maintenant, Guillaume, non, qui a la bonne réponse au 612, il peut être sans faille, on peut souhaiter ses voeux. C'est du hasard quand il obtient la chance, certains objets le portent, on peut nager dedans, il est dans le prêt. Le malheur des uns fait celui des autres et l'argent ne le fait pas. On cherche juste le mot. Voilà, vous prenez votre portable, vous envoyez un texto, ça dure 10 secondes, ensuite on parle de cul. On va parler de dépucelage originaux. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà fait dépucer de manière originale? On va en parler tout à l'heure. Amina du Standard va parler. Ah, l'alarme va se déclencher. Pour le coup, c'est original. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Moi, tu l'as déjà raconté, non? Oui, j'ai déjà raconté, mais ça reste original, j'ai pas changé de première fois. Bah oui, non, mais c'est ça. Oui. J'avais pas un souvenir d'un truc très. Ah si, quand même. Crade. Bah, j'ai pas dit sale, j'ai dit original. Non, mais c'est vrai, mais j'avais pas. Je me rappelle plus que c'est. Ouais. C'était pas un truc à la montagne? Non. Je me rappelle plus qu'il y en a eu plusieurs histoires. Non, pas la montagne, non, pas dans la rue, c'était pas la mer. Non, bah, à partir du moment où on parle de dépucelage original, c'est pas soit avec la montagne, c'est plusieurs pas... personnes ou. Non. Tu fais la Kardashian, tu déprises pour qui? Tu changes d'origine quand tu te maquilles. Ce soir c'est la guerre, j'ai montré Ikaki. Là c'est marrant, il y a Alonso qui avait fait un morceau pour Amina du Standard. Ah là là, pour rire. C'est irrespectueux de ouf. Non, mais c'est un SMS qui t'est arrivé. Ah, mais j'ai pas vu. Nous envoyer pour Amina du Standard. Tu fais la Kardashian, tu déprises pour qui? Tu changes d'origine quand tu te maquilles. Ce soir c'est la guerre, j'ai montré Ikaki. Tu roules du cul comme je roule mon joint de paki. Fais ta folle là, tu payes son qui? Tu es tellement bonne pour toi, tout est gratuit. Tu ta folle là, reste tranquille. Est-ce que serait le bonheur la réponse, Pascal? Oui, j'ai réponse. Non, c'est pourri, on a rajouté la musique. Alors, qu'est-ce que c'est donc la bonne réponse? C'est le bonheur, il peut être sans faille, le bonheur sans faille, on peut souhaiter ses voeux de votre bonheur. C'est du hasard quand il est au petit la chance, c'est le au petit bonheur la chance. Certains objets le portent, il porte bonheur. On peut nager dedans, on peut nager dans le bonheur, il est dans le prêt. Le bonheur est dans le prêt. Le malheur des uns fait celui des autres. Le bonheur des uns fait celui des autres. Et l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà. L'énigme de soir. On va faire un tirage de soir avec le logiciel. On va essayer de trouver une bonne réponse pour offrir des cadeaux. Tu as tué la peur. Qui dormit là, qui dormit là. On se fait des euros juste après. On a payé pervers. Allô. Allô, bonsoir à toi. Salut. Ça va ou quoi? Salut. C'est quoi ton prénom? Salut. Ça va et toi, Damien? Mais bon, enchanté, mon Damien. Damien qui vient d'où? Moi, de Vire. Eh ben, enchanté, le 14. Le 14. Salut, Damien. Eh ben, sois le bienvenu, poteau, là. T'as quel âge, toi, Damien? Moi, j'ai 20 ans. Eh ben, merci d'appeler, hein. C'est sympa. Enfin, merci d'avoir joué. Merci à vous de faire votre émission. Et tu fais quoi dans la vie, toi, Damien? Moi, je suis routier. D'accord. Ah bah, énorme, alors. Énorme. On était à Caen, dimanche. Très bien. De quoi On était à Caen. De quoi? Samedi. Oui. On était à Caen. Oui. Ouais, c'est énorme. C'est à côté de Caen. Bah oui. Ouais, mais... On est content, j'ai mis ça. Le 14. Il a fait le rapprochement. Il est content, J'ai branché les deux câbles. Il y a pas de problème. Et donc, alors, pardon, Damien, donc de Vire, excuse-moi, 20 ans. Alors, et donc, tu traînes en quoi, tu m'as dit? Moi, je suis routier. Routier, bah salut alors à tous les routiers. Salut à tous les routiers de la night. Bonne route. Salut les gars. Les routiers. Big up, big up, big up. Et donc, Damien qui est là, on va faire tourner la roue des cadeaux. Vas-y. Qu'est-ce que t'aimerais le plus? PS4, télé, enceinte Bluetooth Bose, les nouvelles, hein, les Soundlink 3 ou une tablette Arcos? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? C'est pas dit que tu gagnes, hein, mais c'est, on va faire tourner la roue ensemble. Hein. Moi, franchement, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est une PS4, je viens juste de changer de télé en fait. Ah bah alors écoute, on va faire tourner. JM du Standard, ouais, si tu veux bien. Debout, Guillaume, Et bah y a pas de problème, vas-y, fais-moi tourner ça de vas-y, j'ai confiance. Allez, allez, vas-y, vas-y. 3, 2, 1. Et ça s'arrête pour toi sur... Une PS4. Eh bah c'est gagné. Putain, il a du cul. C'est gagné, mon pote. Je te l'envoie demain matin, d'accord? Ouais, c'est trop bien, merci. T'as vu que ça marche vraiment l'énigme ou pas, Damien? Ah bah oui, je joue tous les temps, moi. Non mais t'as vu que ça marche pour de vrai, du coup, là. Ah bah oui. Et que c'est pas de la couille, ouais, et qu'on fait pas semblant. On se connaît pas, Damien, on est d'accord. Ah non, du tout, je suis même pas venu à Caen samedi, en plus. C'est vrai. Ah merde, comment il dit ça? Tu connais l'émission, moi? Ouais, ça fait 4 ans que je connais l'émission. Ah merci. Mais pourquoi, c'est à combien de kilomètres de Caen, toi? Bah moi, je suis pas loin, je suis à, on va dire, 30 km, mais j'ai fini à 11h le matin, en fait. Ah ouais, ah, donc tu te dormais l'après-midi, quoi. Ah ouais. Donc j'ai un peu dormi, quoi. Grave. Ah ouais, c'est vrai. Bon bah écoute, hey, c'est pas grave, hein, j'ai envie de te dire, on va refaire tourner la roue des cadeaux. Ouais, ouais, ouais. JM du standard. Ouais, Guillaume, je me remets debout. Alors je vais mettre Amadou et Mariam pour me concentrer. Ah, allez, c'est parti, JM du standard, tu nous fais tourner, ouais, cette roue, s'il te plaît. Allez. Et on espère que ça a bien s'arrêter pour toi. Allez, c'est parti. Tu m'offres un deuxième cadeau, c'est cool. De quoi? Tu m'offres un deuxième cadeau? Oui, mais attends, ouais, attends, non, non, annulé, remplace. Attends, c'est annulé, remplace. Ouais. Attention, c'est parti. C'est parti, tu vas quand tu veux. 3, allez. 2, 1, on y va. Ah, un morceau d'air. Parce que je vais trop. Bien joué. Encore un morceau d'air, mon pote. C'est bien. Ah, yes, c'est génial. Attends, on va faire tourner la roue des cadeaux une deuxième fois, si tu veux bien, JM du standard. Ouais, j'y retourne. Allez, c'est pour toi et exclusivement pour toi ce soir. Tu as de la chance d'être passé avec nous et tu gagnes ce soir le magnifique cadeau. Un couteau sans lame. Un couteau sans lame. Bon, hey, je t'embrasse, mon Damien. Je t'en passe Amina au standard. Merci. Bravo quand même. Ok. Okay, et de rien, merci beaucoup. On est cool, mais pas pour venir nous voir. Ah ouais, on mérite ça. Non, non, je rigole, je t'embête, hein, gros. A bientôt, mon pote. A bientôt, Damien. Salut, mec. Ciao, man. Merci beaucoup. Tu fais la Kardashian, tu déprises pour qui? Tu changes d'origine quand tu te maquilles. Ce soir, c'est la guerre, j'ai montré. Tu roules du cul comme je roule mon joint de paquille. Et je pourrais faire, et quand je ferai l'amour à ma future nana, je vais faire comme j'ai fait avec toi, Damien. Je vais faire tourner la roue. La roue de quoi? La roue des positions. Bah, c'est marrant, ça. C'est marrant. Ouais. Alors attention, c'est parti, je vais tourner. Et ce soir, moi je rentrerai avec ma copine, je le ferai. Par derrière. Oh, ah putain que c'est bon ça. Bon, hey, je t'embrasse, mon pote. Ouais, bisous les mecs. Salut mon Damien. Salut, ciao. Bisous, bonne nuit. Et tu veux faire une dédie, mon Pascal de Bastia, avant de te voir samedi pour le concert que je vais animer là, le Energy Corsica Party. Ah oui, je voudrais bien faire une dédicace. Eh ben, on t'écoute. Oh, vas-y. Je tiens à remercier Energy Corsica, Monsieur Mosca, Bernard. Et à la municipalité de Bastia d'organiser ce Energy Party Tour. C'est ta mère qui t'a écrit. C'est le fils du maire ou quoi? Laetitia qui sera photographe officielle de Energy le 25 juin où je serai en VIP. J'essaie d'envoyer une photo avec toi. C'est sûr, même photo quand même. Une seule adresse, tous sur la place de. Tous sur la place Saint-Nicolas à Bastia, venez nombreux, Forza Bastia! Forza Bastia! Ça c'est marrant ça, avec plaisir. T'avais écrit ta dédicace pour pas l'oublier, non? Ouais. Eh bah t'as raison. Non mais c'est pas con, c'est un beau discours. Très intelligent, comme ça t'es sûr de pas l'oublier et tout. Eh bah écoute, avec plaisir mon pote. Je te repasse Amina du standard, ouais. Mon Pascal, ok? Avec plaisir. Et d'ailleurs, je cherche toujours un mec pour le Energy Corsica Party. Un mec qui sera sur Bastia. Ouais. S'il y en a un qui veut venir avec nous demander sa femme en mariage, on est 25 000 sur scène, enfin en dessous de la scène. Je vais animer le concert, je vous fais monter sur la scène, on fera monter votre femme qui sera pas au courant, enfin votre future femme, et vous la demandez en mariage devant 25 000 personnes, c'est rigolo. Ouais. Donc s'il y en a un qui veut faire sa demande en mariage, Guillaume et votre message là au 612, vous marquez Guillaume un espace et mariage avec votre numéro au 612, je vous appellerai demain après-midi pour organiser ça, ou par email hein, sinon, guillaume@energie.com. Le risque quand même, c'est de monter sur scène et... d'être stressé, 25 000 personnes, ouais. Attends. Bah, ça va pas. Demande en mariage. Non, on l'a fait à Lyon, ça s'est super bien passé, c'était extraordinaire. Donc s'il y en a un qui veut faire une sa demande en mariage et tout, ça serait vraiment un truc stylé. C'est magique ça. Putain, là, et vous en souviendrez toute votre vie. Vous prenez votre belle famille, vous lui dites de venir. Bah là, t'es un héros là. Et là, devant la belle famille. Oh là là. La classe. Après, tu remets sur la scène. La bague. Après, t'arrêtes ça, qui arrive, je te demande pas. Il arrive, il se trompe, il fait là, c'est dingue. De la réponse, non, mais, et c'est, franchement, c'est une bonne idée. Guillaume@energie.com et on se voit samedi. À bientôt, Pascal. Merci beaucoup. En plus, c'est marrant parce que je savais pas qu'il venait de Bastia. Ouais. Il a appelé par hasard pour l'énigme, mais il est venu en direct, hein, Pascal. On va se faire en tout cas plaisir. 23h46 soir sur Énergie. On va se faire les pervers maintenant. J'aime ça. On se fait des héros. Ouais, pas de soucis. Bah, il arrive juste après les pervers en direct. Je me fais passer pour une femme et on parlera de dépucelage originaux. Ouais, c'est ça. On va parler de cucu après jusqu'à 1h du matin sur Énergie. Guillaume Radio 2.0, c'est 22h à 1h. Bonne nuit tout le monde. D'abord, on se fait les pervers. À partir de maintenant, je me transforme. Je suis la plus belle de toutes les femmes. Je deviens la plus sexy. Je suis mandarine. J'ai 18 ans et je cherche un homme très âgé pour me faire des trucs très sales parce que je suis restée 5 ans avec un mec et j'ai envie d'essayer des nouveaux trucs, c'est tout. Il faut me comprendre, s'il voulait rien faire pendant 5 ans, alors c'est normal que j'ai envie de devenir un peu une salope, d'être un peu sale, voilà. Bon, et à un moment donné, peut-être que si je suis pas assez sale, j'appellerai la plus pute de toutes mes cousines. Cousine ? Ah oui ! Ah bah cousine ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Ah oui ! Est-ce que tes cousines, t'es une belle ? Salope ! Ah ouais ! Je suis la salope de la famille ! Ah, t'es vraiment la plus ! Cochonne ! Ah. Et t'es la moins ! Prude ! Ah. Et t'es la plus ! Baisable ! Ah ouais ! Et t'es surtout ! Et j'ai déjà tout aussi avec mon autre cousine, la cousine la plus sale, celle qui a le plus de virus en elle. Ouais. Ah. Celle qui a plus de sortes d'herpès qu'il y a dans le laboratoire russe qui retient toutes les germes mondiales. Elle s'appelle Cousine Bis. Oui. Cousine Bis. Oui. Non mais attends. Ouais. C'est un acteur. Non, non, non. Ouais. Non, Non, mais t'es plus du tout une femme. Je suis un accident. Pense. Non, attends, il faut. Non, attends, tous. Non, beaucoup plus, t'as pas compris. Du vernis, si tu veux. Non, il faut être beaucoup plus. Oui, voilà, beaucoup plus féminine. Exactement. D'accord, ma cousine. Apprends-moi à être femme. Exactement. J'ai envie de te dévergonder. Parce que toi, dans la famille, tu es la moins. Ah, moi, je suis pas baisable. Non, il faut reprendre mon expression et écoute un peu ce que je te dis. Il a compris. Même Julien Stagiaire, il comprend. Ouais, même Julien Stagiaire, ça veut dire quoi? Même... Cousine Bis, tu es la moins. Je suis la moins baisable. Voilà. Et tu es la plus. La plus trouable. Oh là là. Ah, il est pas rapide en impro, lui. Ah ouais. Cousine Terre. Oui. Cousine Terre. Oui. C'est faux, c'est cadeau. Oui. Cousine Terre. Oui, toi, contrairement aux autres, t'es vraiment la moins. Je suis la moins virusée. Oh là là. Mais alors les deux, ils arrivent. C'est drôle, virus. On est bêtes, cousine. C'est mes deux cousines concon. C'est le cousin. Vous avez envie de niquer les filles concon, ben, viens baiser mes cousines. Elles sont naïves. Salut les cousines concon. Salut. Salut. Allez, on se fait passer pour des femmes, on appelle. On appelle, oui, ça s'appelle la crotte à Hôtel Arena, dans son pseudo, ouais, non. Papa célibataire. Papa, ah, là, on n'a pas passé. Il vient de parler à des mecs sur des chats de cul. Je me fais passer pour une femme, on les appelle. Il est 23h52, il y a du foot ce soir. Ouais, et la Croatie a battu l'Espagne 2-1, grosse surprise. Eh bah, très bien, voilà, on suit le match. Voilà, c'est fini. Croatie, attends, on y va. Oui, oui, oui. Oui, allô? Allô? Oui. Papa célibataire? Non. Whatever. C'est pas avec toi que j'ai parlé sur le chat de Coco? Eh non. T'es sûr? Eh oui. Si jamais t'es pas tout seul, tu peux me dire code 2, je comprendrai. Alors code 2. Ah, ouais. À tout à l'heure, bisous. Ah, c'est là. Tu fais la Kardashian, tu déprises pour qui? Attends, j'en ai pas un autre coucou là. J'en ai plein, on a pas le temps. Ah, carrément, le mec, il est avec sa meuf. Amina du standard. Oui. Si jamais t'as envie de plutôt faire une sodomie, tu dis code S. D'accord. Non, mais, là, ça va. Cousine. Ah oui. Si tu veux faire une levrette, tu dis code le. Code le. Ah, d'accord. Ah, oui. J'ai entendu le message. Oui, vas-y, prends mon le, cousine. Non, bah, j'arrive. Oh. Oh, ça fait mal. Oh, t'inquiète, je suis là. Parce que je vais trop grand berger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je te laisse pousser la barbe. Tu pas bien, je te laisse aller. Et d'ailleurs, putain, j'ai fini le Bureau des légendes saison 2, il est malade à la. Ah non, mais dis pas, dis pas. Là, tu peux spoiler. Non, spoil pas, c'est dégueulasse. Non, mais d'habitude. Pourquoi? Si on t'a déjà spoilé des séries. Ouais, mais c'est pas sympa. Non, parce que c'est pas parce qu'il y a 30 messages de connards qui me spoilent. J'ai jamais fait moi. Que vous êtes 1,5 million. Et c'est pas, il faut pas se laisser avoir par la minorité. C'est vrai, Guillaume. Jamais. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut pas écouter 5 haters. Exactement. Si 5 mecs ont mis des pouces rouges, tout le reste ont. Ah, bah oui, oui. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Hein. On fait pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Attends, ouais. Pourquoi vous venez pas sur Ajax, tu vois? Jamais personne d'énergie vient chez nous, ça devient saoulant à force. Et mon bro. Mais j'y peux rien, moi, gros. Il y a un concert, on m'a demandé de l'animer. Ça s'est embrouillé. Attends, j'aimerais vous appeler. J'ai un peu peur, Jessica de 2A aussi. Ah, salut. Oui, bah, Ajaccio. Bah, salut, bah, tu vois, il y a du monde d'Ajaccio. En plus, moi, c'est la seule fois où je suis allé encore, je suis à Ajaccio, Napoléon, Bonaparte. Non. Ah bah si. Non, c'est l'aéroport. Attends, comment il s'appelle? C'est Napoléon Bonaparte, d'Ajaccio. Bah si, Guillaume. Aéroport, c'est pas Figali? Non. Si, Figali. Non, c'est une ville. Oui, mais moi, c'est l'aéroport. Figari. Oui. Comment il s'appelle l'aéroport de Figari? Ah bah, Figari. Eh bah voilà, c'est pas. Attends, aéroport. Je sais pas de quoi tu me parles, juste à dire. Le nom de l'aéroport d'Ajaccio, c'est Bonaparte, Napoléon. Très bien. Je maçonne la gorge de Mina Coup de Bite, appelez-moi l'architecte. Non, ça c'est pas bien. Non, c'est pas bien ça. Grand malade. J'ai vu une vidéo où t'envoies Gilles Stagiaire au bois de Boulogne, est-ce que tu pourras le refaire? C'est trop drôle. Salut Christian de Tarascon dans le 13. Ah bah viens avec moi, Christian. J'ai déguisé Gilles Stagiaire en femme, on l'a mis sur le bois de Boulogne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Et il y a des mecs qui s'arrêtaient en plus. Ah, j'ai eu des clients, c'est génial. Ah là là. Ouais, t'as eu des clients, ils étaient. Ah, le problème, c'est que c'était une caméra cachée au début. Et en fait, on a duré 6 heures parce que Gilles Stagiaire faisait vraiment les passes. Non, mais je voulais vraiment rentrer dans une voiture. Ouais. J'aurais dû rentrer quand même. Non, mais putain, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Allez, on y va. On en rappelle un autre, Jimson. Ouais, pas de soucis, Guillaume. Oui, oui, oui. Après, on parle de cul, dépuissage. On appelle qui là? Phil. Phil, ah bah très bien. Allez, on y va. Merci pour le numéro. Avec plaisir. Allez, on y va. Chaud en plus. Allô, Phil? Oui. Oui, bonsoir, c'est Mandarine, comment ça va? Oui, ça va. Bien. Mandarine. Je te dérange pas? C'est qui, Mandarine? Ah, c'est Cherche-Mur Pervers, tu sais, sur Coco. Ah, d'accord. Oh, il a une belle voix, le Fifi. Oh, moi, je veux bien, je suis tranquille, tu sais. Je me prends pour la tête, après, à savoir ce que tu veux, voilà. Ah, mais c'est qu'il a une belle voix. Une voix sexy. Ah, je ne sais pas. Et toi, tu es d'où? J'ai envie de me faire l'amour, le Fifi. Oui, je crois que t'étais chez tes parents. Bah, j'ai envie de me faire baiser quand même, et alors? Ah oui, bah, y a pas de soucis. Tu peux venir chez mes parents pour me baiser, c'est pas grave, hein. Ah, chez tes parents? Salaud, oh, j'aime bien. J'ai envie d'une bite tout de suite. D'accord. Que je te suce. Ah. Oh, salaud. Tu avales, petite salope? Ah ouais, j'avale, ouais, j'avale bien même. Ah, et tu te fais sodomiser? Ah ouais, je me fais même bien sodome, moi, ouais. Je me fais bien enculer, ouais. Ah ouais. Ah, t'es grosse salope quand même. Ouais. Ah, j'ai une vraie belle pute. Ouais. Oh là là, j'ai vraiment la tête de la pute de base en plus, tu vois. Et t'as des seins comment? Bah, c'est du sein, voilà, deux seins de base. C'est-à-dire? Ouais, je fais du 90C, voilà, c'est un peu gros, mais c'est pas non plus énorme. C'est bien. Oui. J'ai envie, tu me suces la chatte. Et tu es où, à Rosé? Bah, à Rosé, je sais pas te dire le nom de ma rue, ça te change rien, je suis à Rosé, quoi. Bah oui, mais si tu veux qu'on bâche chez tes parents, je fais comment pour venir? Bah je te donne l'adresse quand tu me dis que tu viens, pour de vrai. Ouais. Juste en face le tram. Le tram, il passe dans plusieurs endroits. Bah juste au bord de la route, là, en face le tram. Ah bah il y a plein d'endroits où il passe. Bah là, il y a le trottoir, t'es chiant, toi. Bah oui, bah là où il y a la porte, tu rentres, tu pousses la porte, il y a qui? Bah il y a Mandarine. Qui t'attend comment? Bah en levrette. Ouais. Faut que je te dise tout, quoi. Tu veux que je te dise la marque de mon slip? Non, pas du tout, mais après c'est pas le nom d'une rue, comment veux-tu venir, toi? Bah comment tu veux venir? Bah à l'odeur, mon garçon, t'as jamais chassé? Pas comme ça, petit. Moi j'ai une proie de chasse, un petit salaud, j'ai un petit chasseur, tu veux tirer ton coup? Bah faut sentir le gibier, hein, ma gueule. Eh, hey, chienne de service, quand tu veux te faire tirer, tu donnes ton adresse. Bah t'inquiète, que j'écarte mes fesses. Tu vas sentir mon odeur à loin, tu vas voir, la salope. Alors, mon protège-slip, si je le pose sur la rue, je vais poser plein de protège-slip usagés pour faire comme les petits poussés, tu vas me retrouver jusqu'à chez moi. Ouais, parce qu'il y a plein d'endroits sur le bord de la route à Rosé où le tram y passe. Hein. Mais non, en face le tram, là, maintenant, là, il y a le tram devant chez moi, bah c'est genre en face. Ouais, mais Rosé, où passe le tram, c'est long, hein. Bah ça non, il est devant chez moi, je te dis. Tu viens là, il y a le tram. C'est formidable, mais ça va de Pierre-Mille jusqu'à Neustrie. Oui, moi je peux pas te dire plus précis avec, que là où est le tram. Je ne vais pas faire le tour de la route. Et en plus de ça, il y a un endroit à Rosé, c'est spécial pour y aller. Faut passer, on ne peut pas loger la ligne de tram, donc ne me raconte pas. Oh, tu m'emmerdes. Je te dis, j'ai une boîte aux lettres devant chez moi. Je t'emmerde, grosse salope. Mais pourquoi? En fait, tu es nul. Mais c'est toi le nul. Moi, j'avais que tu viennes me ken. T'as pas envie de te faire secouer? Eh si, tu vas me secouer ce soir. Là, j'ai l'impression que t'as pas de couilles. Non. Mais si, ma grosse salope. Tu trouves des excuses, j'ai l'impression, t'es une petite merde. Mais non, tâche de rave. C'est parce que tu connais pas Rosé, tu sais pas où tu es. Je vais te chier sur la gueule, tu vas voir ce que je vais te faire quand on va faire l'amour. Eh ben, quand tu veux, viens-y. Je vais te pisser sur la bouche, tu vas voir. Tu viens-y. Tu feras ma main dans ta gueule aussi. Tu feras moi le malin, là, je vais t'attacher, je vais te fister. Alors là, tu vas te prendre ma main dans ta gueule, oui. Je vais te mettre mon poing dans ton cul, tu feras moi la belle, le fili-fili. Salaud, va. Espèce de con, va. Allez, tu respectes pas les femmes, viens me niquer si t'as des couilles. Aïe, arrête. J'ai bien, ou pas chez Mzanda? Ouais, attends, vas-y, on se fait juste des rails très fines, ouais. Vas-y, prends-moi un autre. C'est bon. Je vais en refaire un sur énergie là. Énorme bordard, je suis plié, comment il vous parle? Ah là là. J'avoue. J'ai pas confiance en ma meuf, elle avec des meufs. Salut Max, je comprends pas. On va t'appeler avec plaisir, gros. On en parle juste après sur énergie, on parle des dépucelages aussi originaux là. The nurses is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty, dun, dun, dun. Bun, bun. The nurses is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. What's that like? Am I blind right? Am I blind right? Originaux, JM du standard, t'as un autre pervers. Ouais. On se refait un numéro, je me refais passer pour mandarine. Sur des chats, on a trouvé des numéros, on appelle et mis du 3 et en direct. Oui. Allô? Oui. Bonsoir, c'est bien Homme 66? Pardon? Comment ça va, beau gosse? Qui c'est? Bah, si on a parlé, mandarine, sur le chat de Coco, tu me remets pas enfin? Bah, non, je te remets pas. Ah, bah, réfléchis un peu deux secondes, une belle femme. Ah, oui. T'as une belle voix en tout cas, toi. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai envie de me toucher le minou là quand je t'entends là. Ah ouais? Bah, te gêne pas, vas-y. T'es à Saint-Cyprien toujours? Hein? Je suis toute mouillée. T'aimerais que je te touche? Ah ouais. Tu veux pas venir? T'as des doigts? Ouais, j'ai des doigts qui sont bien, bien agiles. Oh. Si tu veux, demain soir, je te le fais. Non, bah, si tu veux, t'es pas dispo ce soir et un peu tard? Non, ce soir, non, c'est trop tard. Ouais, pas grave, t'inquiète. Écoute, ce qu'on fait, on s'organise demain. Ouais. Je viens chez toi ou tu viens chez moi? On se retrouve dans un coin d'autre pour commencer, non? Ouais, si tu veux, tu veux qu'on se retrouve dans un bar? Et où? Moi, je suis à Saint-Cyp et toi? Ben, moi aussi, je suis à Saint-Cyp. Eh ben, on est à côté, gros. Ouais. Tu connais le... Tu sais où l'est, comment ça s'appelle? Après, vers l'hôtel La Lagune, là, il y a un grand parking en terre. Ah ouais, pourquoi pas, dans les fourrés, là? Ouais. Ah, je vois bien, c'est vers la Garrigue, là. Ouais. Avant d'arriver à l'hôtel La Lagune, quand tu fais tout... Ah, mais je vois bien, l'hôtel La Lagune, il appartient à l'hôtel Flamand Rose. Voilà, ouais. Mais je connais, ouais. C'est... Il est beau, cet hôtel. Il y a une petite lagune autour, justement, il y a de l'eau partout, là. Je vois très ouais. bien, je suis déjà dormi là-bas. Ah ouais. Avec un homme de 67 ans. Ouais, t'as pris du plaisir? Ah, il m'a éclaté les fesses. Sa mère, Zarma, je boitais. Oh. Il y a un pont-levis, j'ai failli tomber dessus. Qu'est-ce que t'aimes bien faire, toi? Tout. Moi, j'aime tout, moi. Un peu original. Bon, original, je sais pas. C'est selon l'instant, hein. Oui. Parce que sinon, je pourrais venir avec ma cousine, on pourrait te sucer à deux sur le parking. C'est comme Dieu, oui. Hein? Comme Dieu. Attends, ma cousine! Eh oui! Allez, viens, je te présente un ami! Arrête d'être agressif! Viens, j'ai dit! Oui, oui, je viens de moi-même! Viens, arrête de me forcer! Arrête, oui! Je te présente un ami, il s'appelle Homme 66. Coucou, Homme 66, moi je suis la cousine de ma cousine! Enchantée! Tu vas bien? Bien? C'est ta cousine ou ton cousin? Non, moi je suis la cousine de ma cousine et je suis enchantée de te parler. C'est ma cousine? Oui, c'est moi! Ah, d'accord. Ça va bien? Oui, oui, ça va bien. Si je te dis que c'est lui, c'est que voilà, c'est que c'est elle, écoute. C'est lui, ton petit prince charmant, cousine. J'ai envie de te lécher les boules. Ah oui. Ça te dirait pas qu'on suce chacun une couille? Je prends celle de gauche. Moi, celle de droite. Ah, cool. Et cousine bis. Ouais. Viens lui sucer l'anus. Ah, j'arrive, il est propre au moins. On fait la triplette. Allez, cousine apprentie. Oui. Cousine apprentie, moins fort, cousine apprentie. Cousine oui. apprentie. Oui. Qu'est-ce que t'as envie de lui faire, toi? J'ai envie de lui prendre les boules et de tout mettre dans ma bouche. Voilà. Oh. Ça te dit ou pas? On est des gobeuses. T'as envie de lui gober le... Hein? D'accord. Tu veux qu'on vienne avec mes quatre cousines? Il a l'air froid. Ah, il est pas agréable. Petite bite. Déjà, toi, ça suffit. Qui ça? Et toi. Pourquoi moi, ça suffit? Ah, il faut déjà pouvoir qu'on se connaisse, quand même. Ah, oui, d'accord, une. Mais moi, je suis jalouse, je veux venir. Ah, bah oui, la cousine, elle est jalouse. Mais ouais. Mes cousines, elles pleurent, elles sont déçues. Ah non, arrêtez les filles. Vous savez quoi? Je vous offre un god. Ah ouais, mais bon, oui, ok. Tu veux pas, t'es sûr, tu veux pas les enculer, M66? Encule-nous, allez. Ah, ce soir, non, juste toi. J'ai ma sœur aussi qui a fait The Voice. Jésus, c'est tout TF1. Je vais remplacer Jennifer la saison prochaine. Ah, tu veux faire dans le juré, d'accord. Je pousse les notes comme je pousse des crottes. Je viens avec mes cousines ou sans mes cousines? Ah, seule. Ah, elles sont déçues. Ah non, elles sont déçues. Dis-leur un truc gentil, au moins ça leur fera plaisir. Je vous sauterai plus tard, les filles. Ah, on va se faire sauter. Oui, mais pas ce soir. Allez, dis-leur encore un truc qui leur fera plaisir. Merci, monsieur. Allez, je vous suis sur le clito. Ah j'ai envie de dire pour Homme 66. Il est vraiment phénoménal. La la la la la la la. Il suce sur le clito. Attends, je suis avec ma sœur. Mandarine. Oui. J'ai un poil de snake sur la langue. Bah, c'est pas grave, sœurette. Mandarine. Quoi? Rentre-moi un micro dans le cul. C'est ma sœur chanteuse. Les notes, c'est comme les crottes. Faut pousser pour qu'elles sortent. Oh non, c'est pas très chic, ça, quand même. Ouais, bon, allez. Je vais écouter des musiques pour les putes, c'est fait des musiques, mais version salope. À la claire, m'en allons promener. J'ai trouvé si belle que je m'y suis. Oh, j'ai envie de te voir maintenant, là, Homme 66. Bon ben, j'ai ma cousine qui est en train de se rentrer un énorme truc dans le cul. Oui, un parapluie en t'attendant. Il est rentré à demi, là. Allez, rentre le parapluie, allez. Elle est en train de se fourrer le parapluie. J'ai même ma cousine Bis qui se rentre un objet. Mais ouais, je me rentre un compas dans l'anus et dans la chatte, ça saigne partout. Ils ont tous les deux envie de faire l'amour avec toi, M66. On est des chaudes. Pareil, je dois couper, là. Non. Bon, bah, on te laisse. Tu sais pas ce que tu rates. Mais qu'est-ce qu'il y a, sœurette? Mandarine. Quoi? Si ton père ressemble à Florent Pagny, je le suce direct. Oh, c'est bon, tu veux sucer tout le monde. Bien raccroché. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Tu fais la Kardashian, tu déprises pour qui? Tu changes d'origine quand tu te maquilles. Salut Guillaume, t'habites à combien de kilomètres de Tours? Cherche bien la blague. T'habites à combien de kilomètres de Tours? Ah, t'habites, ton sexe. Non. Ah non, non. Salut Guillaume, t'habites blague, à combien de kilomètres de Tours? Cherche bien la blague. J'ai pas compris, gros. Si. Mais j'habite à 110 kilomètres de Tours. Non, mais une blague, il y a un jeu de mots, non? Sur la tête du sexe. J'ai pas compris la blague. T'habites à combien de kilomètres de Tours? T'habites pas où t'habites? Ah ouais. C'est pas très, très drôle, non? Ouais, je crois pas. Bon, salut à toi, gros. Enfin, les vacances dédicaces à 4M2 de notre dame de Bressuire. Bonsoir, big up à vous. Salut. Salut à toi, gros bisous à tout le monde. Salut Guillaume. C'est bon, tu pourrais m'appeler Jimmy de Dieppe. Salut Jimmy de Dieppe. Salut Guillaume, moi, la nouvelle. Salut, j'ai pas confiance en ma meuf. Eh ben alors, attends, on va en parler ce soir, justement. On va parler de petits sexes. Ah. Et du dépucelage originaux avec Mathias et Patrice qui vient d'écrire. Bonsoir Mathias d'Auxerre de 18 ans. Salut Mathias. Ça va ou quoi? Salut. Ça va bien. Enchanté, merci d'appeler, hein, c'est plaisir. T'as ouais, 18 ans et t'es du 89. Ouais, Lyon. Ouais, c'est ça, ouais. Eh ben, enchanté. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Mathias, à 18 ans, là? Plombier chauffagiste. Très bien, et eh ben enchanté. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire pour réagir au sujet là? Alors, en fait, moi, voilà, je voulais expliquer un peu mon dépucelage original. Ouais. Donc, c'était l'année dernière, donc j'avais 17 ans. Ouais. Donc, tu vois, en fait, j'ai une grande sœur de 23 ans actuellement. Donc, l'année dernière, elle en avait 22. Et donc, voilà, en fait, pour mes 17 ans, il y a une de ses copines qui s'est... offerte à moi et qui m'a offert mon dépucelage. Oh putain, elle me... On dirait une secte un peu là. Ça veut dire quoi? Vous êtes dragué avec une de ses potes quoi, en gros, voilà. En fait, c'est sa pote, ouais, qui m'a chauffé, qui m'a dit voilà quoi, joyeux anniversaire. Ouais. C'est bien. Elle a pris des choses en main et... Non, c'est vrai? Ouais, ouais. Et alors? Non, non, c'est pas une vanne et franchement, elle savait ça. Mais j'ai pas compris, et t'as dépucelé parce que t'étais puceau et s'est dit tiens, je vais lui rendre service quoi. C'est ça, c'était pour mon anniversaire. Elle dit voilà, t'as 17 ans. Non, c'est vrai. C'est un beau cadeau, mais ouais, c'est marrant. Non, mais ouais, c'est ouais. Ouf ça. Elle est libertine, la meuf. Comme ça, hein. Non, mais là, c'est. Ouais, mais c'est quoi en fait? Il y en a pas plein. Des céréales dépuceleuses, il y en a, elles aiment bien. Des céréales dépuceleuses. Attends, mais elle était jolie ou c'était vraiment genre le. Ouais, franchement, elle était bien en plus. Ouais, ouais. Ah, t'as le cul. Genre, c'est une commode. Non, elle était plutôt jolie alors. Putain. Ouais, ouais, ouais. Putain, c'est cool ça. Et alors, et donc tu l'as fait sale, t'as fait quoi? Donc bah ouais, quoi, je l'ai bien attrapé quoi, tu vois, pour la première fois, 17 ans et tout, t'as 5. Bah ouais, pas qu'à 17 ans. Ouais, mais non, mais on a tout le temps enfant en vrai. Ta première fois quand même. Et puis une fille, elle attend quand même de se faire un peu brutaliser un peu là. Ah non, bien sûr. C'est un combat, c'est de la lutte. Bien sûr. Brutaliser. Attends, moi je trouve que c'est du Krav Maga l'amour. Non, mais je fais exprès d'aller à l'extrême parce que j'ai vraiment la fille la plus coincée de toute l'île de France. Ouais. Désolé de pas vouloir me prendre des coups de crocs dans la gueule. Ah, des coups de crocs. C'est une blague. Non, mais cette émission, c'est vraiment un dessin animé, quoi. T'as tous les personnages, tu sais, très tirés. Faudrait faire une BD. Tu sais, t'as l'impression d'être tiré un truc, tous les personnages, ils ont chacun un trait de caractère beaucoup trop développé par rapport à la moyenne des Français normaux. Ah bon? Et Amina du Standard, donc elle, c'est. Mais toi, t'as le droit d'être coincé, et puis c'est tout à ton honneur. Enfin, c'est même pas à ton honneur d'ailleurs. Non, c'est comme ça, c'est tout. C'est, quoi. C'est comme ça, voilà, c'est, voilà. C'est malheureux. Ouais. Je suis hyper heureuse, c'est bien. Non, mais est-ce que un jour, tu veux bien qu'on interview un de tes ex? C'est très marrant ça. Ah oui. Tu sais que j'y ai pensé tout à l'heure. Hein. Ça, je trouve ça, c'est un bon concept d'émission. Ah ouais. Une personne avec qui vous avez couché. Ah ouais. Qui vit. Ah putain, j'ai inventé un nouveau concept. Oh, les dossiers. Non, non. Ça, ah c'est ouais. Drôle. On doit à chacun ramener un ancien plan cul qui est assez ouvert. Ah, non. Oh là là, je trouve ça drôle. Ouais, c'est vrai que c'est rigolo. Ah, je trouve ça drôle. C'est marrant. C'est hyper intrusif. Ah, c'est marrant. De nous. Ah, c'est hyper intrusif, non, Guillaume. Ouais. Franchement. Mais ça se fait pas. Il y a un mec qui va arriver. Alors, ouais, je l'ai démonté, dans c'était génial. Attends, démonté. Dans mon à l'intérieur. Ah, eh ben, on le fera pas pour toi. Ah. On n'invitera pas un, on invitera deux. Ah, pas seul parce que je vais trop gamberger. Comme ça, ils pourront comparer. Non mais c'est... moi je trouve ça marrant de voir une fille avec qui je vais s'agir a déjà fait l'amour qu'elle s'assoit à côté de lui. Ah mais je vais être gêné. Et on doit chacun ramener une nana avec qui on a une relation. On la ramène comme un trophée quand même. Attends, moi je prends la plus belle. Hein. Attends moi c'est attends. Franchement on peut rentrer. Mais la démarche c'est quoi? Moi je peux pas, je suis en embrouille avec tout le monde. Ouais. Ah bah comme d'hab. Non mais c'est vrai, ouais. T'as un problème toi. Non mais avec mes ex tu en embrouilles de. Non, mais grave. Mais ouais, moi non mais j'ai peut-être eu des plans cul quand même avec qui si. Mais la meuf tu l'appelles, je lui dis pas. Mais je pense pas que les miennes elles vont pas parler à la radio. C'est ça, y a personne qui veut venir. Personne voudra. Ouais, je suis le plan de cul de Cid, là, c'est chaud, mais tu vois, ouais, ça... Ou alors quelqu'un qui t'en veut, il acceptera. Non, mais dire voilà, on a eu une relation une fois, voilà. Ouais, c'est rigolo, mais après, les dossiers. Moi, je veux bien. Ramener. Faut convaincre une la meuf. Et voilà, je me demande laquelle. Ouais. Ah bah ouais. Est-ce que t'en as une en tête ou t'es sûr qu'elle va dire oui? Non. C'est chaud quand même. Non. En fait, en vrai, c'est que j'ai pas envie de ramener la plus moche. Ouais. Bah oui, bah c'est ça. Tu vas lui ramener un avion. Ah, faut qu'elle vienne en studio en plus. À côté, chacun de soi. Chacun à côté son un plan cul de sa vie. Je trouve ça énorme. Et qu'elle recouche avec la personne. Non, mais franchement, non, mais juste en mode, voilà, on est bons potes, on rigole, on a eu une relation. Je trouve ça ouf. Ah, moi, je trouve ça rigolo. On sait jamais après l'émission, du coup. Non, mais attends, putain. Par contre, je sais pas trop. Ah, c'est gênant, mais c'est drôle. Je peux appeler. Il faudrait que je repasse. J'ai oublié avec qui j'ai couché, moi. Bah, regarde ton répertoire. Et non, ouais, mais j'ai pas forcément les filles dans mon répertoire avec qui j'ai couché. Ah. Hein. T'as pas une liste. Ça serait plus sur. Ça serait plus sur mon bloc-notes. Sur le deuxième téléphone. Non, mais c'est vrai. Ça serait plus. Tu peux sortir plein de vannes sales, là, mais. Ah, bah ouais. Je les ferai pas parce que j'ai un énorme respect. Moi, je m'entends bien avec toutes mes ex. C'est différent. assez content d'Amina du Standard. Bah, en même temps, moi, je les affiche tous les soirs quand je raconte mes histoires. Donc, tu m'étonnes qu'ils m'en veulent. T'affiches rien du tout. Ils écoutent pas l'émission. C'est pas à cause de l'émission qu'ils t'aiment plus. Je te jure que si. Ils ont pas besoin de ça pour être énervés. Si, si, je t'assure. Non, mais sans blague, je sais, tu aurais une idée si t'avais. Bah, je suis en train de chercher là dans ma tête, mais je vois pas comment j'annonce ça à la fille en fait. Bah, tu dis, voilà, on fait une émission spéciale plan cul. Voilà, faut qu'elle sache que je fasse la radio. On a été plan cul tous les deux. Ouais, on est. Voilà. Attends, faudrait que je ramène. Faut que je check sur Facebook déjà. Si elle n'a pas un mec ou quoi, parce que c'est compliqué. Ouais, j'en ai quand même. Ah si, j'en ai quand même. Je vais chercher, ouais, mais je sais pas qui là. Mais en fait, le truc, c'est que j'en ai pas beaucoup sur Paris, moi. Ah, ça y est, on commence les excuses. Tu payes le voyage. Non, je prends une escorte, au pire, je la paye. J'en ai beaucoup sur Bruxelles. Ah, c'est pas loin. Sur pas Lyon. Loin. Sur Lyon et sur Perpignan, mais moins sur. Un petit peu sur Paris, ouais. C'est un plan cul, hein. Oui, un plan cul, oui, plan cul. Toi, ça serait qui, James Sandard, tu sais ou pas? Je sais pas, je réfléchis, j'hésite entre trois, mais je crois que c'est bien maintenant qu'on soit en couple. Ah ouais? Ouais. Et d'ailleurs, on a fait la. T'as entendu qu'on a reçu Jul ou pas, Mathias? Ouais, énorme. La semaine dernière, on a reçu Jul, voilà, le rappeur marseillais. On a fait une bio musicale, c'est-à-dire que j'ai pris des extraits de ses chansons, je lui ai refait sa vie, ceux qui n'étaient pas là. Avant de commencer ta vraie vie, Jul, pour ceux qui le découvrent ce soir, t'avais une annonce à faire passer. Il paraît que t'as pas eu de place pour la finale de l'Euro, alors qu'est-ce qu'il te faudrait? Ok, bon, on va commencer d'abord. Ce que peu de gens savent, c'est que tu t'es fait opérer il y a très longtemps et tu t'es même fait poser les faux seins au début. Et après l'opération, t'es rentré au quartier et t'as demandé à tes potes. Dites-moi si j'ai changé, dites-moi si je suis pas. Et du coup, les gros seins t'ont permis de te rapprocher du milieu du football. Voilà, t'es devenu très copain avec Zlatan Ibrahimovic. Vous allez souvent déjeuner ensemble et une fois vous êtes même allé à Flunch, mais il a volé toutes les frites à volonté. Poto, on t'a cramé, tu t'en mets dans le nez. Et t'as aussi rencontré une autre star, Pierre Ménès. Tu l'as même aidé à déménager l'été dernier. Il faisait 35 degrés dans l'ascenseur. Ça commençait à sentir fort et tu lui as dit quoi? Je suis gentil mais gros, ne lève pas les mains. Alors, après ça, t'es devenu rappeur. T'as même rencontré Booba avec qui t'as eu une relation. Après, quand vous avez fait l'amour, il a essayé de te parler. Tu lui as répondu quoi? Ça y est, je suis vidé. Non, je t'écoute même plus. Et vous, du coup, vous faisiez beaucoup d'orgies ensemble, beaucoup de filles, beaucoup de mecs. Et quand il n'y avait pas assez de monde, tu lui disais. C'est ce que t'as fait de mer. Et dès qu'une personne s'approchait de toi ou tes fesses, tu lui disais. C'est juste un conseil, c'est comme tu le sens. Ici, il y en a beaucoup qui ont touché le fond. Et là, bon, trop c'est trop, tu arrêtes les orgies, tu ne vas plus dans les clubs échangistes. D'ailleurs, pourquoi? Que personne te ferait un deuxième coup de balle. Et puis finalement, tu te ressens sur ta carrière de rappeur et tu rencontres le vrai succès. T'enchaînes les tournées et sur scène, il n'y a qu'une seule chose qui te dérange, c'est que parfois tu mets des slips un petit peu trop serrés. Et qu'est-ce qu'elles font tes couilles dans ce cas-là? Elles se frottent à gauche. Elles se frottent à gauche. Et c'est à ce moment-là que tu rencontres Vita, avec qui tu as fait un super featuring. D'ailleurs, au final, t'en penses quoi de Vita? Elle fait la star, mais elle est pas belle. Elle me fait de la peine. Et tu rencontres aussi Faudel, avec qui ça se passe très mal. D'ailleurs, t'as jamais voulu aller manger chez lui, pourquoi? Sorcellerie dans le couscous. Mais bon, à cause d'eux, tu retombes dans le libertinage et tu participes à la plus grande partouze d'Europe. 5000 personnes, tu te sentais comment là-bas d'ailleurs? Je sais plus où la mettre, je sais plus de quoi et qui veut me la mettre. Et c'est là que tu recroises Pierre Ménès, qui a arrêté le foot et qui est devenu stripteaseuse. Qu'est-ce que tu lui disais à Pierre Ménès quand il dansait autour de la barre? Bouge ton boule, vas-y, bouge ton boule. Le rouge à lèvres, ça ne va pas. Et bon. Oh putain, c'est un truc de fou. Et en ce moment, t'as l'air de t'être posé, t'as l'air hyper cool, hyper gentil et tout, mais bon, on te voit dans les magazines avec Mimi Mati dans les journaux. Comment tu décrirais votre relation? Elle m'attire pas, c'est pas ça, mais un verre de trop, j'ai envie de laquelle. Ah, c'était la vie de. Tu l'avais entendu ça, Mathias, en direct, du coup, là. Ouais. Quand elle a pris Jul. Je t'en avais rigolé, c'était jeudi dernier, du coup, là. Mais ouais. Gilles Stagiaire, il va ramener Jean-Jacques Moustache pour témoigner qu'il avait touché du coup. N'importe quoi. En fait, la première fois que j'ai rencontré Gilles Stagiaire, en fait, il sortait d'un bar. Je te vois venir, non, c'est faux. Je t'avais raconté Mathias qui passe là ce soir de. Mathias, c'est du mytho, écoute. Tu sais comment Gilles Stagiaire j'ai rencontré ou pas? Dis-moi. En fait, je me rappelle, je sortais d'un bar un peu jazzy jazzou. Genre. Tu vas pas là-bas. Et je vois Gilles Stagiaire, à l'époque il avait une moustache. Rebiquée. Ouais. Et il était main dans la main avec un homme qui ressemblait un peu à Robert Rue. Un peu à Edouard Balladur. C'est marrant, Robert Rue, je l'ai vu il y a pas longtemps. Il était avec son copain à fumer la pipe. Ouais, ok. Et Gilles Stagiaire, il est venu me serrer la main et il m'a dit. J'adore ce que tu fais, etc. J'ai dit, bah écoute, merci, je peux pas t'en dire autant, je te connais pas, mais c'est très gentil. Et je lui dis, mais tu sens quoi? Il me dit, je sens le schnapps. Et j'adore, en fait, moi ce que j'adore, c'est embrasser mon mari et quand il a la moustache pleine de schnapps. Ah, c'est dégueulasse. Et donc à l'époque, j'étais déjà sorti avec un homme et quand il s'embrassait, il y avait les deux moustaches qui faisaient scratch. D'accord. Et qu'il y avait une odeur de schnapps. Et j'aimais ça, du coup, c'était mon. Et la première fois, je l'ai vu sauter en fait sur les genoux de son mari. Sur ce jazzy jazzo. Ah, c'est malsain ton histoire. Et son mari lui mettait des billets dans son string. Ah, je dansais pour lui, c'est super. Tu sais que je pourrais payer très très cher pour voir une scène comme ça. Ah, mais c'est clair. Pas moi. Je pourrais payer pour voir un autre mec. Très cher. Non, pour voir toi avec un homme. Pourquoi moi, oui. Qui saute sur ses genoux en train de se faire mettre des billets dans le slip. Ouais, tu peux rigoler 2 ans. Ah, le respect, il est pas trop là. Bon, et puis en tout cas, Nico, entre Nico de la Louvière, Antoine, Dornan, Normand, Jimmy de Dieppe, Patrice de Nice, et puis Mathias Keller, on va parler dépucelage d'Originaux dans 30 secondes. On se raconte notre histoire. Tous les matins sur Énergie, à 7h05 et 8h05, Manu double votre salaire. Clément ? Oui ? De Bourges ? Oui, c'est ça. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Oui, c'est moi. Hey, tu touches chaque mois 1391 €. Je vais le doubler, ça va faire pour toi. Aujourd'hui, bim, 2782 €. Oui. Superbe. Retrouvez le règlement et inscrivez-vous dès maintenant sur énergie.fr. Énergie double votre salaire avec Manu dans le 6-9. Gagnez toute la journée votre compil Énergie Summer It Only 2016. Tous les hits sont réunis sur 3 CD avec en exclu David Guetta et Sarah Larsson, Slimane, Deoro, MHD, Amir, Imane, Koons, Willy William et Chris Kapp, Sia et Sean Paul, DNC, Kinvé, Mom, Vita et Jul, Will.i.am, Bob Sinclair. La compil Énergie Summer It Only 2016. Vendredi dans les bacs. Energy. Non-stop hit music. Energy. Énergie, hit music only. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. To say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home which are talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Thinking too much. Première émission de France le soir. Bienvenue chez vous. c'est Guillaume Radio 2.0. 22h, 1h sur Énergie. Le stagiaire, il aime trop les moustachus tous les soirs après la radio. Il mais prend non. un album de Tintin et se branle devant du coup. Ça va pas ou quoi? En plus, je kiffe Tintin, mais sérieux. Non, c'est pas drôle. Ah là là, on est en direct sur Énergie. On est avec Mathias qui vient d'appeler Duster. Tu m'entends toujours, mon Mathias? Ouais, et, ouais. Et qui voulait parler de dépucelage original. Attends, j'ai reçu une lettre aujourd'hui d'ailleurs. Ah. C'est un t-shirt pour Flo des cadeaux. Ah, cool, ça fait longtemps. Ah, deux t-shirts. Ah. Ah, je peux en mettre qu'un, désolé. Ah, mais c'est un débardeur en plus. Un t-shirt. Ah, on verra tes bras. Santa Merci Maria. Beaucoup. 500e anniversaire d'American Navigator. Ah, c'est des t-shirts achetés. Mais ils sont neufs en plus. Aux USA. Ah, bah oui, merci. C'est reçu, c'est la première fois qu'on a des t-shirts neufs. Oh. Ah ouais, ah bah je vais les garder. Merci. Et un t-shirt, voilà. Un t-shirt gris neuf. On va les servir alors. Tu vois. Bah, merci bien. Beaucoup. Alors, attends. Fais du café dessus au pire. Pourrais-tu m'envoyer une carte de l'équipe dédicacée Émile, bien sûr, Émile. Salut Émile. De Vigneux sur scène, avec plaisir. Salut. Flo des cadeaux de la part d'Eric Citaro. Salut, Eric Citaro. On peut trouver ton livre. Toi, t'es tellement con. Où ça? Salut, Eric. Eric du 91, là. Salut, salut à toi. Alors, attends, et t'as reçu le t-shirt. Flo des cadeaux. Ouais. Tiens, c'est cadeau pour toi. Ah, ouais, attends. Ah, merci. Je reste j'arrive, je vais te le livrer. Pour une fois qu'ils sont neufs. On va te l'envoyer. Merci, Eric. Ils sont merci, pas si Eric. Neufs que ça, je crois. Ah, merde. Des... Ah, cool. C'est quoi, voilà. Sympa. Vous, en fait, je vous explique Flo des... En fait, Flo des cadeaux pour vous expliquer. À chaque fois que vous envoyez une lettre, je avec un t-shirt à l'intérieur, on lui donne. Il est obligé de le porter toute la soirée. S'il est engagé, est-ce qu'il porte des trop mauvais vêtements? Il n'a pas l'air tout propre, non, non. Si, si, si. Le ça col, va. Si, ça va. Ah, c'est sympa. Merci, mon Eric. Merci, Eric. Merci, ouais. Tu l'appelles toujours, j'ai un stagiaire, mais est-il vraiment stagiaire? Non, il est à la retraite maintenant. Ouais, je cotise déjà. Là, merci les gars de passer 21 Pilot, je vais pleurer, je vous adore, salut le Dia Marseille. Salut. Merci. Salut à toi. Alors hey, Mathias Dosser, alors dépucelage originaux, tu disais en gros t'avais dépucelé une fille. Non, je me suis fait dépuceler. Tu t'es fait dépuceler, oui, oui, pardon. Mais oui, ce que je voulais dire, pardon. En fait, c'était une pote de ta sœur qui t'avait offert ça pour ton anniversaire. Ah, ouais. C'est rigolo. C'est ça. Plus beau mais, des cadeaux. Voilà. Mais ça, c'est, je savais pas que. Ah, il y en a plein qui veulent. Pour moi, c'était un peu dans les films de cul, non. Ça. Non, ouais. Parce voilà, que. Elle est super open, elle est super open. Oui, mais tu lui plaisais quand même un minimum, sinon elle aurait pas fait. Ah, bah oui, oui. Après, elle me trouvait mignon. Moi, je la trouvais super jolie aussi. Faut le faire tous les ans, hein. C'est tous les ans, les anniversaires. Et t'as fait des trucs, genre, je sais pas, un peu originaux. Tu l'as mis dans les fesses ou quoi? Ouais, on a fait 2-3 trucs originaux, mais c'était du vite fait. Hein, t'sais, j'ai pas duré 3 heures. Ouais. Bah, t'es stressé. La première. D'accord, t'as, c'est marrant, quoi. J'ai un stagiaire. Pour ton dépucelage, on te l'a mis dans les fesses direct. Putain, la question. Il est comme Mathias. Non, non, jamais, non. Est-ce que ça a duré 3 heures? Ah, non. Lui, c'est un pote de sa sœur, t'sais, qu'il y a des. Un pote. Pour son anniversaire, pour ses 17 ans. Une pote de ma sœur, une fille. Ils ont gagné sur un bar. N'importe quoi. Message qui arrive. Bah, attends, je vais le retrouver, mec. Avec Dupont et Dupont. Ouais, tu vas voir, Dupont. Salut Guillaume, ça vient d'où votre truc? C'est qui le papa? Ah, ça veut dire que tu es nouveau. Merci d'arriver en masse à découvrir l'émission et tout. C'est un jour pendant un classe, j'ai énervé un père et à un moment donné, j'ai fait. C'est qui le papa? Voilà, j'ai crié c'est qui le papa, puis on l'a découpé, on l'a gardé du coup, puis ça restait un gimmick de l'émission, quoi. Johnny Calvici, alias Julien Stagiaire. Non. Devrait prendre ses poils de cul ou de bite et se faire une moumoute en plus sur le front. J'ai pas pu venir à Caen, j'aurais aimé inviter Mina au restaurant. Bisous sur tes fesses, un princesse du standard, ton fidèle admirateur, le militaire. Bisous sur la joue. Oh là là. Tu fais exprès ou c'est tu rejoins bisous sur les fesses. Est-ce que tu dis ça aux gens dans la rue? Ça va. Non, et bah alors c'est pareil. Putain, je vous kiffe, dédicace à mes copines de pommes. Oh là là là, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Accepte un bisou sur les fesses. Non, j'accepte un bisou sur la joue, sur le front. C'est drôle. Dans la série Guillaume Radio 2.0 saison 5, j'ai un stagiaire fini en couple avec Guillaume du standard. Jamais d'avis. Amina meurt. Amina Zahra meurt et Flo se virait pour faute d'hygiène grave. Content de te voir, Bastia. Tu es génie. Forza Guillaume. Merci, Jeanne Bastia. Salut. Ah, c'est gentil, les gars. Bon, et en tout cas, Mathias, dépucelage original. Est-ce que vous avez déjà fait pareil, un dépucelage original? Amina du standard, c'était quoi ton dépucelage original? T'avais commencé à le raconter tout à l'heure. Ouais, bah c'était le mec avec qui je suis restée 4 ans et au bout de plusieurs mois, bah finalement on l'a fait et c'était dans la baignoire, chez lui. Dans le bain. Ah oui, c'est vrai. Dans le bain sans eau, dans le bain sans eau, non ? Si, si, bah ah si, ouais, tu t'es fait. Mais t'avais pas peur, qu'il y ait une marée rouge ? Grave. Non. Ah oui. Non, mais ça va, je suis pas un petit canard. Non, mais ça n'a rien à voir. Il y a des filles qui saignent beaucoup. La première fois. Mais c'est pas grave, c'est normal. Moi, je fais une 50. Parce que toi, t'avais peut-être l'hymen qui avait déjà craqué. Il y a beaucoup de filles qui ont les hymens qui ont déjà craqué, je crois. Par exemple, j'ai dépucelé plusieurs filles, j'ai jamais eu une fille qui a saigné. Ah ouais. Ah merde. Tu fais l'équitation, la gym, des trucs comme ça, du vélo. Si t'as fait un peu de sport. Et si elles se mettent des doigts, les filles avant, ça claque. Oui, aussi, ouais. Par exemple. Hymen explose. Gym Sandar. Je vais te faire rien à rajouter par rapport à ce qu'il y a de dire. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Non mais alors, et donc Amina Nujtana, dans l'eau, c'était pas désagréable alors, t'avais aimé? Bah c'était pas non plus hyper agréable. Déjà c'est la première fois donc ça fait vraiment bizarre. Et ouais, non. Genre, vous avez mis de la mousse et tout, vous voyez pas votre corps ou vous voyez quand même le corps? Non, à la base, on prenait un bain moussant en fait, on prenait souvent des bains ensemble. Ah ouais, donc t'as rien vu en fait? Bah. Et ça faisait pas genre une énorme tub dans l'eau? Tu l'as pas vu venir? Non, bah si, je savais quand même, j'étais au courant. Mais parce que forcément, il est pas arrivé en surprise, bah, tu vois, il m'a pas fait un plaquage. La tête dans le petit bateau. Le mec, il m'a pas coulé, tu vois ce que je veux dire? Arrêtez. Non. Il avait juste la bite qui l'avait passé la mousse. Ah ouais, le grand malade. Non, non. Non mais ça aurait été marrant. Non, non, merde, j'étais, tout le monde était d'accord, tout allait bien. Et donc ça t'a pas fait trop mal Non, ça va. Par contre, la deuxième, c'était un calvaire. Ah ouais, vraiment, c'est vrai. Ah ouais, je sais pas, j'avais hyper mal et tout, catastrophe. Et mamie m'a dit, bon bah écoute, tant pis, hein, s'il faut qu'on le fasse dans la baignoire pendant 10 ans, on fera ça dans la baignoire si ouais, ça passe mieux, quoi. Ah ouais, là, ça passait mieux dans l'eau, quoi. Ouais, ouais, ouais, non, c'était chaud. Ouais, il fallait mieux le faire pour que ça rentre. Hein. Et dans les fesses, dans l'eau ou juste devant? Juste devant, toi. T'aurais pu essayer la sodomie aquatique. Ouais, c'est vrai, non, mais... ça rend mieux dans l'eau. En plus, c'est la première fois et tout, ça va, mollo quand même. Sur l'inspecteur Gadget. J'ai mis le dessin animé, sodomisé dans le bain avec l'inspecteur Gadget. Au calme. T'es trop chelou. Inspecteur Amina. Sodo. Oh là, je suis là. Et ton mec il avait mis un chapeau quoi, c'était un imper. C'était tellement sexy. J'aime le Zandar. Non, je voulais faire une blague, mais Flo de Gadeau qui l'a dit. Ah, c'était Gogo quoi la blague? Gadgeto, ouais. Ah, Gogo Gadgeto Sodo. Gogo Gadgeto Sodo. J'ai été dépucelé par une cougar, j'avais 20 ans, elle avait 36. Oh, salut, psychose du Morbihan dans le 56. Ça, rien joué. Amina veut pas de bisous sur les fesses, mais dans les fesses, salut. Bien renseigné. Salut Guillaume. Mais sous l'eau, il faut une cape, enfin, tu peux pas mettre de cape. Amina, du standard pour remplacer le valet que t'as dans les fesses, je te propose mon engin, salut, dédicace à toi. Merci, tu peux le garder, c'est gentil. Salut, soyez honnête, qui n'a pas fait le sous-marin avec sa bite dans le bain? Bah oui. Bah c'est un jeu, oui. Bien sûr. C'est quoi ça? Si tu laisses juste ton gland dépasser, non? J'imagine. Bah ça, c'est même pas faire le sous-marin. Lui parle un peu après, le requin. Amina, pour embrasser une dédicace à Julien Stéger, Johnny Calvici, j'ai embrassé Amina, t'en rends le coup, j'ai un routier. Là. Salut! Bonsoir à toi, j'ai été dépucelé aussi par une. Alors on va en parler, les dépucelages originaux. Guillaume, et votre message aussi sans doute, est-ce que vous êtes déjà fait dépuceler de manière un peu originale? Flo des cadeaux, c'était quoi toi ton dépucelage original? Moi je me suis dépucelé dans la maison de la fille chez qui je baisais. Ah oui, c'est ça. Chez qui je baisais. Ils étaient allés juste à côté donc c'était un peu. Mais quand tu dis baiser, c'était un plan cul, c'était. Non, non, c'était un peu amoureux quand même la première fois. Non, non, ouais, je suis resté longtemps avec elle. Combien de temps? Je suis resté 3-4 mois. Ah oui, donc c'est pas très longtemps. Mais ça faisait un an et demi que je la draguais, quoi. Ah ouais. Salut Guillaume, on vient de rentrer dans la voiture avec la famille, on rentre de la fête de la musique, on s'installe, mes parents allument énergie, et là, Amina du Standard parle en disant l'hymen qui craque. Ah. Trop grand berger. Et bonne fête de la musique les gars, si vous rentrez, on est en direct, il est minuit 34 aujourd'hui. Ouais. Je me laisse pousser la barbe. Il y a eu du foot tout à l'heure. Et la Croatie a battu l'Espagne 2-1. À l'Euro. Ceux qui suivent le match, y a pas de problème, on vous suit en direct. Je suis l'ex d'Amina, si tu m'appelles, si tu racontes la première facette pour un sodo. Eric du 49 avec ma prof à 17 ans avec un pote. Non. J'ai joui au bout de 3 minutes, j'ai remis ça à la sodomie tenue 10 minutes. Salut à toi. Ah ouais, putain, c'est long 10 minutes. Et toi Guillaume? Alors non, moi j'avais déjà dit, hein, j'ai fait à 17 ans avec une fille de 38. Avec Diane. Avec un couple échangiste. j'ai commencé un peu décalé quoi. Voilà. Julia qui est en stage chez nous, tiens viens. J'ai mis ta photo, vous êtes nombreux à l'avoir liké, dis donc petit salopard. Ah ouais, merci beaucoup. Sur la page Facebook là, Guillaume Play et puis LY, on a une fille qui est en stage chez nous jusqu'à les vacances d'été, et vous étiez nombreux à me demander de mettre une photo de Julia, alors on l'a mise tout à l'heure. Ah ouais, dis donc, vous êtes nombreux à avoir liké la photo là. Ah merci. C'est le moins qu'on puisse dire qu'elle est jolie, voilà le top commentaire. Des faux airs de Manodou. Ah non, pas du tout. Ah non, mais non. On me l'a déjà dit. C'est vrai. Manodou, elle est grande, elle est non, carrée. Non, mais en fait, c'est parce que sur certaines photos, tu peux avoir un air de machin, un air de machin. Ouais. Moi, en vrai, y en a un qui dit une petite ressemblance avec Lana Del Rey. Ah, c'est cool. Marina Cher, ouais. J'adore. Ah oui, ouais. Salut, après Julien Stagiaire, voilà Julien Stagiaire. Ça, il n'y a pas de problème. Sourire forcé, morte de rire. Très joli. Salut à toi. Oh là là, ça fait longtemps que je cherchais, que je cherche la radio, mais je trouve qu'il y a toujours la musique et la pub. Et là, enfin, j'ai trouvé. J'ai pas compris, mon poteau Harrison. Salut. Salut. Reste vous êtes là. Vraiment des buts parce que dans les commentaires, il y a des mecs qui balancent des spoils pour rigoler. Il dit, je vois pas du tout le rapport avec la mort de 1 dans la série 1, tel épisode. Ah, ouais. Voilà. Moi, je m'en fous, je vois pas Game of Thrones, mais enfin bon. Tu débris pour qui? Tu changes d'origine quand tu te maquilles. Ce soir c'est la guerre, j'ai montré Itaki. Tu roules du cul comme je roule mon joint de paki. Je trouve qu'elle ressemble à une actrice dans American Horror Story. Oh non, je trouve pas. Bon, non, ah, je connais pas cette série. Non. Elle est plus fraîche que l'actrice dans American Horror Story. Ah mais Lana Del Rey, ça me va. C'est cool. Lana Del Rey, ouais. Elle est belle. Elle a un peu une tête de canard quand même, non? Julien, il est de canard. Et c'est fait super lifté, non? Ouais, il y avait une comparaison. Non, c'est sa bouche surtout. Attends, ouais, c'est fait lifté. Non, mais elle est très mimi, hein, y a aucun problème. Elle est pas naturelle, quoi. C'est juste, elle a un peu. Tu sens que. Bah, pas de elle a de l'oseille aussi, donc. Non, mais tu sens qu'elle sort pas de l'emballage, quoi. Ouais, elle est pas fraîche. Tu sens qu'il y a eu. Et retouche. Tu sens qu'il y a eu un échafaudage de plus. Customisé. Amina, du standard, bisous sur ses boobs. Moi, je me suis fait dépuceler par ma main droite depuis Nous Vivons l'amour parfait. Mais t'es vrai, ça fait super longtemps que j'avais pas écouté Guillaume Radio 2.0. Et Amina, elle est carrément décoincée maintenant. Ah non, pas du tout. Ouais, bah c'est. Non, elle est pas plus décoincée. C'est normal. Elle est même plus renfermée qu'avant. Bah non, tu vois. Comme une fleur qui a pourri, tu vois. C'est non, c'est pour rire. Tu débrises pour qui? Une petite moule qui se. C'est drôle. Tu sais, Guillaume, moi je me suis fait dépuceler par ma meilleure amie. Comment on fait pour avoir le suite de l'émission? Ah, c'est sur le site Play, P-L-E-Y. T-I-M-E, playtime.fr. Le sweat et le t-shirt de l'émission. Merci les potos à ceux qui le portent et qui nous aident à faire connaître l'émission. Vous êtes les meilleurs, je vous embrasse les gars. Moi je trouve que tu ressembles à Decaune à l'époque de Canal. Toi mais non, pas Decaune. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est très gentil, j'aime beaucoup Decaune. C'est pas du tout la question, mais je trouve pas. Physiquement. J'ai un stagiaire, il va au musée Grévin, il se fait enfermer pour se broyer toute la nuit sur la statue de Freddie Mercury. Ouais, ça va pas ou quoi? Je vais te tenir avec tes frères. N'importe quoi. Pétition pour qu'il y ait moins de mais moins de vide pour l'émission. Allez mec, franchement, on a passé 5 titres en 4 heures en gros. Franchement, attends, arrêtez de vous donner notre gueule. Laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard, les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. Lucas Akinwe qui est à Fourmi dans le 59 du Chevalier. Qu'est-ce qu'il y a, Mina du Standard? Non, j'ai vu un message qui m'a vraiment fait rire. Ah, dis-moi le chiffre. 27-13. 27-13, très bien. Amina a des faux airs de Laure Mamadou, Abdel. De Laure Mamadou, j'ai pas compris. Ah, c'est de Laure Mamadou, c'est ça? Merci, Abdel. Salut, Abdel. De Laure Mamadou, salut à toi. J'en peux plus, vous êtes énorme. Dédicace à Maraïchou, j'aime de tout mon cœur. La stagiaire, elle ressemble à Clara Morgan. Oh non, pas du tout. Ah non. Pas la même couleur de cheveux. Non. Je croyais que t'allais dire tout sauf ça. Après, elle est belle, Clara Morgan. Amina, elle est. Amina, elle ressemble à la mère supérieure dans le gendarme à Saint-Tropez. T'as raison, toi. Mais malade. Énorme. Ah ouais, c'est vrai. Salut Guillaume, j'ai débuté, je suis stagiaire, on était dans le noir. Je croyais que j'ai embrassé le cul, en fait c'était son crâne, Maurice. Ah bah vas-y Maurice, rappelle. Faut qu'on se voit Maurice, faut le noter. Non. Le mec qui a débuté, genre, tu sais, tu te sors une connerie. Faut le noter pour un sketch, ça. Le mec qui a débuté, tu te sors un nom de chauve. Y'a qui est chauve, Barthez. Qui est connu. La gaffe. Ouais, le mec qui a débuté, c'est Fabien Barthez. Ouais. Le mec qui a embrassé le cul, embrassé les crânes. Oh. Bah, tu peux faire des vannes. Ouais. Salut à toi, c'est cool d'écouter Énergie grâce à un jeu vidéo. Ah, t'écoutes comment toi? Salut gars là. Moi je me suis fait dépuceler par Julien Stagiaire Marcel du 49. Ah salut Marcel, tu vas bien? Salut Marcel. Ça fait longtemps tiens. Bonsoir Guillaume, ce message juste pour te dire à quel point je vous trouve génial. Je pense qu'aujourd'hui en France, on a pas assez de gens fous comme vous, vous redonnez le sourire, je vous connais depuis le début de l'émission et au début, j'ai pas la suite. Ah merde. Donc faut que tu me renvoies un autre message gros. Amina du Standard ressemble étrangement à la sorcière dans Blanche-Neige. Mais c'est ma fête aujourd'hui, c'est quoi? Merci hein, pour les messages et tout, ça nous fait super plaisir que vous nous envoyez. Merci beaucoup pour tous. Guillaume, au début de votre SMS, si vous tombez pour la première fois par hasard sur moi, sur l'émission, sur Énergie, on est en direct, il est minuit 40, on est là jusqu'à 1h du matin. Julia qui est installée chez nous, alors vas-y, est-ce que tu as eu un dépuceage un peu original? Bah moi c'était pas que c'était original, j'ai fait dans un lit et tout. Tu peux te faire dépuceler deux fois. Ouais, bah, deux mecs en même temps. Avec les filles, voilà. Ouais, non, mais en fait. C'est la chance d'avoir un double. tout le début. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, bah, c'est exactement ça. C'est que j'étais dans un lit normal et tout. Mais moi, ma première fois, c'était avec une nana. Donc, du coup, pendant des mois, je me suis demandé si vraiment j'étais dépucelée ou pas anatomiquement. Et du coup, voilà. Putain, c'était à quel âge la première fois? C'était à 18 ans. À 18. Ah, c'est pas si tôt que ça. Ouais. La moyenne, t'as attendu. Bah non, mais je sais pas, moi je voulais coucher avec quelqu'un que j'aimais et c'est arrivé quoi, du coup. Ah, c'est ouf. Et t'as pas eu d'occasion vraiment avec quelqu'un que t'aimais avant? Ouais, non, bah non, du coup. C'est tard pour une fille, 18 ans quoi. Bah non. Enfin, t'aurais pu plus tôt, mais non, bon, t'as eu le message. Bah ouais. La moyenne c'est 16 pour les filles et 17 pour les garçons. Ah, ouais. Non, on galère à chaque fois. C'est 2 ans plus tard après, bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas tard, même 20 ans, même 21 ans et tout, c'est pas tard, mais bon. Faut attendre le bon moment. Faut attendre le bon moment. La bonne personne surtout. Voilà, exactement. Et c'était bien ou pas le dépucelage? Ouais, non, c'était cool, c'était nouveau et tout, bien sûr. Mais après, quand j'ai connu le sexe avec un garçon, bah j'ai rien senti de, enfin j'ai pas eu mal ou quoi que ce soit, donc je pense que vraiment, du coup bah je pense que je me suis fait défuceler par une meuf et c'est assez bizarre non, psychologiquement quoi. Pourquoi? Bah je sais pas, parce que c'est pas un autre, enfin je sais pas, c'est pas ouais, c'est juste qu'il y avait pas de zizi quoi. Ouais, voilà. C'est pas, oui, il y avait un gode ou pas, non, pour le dépucelage? Non quand même pas. Non, bah, c'est pas pour la première juste fois. Des mains, non, quoi. Mais t'aurais pu tomber, elle était plus âgée que toi ou pas? Non. T'aurais pu tomber plus, sur une nana qui était plus habituée. C'était une bi ou une lesbienne? Non, bi. Bi, deux bi. Elle est en couple avec un mec ou avec une fille aujourd'hui? En couple avec moi, donc du coup. Ah, toujours? Ouais. Non, sérieux, toujours la même? Ouais, bah oui. Et en fait, on s'est séparés pendant. Enfin, on a une séparation où j'ai couché avec un mec. Putain, c'est ouf. Voilà. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Ah, t'es toujours avec la même personne depuis 4 ans? Ouais. Putain, c'est dingue. C'est ta meuf, c'était la bonne alors. Ouais, t'as des gonzesses quoi. De quoi faire les cadeaux? C'était la bonne meuf avec qui se dépuceler. Ça va, elle a pas 75 ans. Ouais. C'est encore avec. Attends, elle aura le temps de faire Gogo, ouais. Gadgetto. Non, mais après t'auras l'occasion. Et t'as couché avec un seul mec? Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, putain, c'est ouf quoi. Bah, voilà. Et alors, ça t'a fait? C'est vachement différent d'une meuf, hein, j'imagine. Non, mais c'était cool, c'était différent, cool. Mais j'ai pas eu mal ou de trucs comme ça. Ouais, non, ça t'a pas. Enfin, ça m'a. J'ai kiffé quoi. Ouais. Ah, c'était pendant une. Vous êtes séparés quelques temps. Ouais. Et du coup, tu l'as pas trompé vraiment quoi. Non. Julien Stagiaire se fait enculer par 1900 et quelques temps. Oh là là, c'est un message. Moi je l'aime bien, Julien Stagiaire, soutien à toi bro. Ah, merci bro. Salut, je vous adore, continuez comme ça. Et salut, un gros bisou à Mina du Standard sur sa peau morte entre ça et son. Dégueulasse. Ils sont les gars. Julien Stagiaire est tellement con qu'il met sa vie dans un tricrayon pour se faire une fellation. Ouais, grave, vachement. Salut Guillaume. Alors attends, il y a beaucoup de messages à la con là. Je sais pas pourquoi il y a une embellie de messages débiles. Ouais, attends, salut Guillaume, merci d'avoir regardé tous les soirs. Encore une équipe qui fait ça pour le plaisir de la radio. Je t'embrasse mon poteau. Salut. Merci beaucoup. Amina, rendez-vous toujours tenu pour le Club Libertin après l'émission. Ouais, salut. J'ai perdu ma virginité à 23 ans et mon ex en avait 35. Bah, c'est bien. Ouais. C'est ouf. Hein. Grosse dédicace en rentrant du Luxembourg à David le Bigleux. Bisous à vous l'équipe. Salut Paulin de 57. Salut, et ta nana, Julia, elle a déjà fait des trucs avec des mecs aussi, ou pas? Ouais, bien sûr. Bah plus, ouais. Ouais, ouais. Elle est sortie avec des mecs et tout, et je sais pas, on s'est trouvés. Et... Ah, c'est marrant quoi. Ouais. C'est genre, après, t'auras une autre. Imaginons que tu te sépares. Ouais. Tu fais pas ça du tout, mais. Bien sûr. Imaginons après, est-ce que tu vas être attiré par une meuf ou alors t'es attiré juste par une personne, peu importe le sexe en gros Je pense que c'est ça, c'est peu importe le sexe. Et c'est la grande question que je me pose, est-ce que après j'irai vers les meufs ou vers les mecs, j'en sais rien. Je pense que les deux quoi. Et t'as jamais invité un mec dans votre couple? Non, ça on n'a pas fait. Ça, c'est vrai, ouais. Elle est moins ouverte que toi, si vous voulez, elle est plus ouverte. Ouais, un petit peu plus, enfin ça c'est pareil, franchement c'est pareil. Mais ça nous tente pas là pour l'instant. Je viens de me faire opérer d'une double fracture de la main, je vous écoute dans mon pieu, bisous sur la rondelle laminale. Alex du 49. Oh, j'en peux plus, non mais c'est clair, c'est abusé en vrai. C'est trop sale, ouais. Tu vois pourquoi? Ouais, je m'en vais, je vais faire un tour, je reviens. Y a pas un message normal au moins? Ah, ouais. Salut, je viens de me faire opérer, ton émission c'est là, ah oui, ton émission c'est L'âge de glace, Flo c'est Sid, JM c'est Buck et Julien c'est Scratch, il aime les glands. Julien Stagiaire, c'est tellement fait prendre par les anges que sa rondelle c'est une Stargate, salut. Ah, oui, bravo, vous connaissez la différence. Alors merci beaucoup, hein. Je vous adore, continuez. Julien Stagiaire, je veux faire un blanc avec deux femmes bi et merci beaucoup. Et Amina, regarde. Non, mais, c'est quoi, c'est... J'ai une moi. Question pour JM du Standard, est-ce que sa voiture est une Ford bleue qui est conduite près de Bagneux dimanche dernier? Non, j'ai pas de voiture, mon pote. Parce que j'ai vu un mec qui lui ressemblait et qui s'enjaillait sur du Joule. Donc ça répète lui, hein. Ça répète, ouais. Tôt ou tard les loups se feront manger par le berger. Je me laisse pousser la barbe, je suis pas bien, je me laisse aller. Tous les jours une couille, où t'es mon dieu, où t'as pas de vol. Salé en boîte en tingo, j't'ai loin. Il a mis la nouvelle hier. Ah ouais. Salé en boîte en tingo, j't'ai loin du mal. I'm parking. Allez le sang, allez on nique. Allez le sang, allez on nique. Allez le sang. Mais celle-là elle marche moins bien quoi. Ouais elle est moins forte. Allez le sang il dit. En fait il y a le kick derrière. Il fait pas bouger la tête. C'est l'impression que ça part pas quoi. C'est un nin nin nin. C'est un peu. Alors que celle-là par exemple, tu vois, tu sens que elle glisse là. Ça c'est un hit. Tu sens la différence quand même hein. Là on sent que ça marche déjà. Ça marche entre les deux. Ça marche déjà plus. Ça. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Mais ça. Ça marche moins bien quoi. Ouais, c'est après c'est pas le même style quoi, mais bon. Salut Guillaume, Amina elle va se faire mettre par un bon corse. Ouais bah ouais. Forza Corsica, plus, salut à toi. Plus, oh, plus. Oh les Corses, salut. Qui veut Amina, Bastia Bah oui, doucement quand même. Ah là là, vous êtes énormes les mecs. Plus. C'est normal, pour Amina c'est une bebe, tout doucement. C'est quoi une bebe? C'est quoi une bebette? De quoi? C'est quoi bebe bebette? J'ai pas une bebe beurette, j'en sais rien. Ah, bah j'ai merci, vu une vidéo, c'est ouf dans votre émission chien. C'est la petite mère qui accroche au cul, qui prend. Merci beaucoup les chiens. La petite mère, c'est une grosse mère. Mais les gars, elle est SMS, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe les gars. Ils sont tendus ce soir. Amina, je t'aime, t'as une belle voix, bisous sur ta joue. Bisous. Moi, je l'aime bien, j'ai un stagiaire soutien à toi. Ah, merci beaucoup. Toi, t'es à mon compte, tu crois que j'ai un stagiaire hétéro, bisous à Dieu. Bah, c'est la vérité, c'est tout. Hein. Salut à j'ai un stagiaire, j'ai torpillé toute la nuit, ciné contre Chitavur. Ah, bonsoir Conchita. Bisous sur le clito d'Amina du Standard. Ah, salut. Je t'embrasse. Ah là là, énorme. Amina est constipée ou quoi sur les doigts de ton cul un peu? Non, j'ai la chiasse. Ça va Oh là. Allez, du tal. Are we awake? J'ai essayé de se frapper les testicules au marteau devant Dora l'exploratrice. Ou quoi, sincèrement. Je biffe la Mina du Standard et je défends son petit corps. Ouais, bah oui, t'as raison. Ah, rigole moins quand c'est bien. Ah ouais, c'est ça. Un grand malade. J'ai essayé de se faire déchirer la nuit dans l'ascenseur d'énergie. Mais de quoi? Eh, mais vraiment, les gens, sincèrement. Ah là là, qu'est-ce que vous me faites rire, les mecs. Ouais, moyen quand même. Bon, merci, je vous embrasse tous. Alors, il y a Jimmy, il y a Nico, il y a Benoît, il y a Thomas, il y a Mathieu, on va prendre tout le monde maintenant. Les dépuches, là, j'ai Regino. Bonsoir, Jimmy, 26 ans de Dieppe. Salut, Jimmy. Ouais. Allô. Ça va, Gna. Salut. Salut l'équipe. Ça va ou quoi? Enchanté Jimmy, t'as 26 ans, représente le 7-6. Ouais, c'est le maritime. Est-ce qu'on s'est vu à Rouen? On est venu faire l'émission samedi, dimanche soir à Rouen là. Non. Non, t'étais pas là. Non, non, j'étais pas. Vas-y, bon, y'a pas de problème. Merci en tout cas d'écrire et tout, c'est gentil. Qu'est-ce que tu voulais raconter toi? Bah voilà, mon dépucelage, j'avais 16-17 ans. Ouais. Et puis elle devait avoir 24-25 ans, je sais plus exactement. Et c'était une amie de mon frère en fait. J'étais invité, il m'a invité à boire l'apéro et puis du coup j'ai dormi là-bas. Et puis comme il n'y avait pas de place, et ben j'ai dormi avec elle sur le clic-clac et puis ben, après clic-crac. Ah ouais, t'avais 16 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et elle, elle en avait quel âge? Avec quel âge? 24-25. Oh là là, ah, t'es l'idole. Beau gosse. Non mais attends, t'as pas vu la meuf? Beau gosse, mais bon, voilà, j'ai duré quoi, 2 secondes quoi. Non mais c'est la première fois. Non mais à quoi elle ressemblait surtout? Est-ce que vraiment c'était un Picasso? Non, c'est moche. Ah bah tu vois, t'es honnête. Bah tu vas quand même. Non, t'es honnête. Ouais, ça dépend. Attends. Non, moi j'ai. À 16 ans, moi ça m'est arrivé. J'aurais pu, j'y suis pas allé, j'ai attendu de faire un. N'importe qui, j'y vais à 16 ans. En fait, c'est gâché. Non, c'est péché. Je suis d'accord avec Flo et Cadeau. Ah, t'as tellement envie quand t'as 16 ans. Faut quand même quelqu'un qui. Faut choisir quand même. Attends. Moi je l'ai fait parce que j'avais un couple surgi sous la main qui a proposé. Non, mais c'était original. Elle était belle la meuf. Un truc un peu différent. Eh non, t'as dit qu'elle était pas jolie. Non, mais la tête, toi, je l'avais dit, elle était normale. Plus. Ouais, donc moyen. On va dire 12. Ouais, mais non, parce que franchement, quand t'as 17 ans, une fille de 38 ans qui est normale plus, franchement, c'est excitant. C'est comme là, 25 ans, si elle est. Oui, mais c'est. Non, c'est pas du tout pareil. L'âge est gagnant. Non, 38 ans, c'est pas du tout pareil que 24. Non. Attends, 38 ans. Attends, moi j'avais 17 ans. C'était plus du double de mon âge. Ouais, je suis d'accord, mais quand même, 16 ans, 25 ans, c'est quand même une daronne. Tu te fais sucer par une fille de 38 ans quand t'en as 17, t'es content. Ah, ouf. Ah ouais. Même si elle est à 16 ans, j'aurais payé. Dans le noir, elle était pas mal, hein. De quoi? Dans le noir. Ah ouais, dans le noir. Ouais. Toi, t'as fait l'amour dans le noir? T'as fait l'amour comment d'ailleurs? C'est relou ça. Ouais, dans le noir, bah ouais. Ouais, c'est vrai. On venait de se mettre sous les draps et tout, et puis après, ça fait. Mais genre, t'as mis une capote ou pas? Pas dans mes souvenirs, non. Non, c'est vrai. Oh là, ça, ouais, c'est pas bien ça. Ah ouais. Et là, et donc, t'as joui dans sa vagine? Ouais, voilà, mais c'était rapide quoi. Ah, c'est vrai, ouais. Mais genre, t'as quand même lâché un peu de sauce et tout. Aller-retour, quoi. Ouais. Elle est allée aux toilettes, du coup, ou elle a dormi avec, non? Oh. Non, après, elle est partie dans la salle de bain. Ah, ah oui, c'est normal, ça. C'est la base. Hein. Ouais, faut, c'est fou hein, de faire l'amour avec quelqu'un et sans capote se dépucher. Je trouve ça ouf. Ouais, avec ouais. une fille d'un soir et tout. Ouais, c'est ah, bah oui. Non, c'est clair. Je vais essayer. T'as déjà pareil. T'as déjà pris une bite d'un soir. Une bite d'un soir. Capoté, pas capoté. Une bite d'un soir. Non, jamais, jamais. Désolé. T'as déjà joué à l'extérieur décapoté, je sais dire. À l'extérieur. La première fois à 14 ans, j'ai même pas eu le temps de rentrer que la capote était pleine. Steven du 7-9. Ah merde. C'est l'émotion. Oh là là. Dépucage à 13 ans pour moi avec une fille de mon quartier. Et depuis, on est toujours ensemble. Steph du 57. Bravo. Et lis ce message où je casse le front, le cul du stagiaire. Viens, Amina du standard s'est fait débuteler par une merguez lors d'un couscous familial. Exactement, c'était énorme. Ah ouais. Génial. Moi je remets, ouais, je remets, ouais, je la connais, il m'a claqué. J'ai un stagiaire, c'est vrai, tu vois le rectum par un poney pour son débutage. Non, les gars, vous allez trop loin. Ah ouais. Les animaux, n'importe j'ai quoi. J'ai stagiaire, il se prend que des. Non, les gars, je peux pas lire. Le 28-54, non, vous dépassez les bornes. Voilà, t'as compris. C'est sympa ou quoi? Mon ex a failli coucher avec une fille. Ah, les enculés! Oh, les bâtards! Putain, oh là là! C'est pas bien! Dédicace à Kinvey qui a mis le feu à fourmi dans le 59. Salut Lulu! Salut! On t'embrasse très fort. Alors, Jimmy à Diepois là. Dépucelé ouais. à 16 ans, c'est énorme. Patrice qui est là, 30 ans, Denise, bonsoir aussi, Patrice. Ça va, mon Patrice? Ça va ou quoi ouais. dans le 06? Tu peux enlever le haut-parleur, s'il te plaît, ou l'oreillette, Patrice? Ouais, désolé. Y'a pas de problème, gros, c'est normal, t'attendais donc y'a pas ouais. de soucis. Ça va ou quoi? T'as 30 ans, Patrice? Ouais, t'es, content, ouais, t'es né en quelle année toi? 82. 82? Alors t'as pas 30 ans? Ah, t'as eu 30 ans il y a longtemps. Ah, du ouais, coup. Dans la trentaine, ouais, je. Ouais, trentaine. On dit quand un mec ment une fois, il ment toute sa vie. Ouais. Oh, qui me bande de. Et vous avez jamais menti vous? Moi, jamais. Non. Franchement, non. Bande de mythos. Moi, je me rappelle pas dans mes souvenirs. Ouais. Toi. Tu peux mentir alors, une fois. Bon, une fois même pas. Non, mais après, Patrice, c'est une couille ce que t'es venu raconter. Au fait, big up à Amandine et Homme 66. D'accord, ok. Voilà, le message est passé. Pas de problème. Mais c'est, on est d'accord, c'était une couille, tu voulais raconter une couille? Non, pas du tout, non. Non, t'es vraiment. Gars, je suis dans la merde. Pourquoi? J'ai fait le beau, bah parce que j'ai fait le beau avec une meuf sur un site. Et ça va être mon premier plan échangiste, en fait. Donc voilà, je voulais savoir si t'as fait le beau sur un site, c'est-à-dire un site spécialisé dans l'échangisme, quoi. Sur quel site? Netéchangisme.com. Ouais, je connais. Ouais. Et ouais. Attends, et donc, et, alors attends, donc vas-y, raconte. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? T'as trouvé une meuf? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a été sur le site, tu vois, et elle m'a proposé un plan en club. Ouais. Moi, j'ai fait genre le mec, tu vois, sûr, serein, il n'y a pas de problème, j'y vais. Et puis, en fait, je voulais avoir un peu des conseils parce que je sais pas comment ça se passe, quoi. Donc, je me suis dit avec vous, qui êtes un peu foufou, il y a possibilité de savoir un petit peu comment ça se passe. Mais toi, t'as envie de y aller en club échangiste ou ça... Ouais. Bah ouais, c'est une expérience qui m'attire, tu vois. Mais la fille, elle est déjà allée ou jamais? Bah, apparemment, c'est une professionnelle. Ouais, en fait, c'est ça. Les photos et tout, donc voilà, quoi. C'est une professionnelle, ouais. C'est-à-dire... Elle travaille là-bas? Non, c'est une pro, c'est-à-dire qu'elle doit, à mon avis, elle est côtoie depuis un petit moment. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Elle a fait des shootings nus et tout. Il y en a qui font ça. Ouais, ouais. Ils font des shootings un peu hard, etc. Ils filment les photos sur les Facebook. Et après, il faut aller sur le site pour voir les photos non floutées. Non, pas du tout. Non, sur les profils d'échangisme et tout. Ils ont leurs albums, comme ils disent. Ouais, sur les sites, ouais. Et il faut qu'ils te débloquent l'album, en fait. Ils te déverrouillent l'album quand tu parles avec eux. Putain, t'es un professionnel, toi. Bah, bien sûr. Tu crois que je t'ai attendu avant d'aller sur Netéchangisme? Non, mais j'ai une petite période un peu rigolote, mais après c'est normal. Et franchement, je pense qu'il faut connaître ses périodes dans sa vie pour après pouvoir se caser. Ouais, grave. Ouais, faut s'amuser. Il faut un peu connaître le feu-caton dans sa vie. Tu vois, une période comme voilà, c'est une période de comme marathon et qu'un fuck. Voilà. où t'as plusieurs relations, où t'as vraiment il faut se libérer des pulsions sexuelles, tu vois, vivre ces trucs. Exactement. Non, mais c'est un truc que j'ai jamais vécu. Donc tu vois, je me suis dit, je suis célibataire. C'est une aventure, t'as raison. Mais voilà, après, savoir exactement comment ça se passe, est-ce que ça va me plaire et tout, je sais pas. Ah bah ça dépend. J'ai déjà, t'as déjà eu le cul qui fumait t'as... Ah la question. Bah non, pourquoi? Non mais en vraie question, non, hein, comme ouais. Patrice Denis, là tu dis, si tu passes, ça va te plaire. De un, tu le sauras après. Et de deux, une expérience échangée, ça fait pas du tout l'autre, quoi. Franchement, et tu peux tomber sur un couple où ça va être horrible. Ouais. Ils vont pas te mettre à l'aise. Bah, le mec dépend, il va pas être sympa. Le mec, il va te caresser le cul alors que tu as dit imagine, non. Ouais. Il y a y a des mecs qui sont bi. Non, mais oui, mais il y a des mecs. Non, il y a des mecs qui font genre et en fait ils sont pas. Et il y en a qui disent hétéro, puis en fait ils se disent tiens, quand le mec il sera chaud, je vais lui caresser. On avait eu un mec, Renoir, qui avait appelé avec un anorexien, on avait trop rigolé. Je me rappelle, il s'était pris une échouille aux couilles. T'imagines, il y a ça, comment tu fais? Et en fait, il était en train de prendre la fille, et d'un coup, il sent une langue qui lèche les couilles. C'était le mec qui s'était lâché. Sans prévenir. Et il s'est retourné, il a dit mais pourquoi tu me lèches les couilles? Et il nous avait fait ultra rire, le mec, je me rappelle. Coup de couille. Donc voilà, donc tout ça pour dire, ça veut rien dire. Et tu peux peut-être kiffer le couple, il va être génial, il va être super beau. Peut-être que la fille, tu vas arriver, elle va être dégueulasse, elle va sentir le sperme. Mais non, ça, je prends le pire exemple. Moi j'ai eu la chance, j'ai eu que des expériences avec des gens super chics, quoi. Excuse-moi, tu t'es fait bouffer le cul, avoue-le. Ouais, non, mais toi, t'es une couille, je le savais depuis le début, je savais. Mais non, mais je te pose la question, est-ce que tu fais bouffer le cul ou pas? Non, mais arrête, je sais. Bon, la question. T'as peur d'avouer à l'antenne, t'as peur. Tu fais quoi dans la vie, toi, Patrice? Un métier. Ouais, t'es mystérieux, toi. Bah, tu peux nous dire ce que tu fais. Ouais, mais j'ai pas envie de dire ce que je fais, en fait, tu vois. Tu dis que tu vas dans des clubs échangistes, mais tu veux pas dire le métier. Faut pas me faire griller, quoi, tu vois. T'as dit quoi? Pour pas me faire griller, normal. J'ai pas compris. Ouais, mais t'es grillé déjà, pour pas se faire griller. Pour ne pas me faire griller. Ah, bah, par qui? Pour le travail. Si tu dis que t'es garagiste, y'a pas qu'un garagiste. Hein, ouais. À Nice, si t'habites vraiment à Nice. Je suis sûr qu'il y a plus de gens qui sont échangistes que de gens qui font ton métier. Ouais. Donc t'as plus de chances de te faire attraper. Dans le bas, voilà. Donc, non, parce que je sens un petit peu de mauvais esprit en toi. Ouais, y a un et t'as pas l'air d'être de Nice. Oh les gars. T'es pas de Nice, toi, en plus. Ouais, je suis de Lille, exact. Mytho, pas Lille non plus. Ah, tu vois comment on peut faire confiance. En fait, tu mens sur tout. Tu mens sur tout. Mythomane. Ça me rappelle Merlin, le chanteur. Des conseils. Voilà, je pensais que vous étiez calé sur la. C'est vrai que ça sonne faux d'un coup là. Est-ce que dans tes conseils, c'est le moment où tu me demandes si je me suis fait bouffer le cul? Où s'arrêtent les conseils et où commencent les trucs là? Parce que voilà, tu me fais rire, donc j'ai voulu t'envoyer une vanne. Bon, elle a pas marché, okay, non. Non, mais je me suis jamais fait bouffer le cul. Et si je le. Alors, Jameson avait essayé. Je l'ai, et le jour où je le ferai. Essaye, mon pote, c'est une dinguerie. Non, mais je le ferai. Ouais, c'est vrai. Moi, c'était un pote qui m'avait dit voilà, faut le faire. J'ai peur. Un pote en soirée, un pote. On lui avait fait, voilà, et il m'a conseillé qu'on le fasse. Et franchement, c'est énorme. Merci, Jameson. Voilà, avec plaisir. J'ai l'impression que c'est le moment de la bataille finale. Enfin, les voilà. Avant la fin de l'émission, on devait avoir un mec qui nous cherche. Alors prends ton fusil. Il est chargé. Tiens. Et prends les balles qui vont avec. Les munitions sont là. On va demander au petit qui est sur un tabouret là-bas pour faire la même taille que nous. Oh, gamin ! Ouais ! Gamin ! Ouais ! Porte mon fusil et mes balles. D'accord ! Mets-toi derrière moi pour te protéger. Ok. Aculas ! Oui. Aculas. Oui. Le forgeron vient avec nous. J'arrive. Si nous n'avons plus de balles, tu pourras mettre des coups d'épée. On compte sur toi. Avec grand plaisir. Nous sommes face au boss final. FD. Ouais. Patrick. Ouais. Tu charges en premier et je te suis. Tu me couvres. Vas-y, fais un décompte. 3, 2, 1, go. Allez, petit Aculas. Allez, vas-y, allez. Allez, on court. Allez, allez. Coup de chasse. Arrête, allez. Fais gaffe, ça arrive. Petit, si t'y arrives pas, libère les gaz. Allez, donne tout, petit, aide-nous. Pour la patrie. C'est mon arme secrète. Allez. Attention, les gars. Lâche ta pompe, merci. Tu as tué le boss, merci. Portez-moi la copelle. Ah putain, on a gagné. Merde. Ouais, le stagiaire. Ouais. Salut Guillaume, j'ai le stagiaire, s'est fait débuter par un tour de taureau, merci. Oui, bien sûr, ouais. Une corrida. Même dans les fesses. Drôle. Je crois que Jimmy Setsi s'est tapé ma mère fourrasse de Francis Setsi. Moi, j'ai reçu la première fellation au cinéma, c'est rigolo ça. Ah ouais, c'est bien au cinéma. Ouais. Demande-lui le nom du site, sinon ça sent la couille, Alex. Non, mais ça sent la couille depuis le début. Ouais, il a raccroché en plus. Mais bien sûr, il a raccroché. Il a pris la fuite. Attends, on va le rappeler, il y a dû y avoir une erreur. Et puis si jamais il n'y a pas d'erreur, on va laisser le numéro du répondeur. Donc il faut mieux qu'il nous réponde. Attends, sinon je vais oublier d'appuyer sur le bouton au dernier moment, malheureusement. Je sens la couille. Cette erreur, là. Ah. Allô. T'as raccroché, mon Patrice? Ben non, ça a coupé. Ah merde, d'accord, ok. Bon, alors, et tu vas dans quel club alors, échangiste, ce soir? L'Absolu. D'accord. Où ça? Et, Nice. Avec une nana, et t'as peur de savoir comment ça va se passer? Bah, disons que, ouais, tu sais, je sais pas trop comment ça se passe, quoi. Bon, c'est comme une boîte et puis tout le monde se chauffe. Ouais, ils sont un peu nus. En fait, non, attends, mais ça, c'est pas comme ça, ça non plus. Il y a des règles. Donc, Nicolas, tiens, 24 ans, 25 ans de la Louvière. Bonsoir, Nico, là. Ouais, salut. Pour terminer, puis repasser, c'est nickel. Ça va ou quoi, Nico? Ça va. Enchanté, gros. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Nico? Bah, moi, j'ai eu la chance de me faire dépuceler à 12 ans. Et ouais. C'était un coup de chat, en fait. J'étais avec deux potes en colonie de vacances. On était dans un hall omnisport, on avait été parqué comme ça à l'arrache, donc on était dans les vestiaires, on était sur des matelas et des sacs de couchage. Et mes deux potes devaient aller baiser, on va dire. Et, t'avais quel âge, toi? Moi, à ce moment-là, j'avais 12 ans. Ah ouais, 12 ans, c'est bien. Hein, et, bah ouais, donc moi, il me dit ça et tout ça. Et quand il m'en parlait, je disais, ouais, putain, franchement, j'aurais eu l'occasion, je l'aurais fait tout ça. Et pendant la nuit, il y en a un des deux qui s'est pas réveillé, du coup, l'autre est venu me réveiller. Et ben là j'étais tout de suite beaucoup moins fier et j'y suis allé quand même à reculons parce que voilà je me suis chié dessus un petit peu, j'avais 12 ans, je savais pas comment ça irait. Et voilà, elle m'a tout fait du début à la fin. Mais je comprends pas, elle devait coucher avec un de tes potes et vu qu'il a pas voulu, elle a pris un autre, un remplaçant quoi. Grave. Bah ouais, comme au foot, ça y est. Ah, c'est ça quoi. Et la fille était plutôt belle ou c'était un peu un. Ouais, pareil, non, franchement ouais, un rêve, vraiment une un rêve de nuit. Pour tous les ans. Ah ouais, c'est vrai. Oh putain, bravo. Ouais. Et t'avais 12 ans. Putain, 12 ans. Et j'avais 12 ans. Oh là là. Après ça, ça a été un carnage. À partir du moment où j'ai goûté à ça, c'était fini. Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi tu l'as beaucoup refait après? À partir de là, je suis resté peut-être un an sans rien faire parce que voilà, le temps d'expliquer ça, c'est dur de faire croire et de faire comprendre qu'à 12 ans, on l'avait déjà fait. Donc j'ai eu du mal. Et dans ma génération, à 12 ans, à ce moment-là, c'était pas encore si fréquent. Donc ah bah c'est pas fréquent non plus, 12 ans. Ah bah non. C'est pas. En tout cas, t'as de la chance. Hein. Ouais. D'avoir fait, moi j'aurais tellement kiffé à 12 ans. Hein. Oh là là. Et à côté de ça, la fille aujourd'hui, je l'ai revue. Et c'est devenu un laidron pas possible. Elle a trois gosses. C'est vrai. Ouais. Change, hein. Mais c'est bien d'avoir eu des. Moi j'ai pas eu d'opportunité. Tu devais être beau gosse parce que moi j'ai eu zéro opportunité jusqu'à 16 ans. Ouais, faut être stylé, ouais. 16 ans, j'ai refusé une fois, j'aurais dû y aller. Oh. Et ensuite, j'ai dit attends, 17 ans et demi, quoi. Comment tu refuses? Bah non, mais en fait, elle me plaisait, mais il faut vraiment que la fille m'excite à mort pour que j'aille. Moi, j'avais envie de le faire pour le faire, c'est voilà, vrai. Bah oui. Bah ça, non. Ouais, au final, non, je l'ai pas fait pour le faire, je l'ai fait. Quand même, faut qu'elle ait un truc, tu vois. Un petit charme. Ouais, voilà, beaucoup de charme. Parce qu'après, c'est de la viande, quoi. Il y a des filles qui ont du charme. Je sais pas si c'est normal, je suis encore plus soit 19 ans, j'aurais pu baiser une fille, mais en fait, j'ai peur de venir tout de suite et d'avoir l'air con, mais non. Au pire, si ça arrive, ça arrive. En fait, faut arrêter d'être gêné, les gars. Putain. Ouais. Ah, mais c'est bon. Tu jouis, tu dis putain, je suis désolé, j'étais tellement excité. Voilà. T'attends 20 minutes, tu retournes. Voilà, tu vas me laisser 3 minutes, je vais. Voilà. Et ça va revenir, et puis bah c'est oui. Bon, quoi. Et puis après, tu rebondes, et puis tu y retournes. Hein. C'est parti. Voilà, comme en 40, tu montes dessus. Tu bois un ice tea. Mais bien sûr, attends. Ouais. Bon, je t'embrasse, mon pote, en tout cas, mon Nico. Merci d'être passé. C'est cool, changez rien. Franchement, je vous écoute depuis le début, depuis que t'es sur Énergie, il y a des années. De quoi, en Belgique? Ouais. Puis t'es passé sur une autre radio que je ne nommerai pas. Et bon, puis, tu peux la nommer, la susnommer. Ouais, peut-être sur Fun, ouais, Guillaume Radio Libre à ce moment-là. Exactement, putain, c'est marrant quoi. Et après, on est passé à la deuxième génération, c'était 2.0. Voilà, Guillaume Radio 2.0. L'évolution. Et comme je bosse de nuit, je vous écoute tous les soirs. Ah, c'est sympa, mec. Tu travailles dans quoi, toi, Nico? Bah, je suis chauffeur de navette pour les aéroports et les gars. À la Louvre. Tu fais quoi comme aéroport? Bah, je fais tous les aéroports de Belgique, je fais celui de Paris aussi, je fais Charleroi, Bruxelles. Ouais, Charleroi aussi, ouais. D'accord. Bruxelles. Cool. Et eh ben vas-y, merci mon pote en tout cas. Bon courage hein, pour la ouais, conduite de soir et cool. Tout. Et je te repasse le standard, d'accord. Ouais. Allez. Merci. Allez, gros bisous Nico. Salut. Merci. Salut. Très gros. Bonne nuit hein, les gars. Bonne nuit à tous. Hein. Guillaume Radio 2.0 demain. On se retrouve à 22h. On fera le jeu du plan à 3. Ouais. Comme tous les mercredis. Samedi, on sera en direct de Bastia pour l'énergie Corsica Party. Trop hâte de vous voir les mecs. Et puis vous voulez venir en direct avec nous, vous êtes les bienvenus. Guillaume au début du texto et vous l'envoyez au 6-11-12. Voilà. Guillaume et votre message au 6-11-12. À demain, j'ai un stagiaire. À demain Guillaume. Bonne nuit. À demain Guillaume. À demain Guillaume. Bonne nuit. À demain. Mina du standard. Bisous, bonne nuit. Bonne nuit, Flo des cadeaux. Bonne nuit, Guillaume. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Julia, qui est chez nous. Bonne nuit. Va lire les commentaires sur le Facebook, là. Ok. Ah, tu vas kiffer. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre le plaisir hein, des commentaires et tout. Bon, allez, bonne nuit à tous. Tu m'entends, Mickaël? Oui, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben super, bonne très journée. Bien. Vous allez avoir 30, vous allez avoir 30 degrés demain, t'as vu, on a tous 30 degrés. Ouais, j'ai vu. Ouais. Enfin, l'été. Ça va être cool. Ouais, ça y est. Ouais, ça va pas durer, hein, mais bon, profitez de ce qu'on peut, quoi. Ouais, bah attends, déjà deux jours de chaud pour moi, c'est, ça y est, c'est l'embellie. Ouais, c'est clair, c'est déjà limite la syncope là, trop chaud, tout ça, les chaleurs, non? Ouais, on va faire cela dit, l'année dernière, on se plaignait, il faisait la même chose, il faisait 40 degrés, il faisait trop chaud. Ah, c'est vrai. Et vu la gueule des clims à énergie, si tu veux, je préfère qu'il fasse pas trop chaud dehors. Ah ouais, c'est clair. Oh ouais, la misère ouais. Ici, putain. Il vaut mieux. Bon, et bah écoute. C'est la petite odeur de la clim que t'as, tu sais, quand tu te rends compte qu'elle est d'époque, quoi. Ah oui. Non, moi, c'est plutôt la petite odeur de JM du standard. C'est pas vrai. Attends, il fallait que je le réveille, il s'endormait là. Ouais, non, mais je suis là, moi j'attends, hein, Mickaël est là. Non. Dans 5 minutes, ça va être de ma faute. Attends, Mickaël, il a arrêté sur toi, il en met sur Amina. Ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Depuis la semaine dernière, le nouveau trou, il avait le sein, c'est Mickaël. Il allait venir chez les flics, connard. Ah, tu vois. Et Amina du standard, elle te dit S-A-L-O-P-E. Oui, c'est exactement. J'avais oublié celle-là. Toute la soirée, il y en a qui disaient Amina du standard, c'est une S-A-L-O-P-E. C'est agréable. Parce qu'en fait, c'est elle qui a inventé cette façon de parler. Ouais, c'est ça. C'est déjà mais méfiez-vous parce que une main courante ou porter plainte. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. T'as l'impression qu'il y a une agence standard et elle a un abonnement chez les flics. Écoute, on se défend comme on peut. T'as déjà porté plainte à Mina du standard? Mais évidemment. Combien de fois? Tout le temps, tous les jours. Elle va plus souvent là-bas qu'à chez Carrefour. Il y a 12 plaintes sur JM, 25 sur. 3 fois, dont 2 pour ma voisine. Oh là là. Parce qu'elle m'avait giflé dans la garde des voisins. 3 fois porté plainte. Qu'est-ce que ta voisine te gifle? Mais on s'embrouillait. On s'embrouillait en bagnole en fait. La meuf, elle a crié, etc. Ça va trop loin, le truc. Elle est descendue de la voiture, on a commencé à se prendre la tête, elle a enlevé ses lunettes. J'ai dit écoutez, j'appelle la police, c'est comme ça. Et là, elle m'a fait une baffe. Mais j'ai pas la police. Amina, c'est une Kaira, attention. Elle est mitoyenne, c'est chez Courbet. Ah, c'est tellement ça. Et franchement, j'imagine, moi j'aimerais pas être voisin d'Amina. Non, mais attends, on est chez les sauvages. Elle respecte rien. Moi je respecte rien, la meuf me tape dans la rue, on est où? On est aux zoos, c'est quoi ça? Ça se fait pas, en vrai. C'est Amina du barreau, dorénavant. Et je veux pas être son mec non plus, hein, t'imagines. Ah ouais. Non, mais en fait, et franchement, c'est clair. Ah non, mais alors son mec, mais alors le pauvre. Mais non, t'inquiète pas. Enfin, le pauvre futur, j'ai envie de dire. Ah, tu sais pas. Il faut envoyer un CV, quoi. Ouais. Mais n'importe quoi. Oh là, prends un flic, ça sera plus rapide. Bonne idée. On va la plainte tout de suite. Ouais, c'est clair. Un avocat, elle aura plus de frais d'avocat. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, bah écoutez, bonne nuit, les mecs, amusez-vous bien. Bah ça roule, allez, demain. Ciao, on est là jusqu'à 5h, bienvenue. Les grandes vacances arrivent. Le soleil, la plage, les voyages. Certains font des régimes pour être beaux sur les plages. D'autres commencent à faire du sport. Mais c'est trop tard. On se demande où partir. Avec qui? Comment? On n'a pas d'argent. On va faire comment? Les vacances arrivent, on va pouvoir se reposer. Ne rien faire, manger, dormir. Les vacances arrivent. Les cours sont terminés. Les examens bientôt oubliés. On va pouvoir profiter de la vie. Les vacances arrivent. Se lever tard, ne pas travailler, ne pas se coucher. Dove va pouvoir montrer son corps d'athlète. Les vacances arrivent. Quel bonheur. Mais en attendant... Toutes les nuits de 1h à 4h, Mickaël est sur Énergie. En live. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L. Officiel. Eh oui, les vacances arrivent. Putain, ça fait du bien quand même là. Bon, nous, on va prendre des belles vacances. Bon, après, on en vient, cela dit. Des belles vacances, si on change d'horaire. À partir de lundi, on sera à minuit à 3h. Ah oui, c'est l'horaire. Ça va nous changer. Oui, c'est ça. C'est, on change l'heure. Hein. C'est mais plus tard que les autres, mais on change l'heure. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée en tout cas. Ah là là là là là là là là là là. L'Espagne a perdu. Bien fait pour leur gueule. Face aux Croates tout à l'heure. 2-1. Je l'avais dit en plus, je regardais ça avec un peu d'espagnol. Il a mis le premier but. Ouais, ça va aller. Je fais attends. Les Croates sont là. Et pam. Et ben pam, voilà. Je suis bien content moi. Et ben ouais, mais pam. C'est comme ça. Bon, donc il fallait parier sur la Croatie, hein. La cote était à 7. Oh là là, putain, ouais, mais ça par contre, mais il fallait avoir les couilles de le faire aussi, hein. Donc du coup, si je résume bien, il y a les Espagnols qui vont affronter les Italiens. Ouais, c'est ça, c'est ce seul match, je crois, qui est déjà sûr. Ouais. Voilà, donc demain on verra bien. Il y a les Belges qui jouent, il y a les Portugais qui jouent. Bah, il serait peut-être temps de démarrer à un moment ou à un autre. Hein. Donc voilà, on suivra ça évidemment pour vous, bien entendu, rassurez-vous. Donc, salut Mickaël, j'adore, tu es le meilleur, c'est Jessica du 2A. Bah, salut Jessica, gros bisous à toi, Yannick de Beauté. Et Benko aussi, bonsoir toute équipe de nuit, une soirée de malade qui commence, Tof, je t'emmerde. Et je t'encule, coup de pelle à lui, écoute avec plaisir. Hein. Si c'est juste ça que tu demandes, hein, nous on est là pour rendre service, aucun problème. Polo, passez une bonne journée. Oui, très bonne journée. J'ai dormi. T'as dormi? Ah mais moi je suis fatigué mec. Non, mais d'accord, mais t'as quand même pas dormi de la journée. Non mais j'ai fait aussi, j'ai dormi puis j'ai rien fait d'autre. Enfin je me suis baladé. Ouais, mais il s'est occupé quoi. Ah ouais. Ouais, je me suis occupé, ouais. C'est... Ouais, bah écoute, c'est bien, faut le faire, hein. Tof, ça va aussi. Écoute, nickel. Pas de problème, le ramadan va bien. Écoute, le ramadan va bien. Je rappelle encore une fois que Tof fait le ramadan, non pas par conviction religieuse, hein, juste par une sorte de pseudo-pari, on va dire. Voilà, c'est ça, et j'embrasse Marion. Ah, je croyais que t'allais dire Maryse. Non, Marion. Qui est Marion? J'écoute, j'organise déjà la fin de mon ramadan. Comment ça? C'est quoi ton histoire? Bah rien, il faut que je me rattrape après. Ah oui, parce que c'est vrai que tu peux pas te masturber. Mais je peux rien faire là, je peux rien faire, donc il faut que. Ah oui. Non, il faut que je. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Faut que je décompresse vrai. Après, quoi. Ouais, bah forcément, ouais. Donc, effectivement, le problème, c'est que Tof a marqué, mais après le premier jour du ramadan, qu'il était interdit également ouais, de se masturber. Ça, ou d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas ta femme. Bah voilà. Et ouais, donc forcément, c'est un problème. C'est bah, énorme. C'est énorme, un énorme problème. Bah, donc bah, c'est ouais. pour ça. Bon, appelez-nous en tout cas si vous avez envie de passer la soirée avec nous, la nuit en l'occurrence, 01 40 71 5000. Si vous êtes en Belgique, vous faites le 02 703 007 1. Et puis. Bonne fête de la musique à tous aussi, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Enfin, on l'avait dit hier, hein, cela dit, on est déjà le 22, maintenant c'est fini la fête de la musique, mais bon. Et d'ailleurs, j'ai le top 10 des chansons pour draguer. Alors venez nous dire si effectivement, pour séduire, vous avez une chanson favorite qui marche mieux qu'une autre. Ouais. Et donc, c'est Happn et Spotify qui ont fait le classement sur base des morceaux les plus échangés entre les membres du réseau de rencontres. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, alors on arrive en 10 avec Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Ouais, mais ça c'est les gays qui se l'envoient. Alors, je ne sais pas qui envoie quoi à qui. Mais il y a quand même un moment, faut que je vous fasse écouter parce que, alors évidemment, il y en a peut-être plein qui vont pas connaître, parce qu'il fallait connaître aussi un Wake Me Up. Et il faut aller dans les villes. Attendez, merde, non, ça c'est la télé. Si je peux recommander le clip, qui est quand même exceptionnel. Voilà, c'est celui-là. Je vais mettre plus loin. Voilà. Donc ça c'est le numéro 10, c'est dingue quand même. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que George Michael. Hey, George Michael, ouais, qui est là, ouais. Qui était le beau gosse de l'époque, c'est un petit truc historique. En fait, toutes les meufs de l'époque le kiffaient parce qu'il était, c'est un vrai beau gosse, hein, ah ouais, ouais, George ouais, Michael. Sauf que dommage, il est gay. Il est gay. Ah, et dommage, hein, pour les meufs, hein, vraiment dommage. En 9ème place, il y a ça, Sam Smith. Bon, ça c'est cool, hein, normal, j'ai envie de dire. Je vais mettre plus loin là. Voilà, bon là, c'est normal, musique de lover, tout ça, normal. Donc voilà, on vous passe sur énergie, c'est normal, vous voulez changer, logique. Bon, il y en a 8 autres encore, on en parlera dans quelques instants, dont la 8ème position qui est le son préféré de tous les temps de Tof. Les temps? Bah de tous les temps, c'est le morceau préféré. Hein? Julie Pietri? Ah non, pas du tout, non, non. Non, non, non, c'est son morceau préféré, sauf s'il a changé d'avis entre temps, mais a priori c'est ça. Donc si vous avez, quel est votre morceau, le morceau pour séduire en ce jour de fête de la musique? Bon, même si c'était techniquement hier, mais bon. 01 40 71 5000. Tiens, Sarah est avec nous maintenant, Arwan. Salut Sarah. Salut. Allô, comment ça va, Sarah? Bah, ça va bien. Bon, bah, bienvenue à toi, Sarah. Alors, raconte un petit peu, toi, est-ce que t'as une chanson qui te permet de séduire plus qu'une autre? Ou que tu non, préfères plus qu'une autre, par exemple, non? Non, pas forcément. Non, d'accord, ok, très bien. Bon, bah, t'es déjà sorti avec un garçon? Oui. D'accord, et vous n'avez pas fait ça avec de la musique? Non. D'accord, ok, bon, très bien. Écoute, et toi, Polo, c'est quoi la musique? C'est Highway to Hell. Highway to Hell, d'ici, bah, bien sûr, évidemment. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, attendez, je vais essayer de voir si je l'ai sous la. Mettez-vous dans l'ambiance, hein. Là, non, je lui attrape les cheveux, cette grosse pute. Oh, tape! Christophe! Putain! C'est pas possible, ça! C'est pas possible de soucier vulgaire comme ça, là. Alors, c'est des. Il peut manger le ramadan, c'est il se lâche là. Je m'excuse, mais je n'étais pas là. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est, ça ouais. Ouais, c'est facile de dire ça après. Hein. Bon, donc ça, c'est la chanson avec laquelle Polo séduit. Voilà. Attends, je voulais mettre hors live, c'est mieux. Ah merde, c'est un live aussi. Bon, bah attends, je pars avec. Coupez ça. Bon, après, c'est vrai que. Je vais mettre plus loin. Ah putain, c'est ça qui est chiant avec les lives, ça démarre. Ah voilà. J'écoute ça avec Maryse. Tu veux quoi avec Maryse? Avec Maryse, j'écoute ça des fois. Ah ouais, elle aime bien ça, Maryse, ouais, ou pas, Tof, ta mère? Rizma, elle aime bien ici, d'ici ou pas? Ah bah, elle adore, je suis sûr. Ah ouais. Voilà. I'm gonna highway to hell. voilà, donc c'est avec ça que tu t'arrives à pêcher, toi. Alors, bah ça, c'est incroyable. Oui, et Valentino Standard, c'est quoi ta chanson préférée pour séduire, ou avec laquelle tu peux te faire séduire, pardon? Bah, du métal aussi. Moi, c'est Gojira, par contre. Ah, Gojira, ouais. Ouais, Gojira, c'est moins. Ouais, on pêche là-dessus, moi. Ah, message qui dit ta chatte Polo va supporter tes putes de portugaises et vamos España. Non, c'est pas Polo qui supporte les portugais, c'est moi, parce que je suis portugais. Voilà. Mais bah, vamos España, bon, là, ils vont parler. Bon, après Italie, peut-être. Après, il y a quand même les Allemands, je crois, sur lesquels ils peuvent tomber. Ouais. Donc, ça va être dur. Hein. Mais cela dit, comme je disais un pote espagnol qui disait oh, fais chier, putain, on va affronter les grosses équipes. Soi-disant, l'Espagne est la meilleure équipe du monde, donc peu importe sur qui vous êtes tombé, vous devez gagner contre toutes les équipes. Exactement. Puisque vous êtes les meilleurs. Et c'est là qu'on va c'est là que vous allez pouvoir le prouver. Mais là, attention, à part faire de la paella et accrocher des jambons dans les magasins, c'est tout ce qu'ils savent faire, les Espagnols. Hein. Oh, quand même. Ah, ouais. Bon, on verra bien. Ne vendons pas la peau de Toff avant d'avoir tué. Chaque chose en son temps. Bon, on parle de quoi avec toi, Sarah, ce soir? Bah, j'ai un petit problème, en fait. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, j'ai un problème avec les lignes. Par exemple, dans le carrelage. Les lignes? Oui. Par exemple, dans une maison avec du carrelage, bah, je supporte pas. Ça me met un peu. Enfin, ça me perturbe. Du coup, bah, des fois, ça m'empêche d'aller dans certains endroits. Mais et... par rapport à quoi ça te perturbe? Bah, je sais pas. Oui, je sais, c'est bizarre. Mais c'est un toc. T'as un toc. Oui, c'est ça. Oui, voilà, bah oui, c'est pas grave. Mais enfin, quoi, c'est grave. Tu les comptes? Non, pas forcément, mais je peux pas marcher dessus, je suis obligée de faire des petits pas ou... Ah mais ouais. ça se soigne, enfin, ça, je des crois. Fois, j'y fais pas très attention, mais enfin, une fois que je me suis focalisée dessus, bah, j'arrive plus à m'en... Bah c'est un psy, en général, qui peut t'aider avec ce genre de choses, hein. Bah je sais qu'après... Moi, j'ai pas de toc avec les carrelages ou avec les fils ou avec des trucs comme ça ou avec des lignes. Je sais qu'après, moi, c'est les tocs plus de propreté, tu vois. Genre, si je vais dans un hôtel, faut que je sois sûr à 100% que le truc soit propre, sinon je me déplace avec mes couettes, enfin ma couette en l'occurrence, mes oreillers, tout le bordel. Mais on va en parler dans un instant. Tiens, dites-nous si, comme Sarah, vous avez des tocs. Appelez-nous au 01 40 71 5000. Et pour les chansons, dites-nous également quelle est la chanson avec laquelle vous avez le plus de chances de séduire ou avec laquelle vous pouvez vous faire séduire, justement. Tiens, 01 40 71 5000. Ce soir, PS4 a gagné également. Bah ouais, PS4 a gagné avec le menteleur. Elles adorent qu'on leur mente. Si vous avez envie de jouer avec nous, on vous imposera trois mensonges. Il va falloir les faire croire à quelqu'un de votre entourage. Si vous y arrivez, vous gagnez la PS4. Et puis n'oubliez pas le double hit également ce soir avec des places pour le concert de Maître Gims à choper dès que vous entendez Rihanna et Maître Gims. On aura l'occasion évidemment d'en reparler un petit peu plus tard. On est déjà au cœur de la nuit sans pub. Il est 1h16. C'est Mickaël sur Énergie. Et puis bah, on va s'écouter le son de Mommy maintenant. Tu payes ton café, Polo? Parfait. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had these grooves. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all. You.